Bonsoir, bienvenue à Radio Debout, la radio du mouvement Nuit Debout. Donc on est ensemble pour 4 heures de 20h jusqu'à minuit. Vous pouvez nous suivre sur mixlr.com/radiodebout en direct et vous pouvez également nous suivre sur SoundCloud, réécouter nos émissions en podcast. Soyez simplement un peu patient avec la mise en ligne parce que quand on est très pris par l'instant, par l'instant de la lutte, on n'a pas forcément le temps de consacrer autant de temps à l'archivage. Mais tout ça arrivera à bon port. Tout de suite, on retrouve pendant quelques minutes l'Assemblée Générale et pendant une demi-heure ensuite, nous serons en compagnie de Yves Géry, journaliste d'investigation, spécialiste des Amérindiens de Guyane et nous allons parler de son livre « Les Abandonnés de la République ». Donc, s'il vous plaît, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, pas de photos pour ces gens. Et si vous venez parler ici et que vous voulez qu'on fasse pas de photos, je le dirai. À vous. Bonjour, messieurs, dames. Je me nomme Younoussou Doukansi, je suis malien, je suis un jeune étranger isolé. Nous sommes jeunes isolés étrangers, nous avons formé un collectif de jeunes majeurs et mineurs. Aujourd'hui, nous sommes allés à 15h à l'hôtel de ville pour demander à la maire de Paris d'appliquer notre droit à un hébergement et à l'inscription au lycée. Hier et avant-hier, nous avons demandé de vous joindre à nous, mais nous sommes restés isolés. Nous faisons demain à 18h une commission à droite, derrière à la scène. Nous parlerons de notre situation de mineurs et jeunes à la rue. Nous vous présenterons notre organe de lutte et de soutien. La page Facebook, le collectif réuni pour la protection des jeunes isolés, vous permettra de les contacter. Merci et bonne soirée. Alors maintenant, nous reprenons encore des tours de parole libres. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre la parole, vous levez la main. Preneur de tour de parole, preneuse de tour de parole, viennent vous voir. Donc Romain C prend la parole et la commission Galerie d'Art Debout se prépare. Ah non, pardon, petite urgence. Sur commission Convergence des Luttes. C'est qui de la commission Convergence des Luttes qui vient parler aujourd'hui? Donc la commission Convergence des Luttes converge vers l'Assemblée. La commission Convergence des Luttes, c'est normal, est très nombreuse. C'est très bon signe. Mais à qui vais-je donner le micro? Salut, alors je viens vous présenter un texte que nous venons de voter à la commission Convergence des Luttes. Et nous soumettons à votre avis. C'est un texte que nous allons par la suite présenter à toutes les commissions. Et il sera voté demain. Il sera proposé au vote demain à l'AG populaire. Donc je vous lis. Allez, c'est quoi le contexte? Oui, bah c'est quoi le contexte? J'ai le texte. Syndicat debout, deux points, leur faire peur. Participant à la nuit debout ou et membre de syndicat, nous souhaitons un rapprochement entre ces deux branches du mouvement contre la loi El Khomri et son monde. Pour cela, nous souhaitons que toutes les manifestations du 1er avril, du 1er mai et les suivantes donnent lieu à des moments de fraternité, place de la République, sous des formes diverses et à imaginer. Débats communs, village syndical, meeting ensemble, etc. Nous souhaitons que la place de la République devienne le lieu d'arrivée des prochaines manifestations, afin que les travailleurs se mêlent à la jeunesse, que les revendications portent une part d'utopie. Nous souhaitons que les structures syndicales de la CGT, de Solidaire, de Force ouvrière, de la FSU, de la CNT, et de tous les autres syndicats et syndicalistes opposés à la loi El Khomri, participent à ces moments de fraternité depuis la base, les sections d'entreprise, les unions locales, jusqu'au sommet, les fédérations et les confédérations. Nous souhaitons qu'on se donne rendez-vous dès le 28 avril, après la manifestation, place de la République, pour en discuter librement, humainement, faire le point sur nos accords et désaccords, nos différences, mais aussi nos luttes et nos espoirs communs. Seule cette jonction est en mesure aujourd'hui de faire peur à l'oligarchie et de faire reculer le pouvoir. Voilà. Alors, c'est radio pas, debout, c'est pas la radio qui est pas couchée. Bah parce que elle est debout, donc elle est debout. Elle résiste contre. Elle se dresse contre ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas, qu'on ne veut pas. Radio debout, la radio qui ne se couche pas. La radio. Radio. Retour à Radio Debout, la radio autonome et indépendante qui suit le mouvement Nuit Debout et non pas la radio du mouvement Nuit Debout comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Donc si vous êtes d'accord avec le texte qui vient d'être proposé à l'écoute il y a quelques minutes sur les rapports entre syndicats et le mouvement Nuit Debout, il faudra venir à l'AG populaire de demain pour le voter. Voilà, tout de suite on va parler avec Yves Géry des Abandonnés de la République. Bonsoir Yves Géry. Bonsoir. Merci d'être là. Alors... Les Abandonnés de la République, j'espère que vous ne sentez pas que, comment dire, la reprise du titre de votre ouvrage comme une manipulation du terme. Il m'a semblé à moi qu'on pouvait utiliser le titre de votre ouvrage comme un symbole pour une série d'émissions qui pourraient être consacrées à ceux qui sont oubliés de la République, et pas seulement les Amérindiens de Guyane, mais ceux, les Kanaks, éventuellement les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, les Maoïs de Polynésie française, certains Wallisiens et Futuniens des territoires les plus excentrés, et certains Maorés aussi de Mayotte, mais aussi, bien sûr, des oubliés internes à notre République, ceux des banlieues populaires, les tirailleurs sénégalais, les goumiers de l'histoire coloniale française. Est-ce que cela vous semble possible comme utilisation de ce titre ? Alors non seulement c'est possible, mais ça correspond à une réalité, à savoir qu'on n'a pas l'exclusivité pour la Guyane française. Les abandonnés, il y en a dans toutes les civilisations, dans toutes les républiques. Il se trouve que la France, en colonisant en masse un certain nombre de territoires, a créé ces abandonnés et qu'aujourd'hui, on est dans une situation inédite où le pays des droits de l'homme, qui se revendique de Voltaire et des Lumières, a sur son territoire des citoyens qui sont français, mais qui n'ont pas accès aux droits les plus fondamentaux, les droits de l'homme les plus fondamentaux. Je parle du droit à l'éducation, du droit à l'eau potable, du droit à la santé. Oui, alors on va y venir justement parce que vous avez fait une enquête de longue haleine. Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des questions de santé et vous intéressez beaucoup à l'outre-mer. Vous avez mené une enquête avec Alexandra Mathieu et Christophe Gruner qui a donné lieu à la publication en 2014, il y a 2 ans, chez Albin Michel, de Les Abandonnés de la République, vie et mort des Amérindiens de Guyane française. C'est vraiment un titre réquisitoire extrêmement violent. Alors c'est un réquisitoire, mais le livre est adossé à des témoignages. C'est-à-dire qu'on a voulu inverser ce qui se fait d'habitude. On prend des experts qui sont souvent blancs et on leur demande, des anthropologues, des ethnologues, et on leur demande de raconter ce qui se passe sur un territoire. Là, on a voulu faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on est allé en Guyane, on a interviewé à peu près 50 autochtones, donc des gens des communautés, et on leur a demandé de raconter comment ils vivaient, y compris leurs leaders, comment ils défendaient la cause. Et déjà, c'est un travail plutôt anthropologique d'appropriation. C'est-à-dire qu'on part de ce que pense la population elle-même pour poser un diagnostic. Alors justement, cette population, décrivons-la un petit peu, parce que les Amérindiens de Guyane, on ne les connaît pas forcément très bien, ils ne sont même pas majoritaires en Guyane, mais il y a quand même 6, voire 7 tribus amérindiennes différentes. Alors ils ne sont pas majoritaires, loin s'en faut. Il faut imaginer la Guyane, c'est plus de 300 000 habitants. Les communautés autochtones, donc les Amérindiens, c'est environ 10 000 habitants. Et les Amérindiens de Guyane, donc les Amérindiens de l'intérieur, donc qui habitent le long des fleuves Maroni et Oyapock, c'est quelques milliers de personnes. Donc effectivement, c'est une communauté qui est peu nombreuse, mais ça n'est pas une raison pour les abandonner pour autant. Alors, il y a une ligne de démarcation en Guyane entre le littoral et l'intérieur des terres. Cette ligne de démarcation est importante géographiquement, mais elle est importante aussi sociologiquement pour comprendre la diversité de ces populations et de leur mode de vie. Alors, vous avez raison, c'est une ligne de démarcation et c'est même plus que ça, c'est une ligne de fracture. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la Guyane, donc c'est un confetti de l'Empire colonial qui revient à la France après une bataille sur laquelle on ne va pas revenir. Et donc la France se retrouve propriétaire de ce territoire et qui installe là-bas le Centre Spatial Européen. Donc c'est Kourou, c'est la fusée Ariane, c'est aussi les fusées Soyouz russes. Donc c'est une plateforme de lancement de satellites qui rapporte beaucoup de dividendes à la France et à l'Union Européenne. Tout ça, c'est sur le littoral. Et tout ça, c'est sur le littoral. Et à quelques centaines de kilomètres de là, vous avez la forêt vierge, vous avez la forêt amazonienne. Donc vous avez vraiment des Amérindiens qui vivent sur le littoral et qui sont plus ou moins bien intégrés, hein, on y reviendra. Et puis vous avez les Amérindiens de l'intérieur qui habitent le long des fleuves Maroni et Oyapok. Alors les fleuves Maroni et Oyapok, je précise que ça fait frontière avec les pays frontaliers de la Guyane. Suriname et Brésil. Voilà Suriname exactement. Et Brésil. Et donc ces Amérindiens vivaient, mais ils ne vivent plus aujourd'hui. En fait, quand les Français sont arrivés au cours des deux derniers siècles, ces Amérindiens vivaient de la pêche, de la chasse, de la cueillette. Et au fur et à mesure, donc, la France s'est installée. Dans les années 1950-60, la France a voulu en faire des citoyens français. Donc ça s'est passé de manière très assimilatrice. On les a un petit peu enjoint de devenir français. Il y a eu quelques cadeaux ici et là. Il y a quelques Amérindiens qui sont devenus français, après d'autres. Et on leur a promis monts et merveilles, bien sûr. Et donc cette population, au début, ils ont dit non, moi je suis Wayana, mon grand-père était Wayana, mon père était Wayana, je ne veux pas, j'aime les Français, mais je veux rester Wayana. Et puis au fil du temps, donc effectivement, ils ont accepté, on leur a promis des dispensaires, on leur a promis plein de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que les Français donc, sont arrivés et ils ont imposé donc, à ces Amérindiens Wayana du Haut Maroni, qui vivent dans des villages qui s'appellent Antekumpata, Twenke, Taluen. Donc ce sont des petits villages qui sont au bord du fleuve Maroni et où la majorité de la population vit encore, mais de moins en moins, vit encore, donc surtout les vieux, vit encore de la pêche et la chasse. Donc on part à 4h du matin, on part en pirogue. Et ce qui est très important de dire, c'est que ces villages ne sont accessibles qu'en pirogue. Donc il faut compter 1h, 2h, 3h de pirogue pour aller de Maripasoula, la ville la plus proche, à ces villages. Oui. Donc vous imaginez que pour l'école, ça veut dire qu'effectivement, pour partir au collège, et c'est un des problèmes majeurs, c'est qu'il n'y a pas de collège auprès des villages. Donc ces mômes, à partir de 9, 10, 11, 12 ans, sont obligés d'être séparés de leur famille et de partir à la ville. Oui, alors on va revenir à la situation dramatique des Amérindiens du Haut Maroni, donc les Wayana, mais aussi les Émérillons, les Teco, dont on ne parlera pas peut-être spécifiquement, mais qui font partie du champ des Amérindiens du Maroni. Mais on va pour l'instant aller écouter encore une fois ce qui se passe à l'Assemblée Générale en ce moment même. De réconcilier l'ensemble des aspirations singulières des gens qui prennent part à la Nuit Debout, et je pense que le manifeste devrait être articulé autour de deux axiomes centraux, c'est-à-dire de deux concepts clés. J'aimerais vous en dire un mot et consulter ce qu'est votre avis sur la question. Les deux axiomes, à mon sens, sont la réconciliation du politique et du poétique, d'une part, et substituer à une société comme organisation de la domination, une société comme structure de coopération. Voilà, j'aimerais que, je ne sais pas si tu peux proposer que les gens s'expriment sur ces points-là. Donc c'est réconcilier le politique et le poétique, et la deuxième c'est la coopération plutôt que la domination. T'as un point technique ? Donc là, en l'occurrence, deux propositions ont été faites. Si vous voulez, est-ce que vous voulez que les gens qui sont ici cherchent à prendre position collectivement sur ces deux points ou pas ? Alors, qui souhaite qu'on prenne une position collective sur les deux points qui viennent d'être dits ? Ah, ça fait pas une unanimité, ça. Désolé. Bonjour. Alors, je suis en train de monter une bâche, là, et Commission France-Afrique. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu le débat, et j'ai entendu, donc, dans votre communiqué de presse, qu'on parle d'animation, de spectacle et tout ça. Il y a des femmes du féminisme qui viennent de nous dire que hier, une femme a été violée sur la place. Donc nous, sincèrement, ça fait deux semaines qu'on dit on en a marre de la technoparade, on en a marre des fêtes, on ne peut pas travailler, parler, faire ceci et surveiller tout ce qui se passe. Moi, j'aimerais dire aux organisateurs de la Nuit Debout, sincèrement, ce qu'elle vient de nous dire nous a choqués, mais on en a ras-le-bol. Alors, je ne sais pas qui organise, sincèrement, Je sais pas qui organise la nuit debout. Je sais pas qui sont les animations, les choses là. On a ras-le-bol des techno-parades. On a ras-le-bol des fêtes. On a ras-le-bol des concerts. On a ras-le-bol de tout ça. On n'est pas venu faire la fête. Voilà. On peut pas gérer les gens bourrés. On peut pas gérer les viols. On peut pas gérer tout ça. Pour vous, c'est peut-être pas grave. Mais pour cette fille, c'est très grave. Ou pour d'autres choses aussi. Donc, on peut pas. Vous, vous êtes assis là. Nous, on est en train de parler. Nous, on peut pas parler. Donc, dans la commission de presse, il faut faire attention à ce que l'on propose. Parce que ce que l'on propose, on s'engage après à le gérer, à le surveiller. Voilà. Donc, nous, ça nous embête, cette situation. Et maintenant, là-bas, il y a une techno. Vous, vous êtes assis. Qui est-ce qui surveille ce qui se passe là-bas? Qui est-ce qui surveille les gens bourrés? Qui est-ce qui fait tout ça? Donc, réfléchissez à ce que vous faites, à ce que vous organisez. Parce que des fois, on ne peut même pas se parler tellement il y a du bruit. Donc, est-ce la nuit debout, c'est quoi? Ça devient quoi? Est-ce que vous voulez rester là un an à parler? Est-ce que vous voulez faire sauter cette connerie? Moi, je ne comprends pas, vraiment. Donc, je n'ai pas envie de m'engager pour l'instant. Je veux juste dire, par rapport à un point technique sur le truc, vous voulez faire un communiqué de presse, mais de quoi vous voulez parler et à quoi vous engagez les gens qui viennent sur cette place? Merci. Voilà, alors évidemment, Nuit Debout, c'est un lieu d'expression publique, donc d'expression aussi des mécontentements. C'est le rôle de l'espace public de laisser la parole à ceux qui ne sont pas d'accord, et pas seulement à une seule et même parole. Et comme vous venez de l'entendre, tout le monde n'est pas, ne se retrouve pas dans la parole telle qu'elle est donnée au mouvement, par le mouvement Nuit Debout. Pour l'instant... Oui, ce soir, peut-être une petite annonce pour l'antenne de ce soir jusqu'à minuit. Donc, il y aura la commission féministe qui passera ce soir à 21h, ou plus tard. Bon, plus tard. La commission féministe passera plus tard, qui viendra nous rejoindre. Et puis, on aura, juste après l'interview d'Yves Géry, un point sur la commission prison par Lise Marie. Donc avec une lecture de poème également, donc je vous invite à rester à l'antenne. Pour l'instant, on revient aux Amérindiens de Guyane avec Yves Géry pour parler d'un problème crucial, du problème central peut-être, celui de la santé publique. Parce qu'en réalité, ça, chez ces Amérindiens, le problème de la santé publique sous la forme des suicides, de la contamination au mercure, résume tout un tas de choses de leurs conditions de vie. Oui, alors on ne peut pas parler des Amérindiens de Guyane sans mettre en avant deux statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Premièrement, le taux de suicide dans le Haut-Maroni est 10 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Ça, c'est un point absolument majeur qui est incontestable, qui a été incontesté par personne. Le deuxième point qui est également incontestable et majeur, c'est l'empoisonnement de ces populations par le mercure qui est généré majoritairement par l'orpaillage clandestin. Il suffit de regarder la turbidité des fleuves et des rivières qui sont marrons à cause de l'activité des orpailleurs. Et donc cet empoisonnement, il a été mesuré. Il faut savoir qu'il y a une étude qui est sortie, enfin qui a été diffusée vraiment dans un silence assourdissant il y a quelques semaines. Donc les femmes enceintes du Haut-Maroni ont 14 microgrammes en moyenne de mercure, de méthylmercure par prélèvement capillaire dans les cheveux. Hein, on a mesuré donc très précisément et leurs enfants ont des taux analogues voire supérieurs. Il faut savoir que la norme c'est 10, eux ils sont à 14 et il faut savoir que la norme devrait être révisée à 5. Donc ça veut dire que cette population, à cause du silence assourdissant de l'État, cette population est en danger sur le plan sanitaire. Et en tout cas, c'est la raison pour laquelle nous, on s'est intéressé à ce sujet, parce qu'on peut parler de non-assistance à personne en danger. Voilà, on va écouter tout de suite un reportage de Radio France Franceau, donc qui a été fait il y a 3 ans sur la question du suicide chez les jeunes Wayana. Kekoumalé est le dernier d'une longue série. Le suicide est devenu la première cause de mortalité des jeunes Wayana. Sur une population de 1000 personnes, ils sont une quarantaine à s'être suicidés en moins de 5 ans. Un taux 16 fois plus élevé que la moyenne nationale. Pleke était le neveu du grand Mohamed Poti, le chef suprême de la communauté Wayana du Haut-Maroni. Nous l'avions rencontré à Twenke en février 2005. Je n'arrive pas à comprendre les jeunes. C'est peut-être à cause des rapports difficiles entre les filles et les garçons. Je n'arrive pas à les comprendre. C'est aussi peut-être l'alcool ou la drogue. C'est peut-être ça qui tue les jeunes de maintenant. Perdus entre deux mondes, les jeunes Wayana ont le mal de vivre. En rupture avec les traditions, en échec d'intégration, Sur le Haut-Maroni, le suicide est aujourd'hui vu comme une fatalité. D'un seul coup, ça arrive, c'est vrai, quand on est ivre, des fois ça arrive pour la suicide. Mais de mon côté, ça ne m'arrive pas encore. Peut-être un jour, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre, mais peut-être un jour, de mon côté, ça vient, ça viendra. Dans les villages Wayana, l'alcoolisme et la drogue rongent les jeunes de la communauté. Un désespoir qui se traduit par une vague de suicides. Une tragédie dans cette France du bout du monde, dans cette France oubliée. Voilà, c'est assez incroyable hein, ce que dit ce jeune Wayana. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera, le suicide. C'est comme assez, une éventualité. Alors c'est assez impressionnant, ce jeune qui s'est suicidé était un des grands espoirs de la communauté Wayana. C'était effectivement, il était de la famille du grand man à Maipoti. Et son suicide a été extrêmement brutal et a vraiment assommé la communauté. Je voudrais juste réagir. Évidemment, tout ça, tout ce qui a été dit, on s'y retrouve complètement. En revanche, sur la question de la fatalité, il faut quand même remettre les choses en perspective. C'est les conditions de vie, hein, c'est ce que disent les spécialistes, y compris québécois, qui est comme Michel Toussignan, les spécialistes du suicide chez les communautés autochtones. Le suicide n'est pas une fatalité chez les communautés autochtones. Le suicide, c'est la résultante de conditions de vie déplorables. Je vais vous prendre un exemple. Dans les villages amérindiens du Haut-Maroni, il y a une forme d'apartheid sanitaire. Les seuls qui ont des toilettes sont les blancs, les instituteurs blancs. Il faut quand même aussi regarder en face cette situation. Les Amérindiens, eux, ils vont faire leurs besoins en forêt. Donc, on est quand même dans une situation où on a vite fait d'incriminer. C'est toujours la même chose. Ah oui, l'alcool, évidemment, ils sont bourrés. Mais derrière, c'est des conditions de vie. Bien sûr. Derrière, c'est une fracture. Mais pourquoi ? Oui, bien sûr. Donc, ces mômes, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais la question de l'éducation, ces enfants donc, vont à l'école primaire, ils sont tout près de leur famille. Très jeunes, ils vont au collège, ils quittent leur village. Et là, il y a une fracture familiale qui déstabilise ces enfants, qui deviennent des adolescents loin de leur famille. Mais justement, est-ce que cette fracture familiale n'est pas le symbole d'une fracture entre deux mondes, c'est-à-dire la fracture entre le monde traditionnel, pour le dire avec ces mots-là, et le monde occidental considéré comme moderne? Ils ne se sentent ni du premier parce qu'ils n'ont pas forcément acquis les savoir-faire traditionnels de leurs parents et de leurs grands-parents, et ils se sentent ni du second parce qu'ils ne sont pas exactement non plus comme des gens de la métropole ou des grandes villes. Ils sont ni d'un monde ni de l'autre. C'est exactement cela. C'est-à-dire que pour devenir un bon chasseur, un bon pêcheur Wayana, on acquiert ça entre 5 et 15 ans avec son père, son grand-père. L'école de la République arrive sur ces entrefaites. Et l'école, effectivement, on leur apprend les fables de la Fontaine, on leur apprend nos ancêtres, les Gaulois. Donc une éducation qui est calquée, non pas sur leur mode de vie, mais sur le modèle du colonisateur. Et effectivement, il y a un fort échec scolaire. Et ces mômes rentrent après au village avec la honte, et ça génère des suicides. Ils rentrent parce qu'ils sont en échec scolaire, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur scolarité. Et en même temps, ils ne savent plus être autonomes comme l'étaient les Wayana avant. Donc vous avez raison, ils sont entre deux mondes. Mais le monde que nous sommes a une très forte responsabilité dans ce qui advient. Je voudrais juste ajouter quelque chose qui est majeur sur le suicide. C'est un endroit où il y a beaucoup de suicides chez les jeunes de 10 à 15 ans. Si vous regardez les statistiques en France, les suicides chez les jeunes de 10 à 15 ans sont très très rares. En pays amérindien Wayana, les suicides chez les 10-15 ans sont fréquents. Oui, effectivement, c'est une statistique assez effrayante. On reviendra dans toute dernière partie de cet entretien sur les réactions de l'État à cette situation. Pour l'instant, on va se déplacer, se translater, se téléporter à Mayotte avec Gauthier Duprat. Gauthier Duprat, rédacteur en chef du Flash Info de Mayotte Hebdo, un ancien de Paris, un ancien de Radio Campus Paris. Donc Gauthier, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es avec nous? Oui, bonsoir Radio Campus Paris. Oui, je vous entends très bien, même si je suis à 8 km de vous. Alors c'est la magie de Radio Debout, c'est qu'en fait tous les bénévoles et puis toutes les forces journalistiques indépendantes, autonomes et un peu curieuses se retrouvent. Donc c'est pas Radio Campus Paris, c'est bien Radio Debout, mais effectivement c'est Émile de Radio Campus Paris qui parle. Bon, alors est-ce que tu peux dans un premier temps nous expliquer un petit peu quelle est la situation sociale à Mayotte, et est-ce que le fait que Mayotte ait été rattachée à la République française en 2011, après un référendum apparemment plébiscitaire, a changé la donne à cette situation sociale? Alors, Mayotte est rattachée à la République française depuis bien avant 2011, oui, bien sûr. Puisque elle a été, Mayotte est rentrée dans le territoire français bien avant la Savoie et même le comté de Nice. Donc, c'est vrai que 2011 c'est une date butoir puisque c'est l'année de la départementalisation de Mayotte, donc changement de statut quand même très important avec l'entrée du territoire dans le droit commun, et donc tout ce qui va avec au niveau du code du travail, de l'imposition, donc une administration qui change du tout au tout. D'accord. Et oui, par alors rapport, peut-être à la situation sociale, pour répondre à la première partie de ta question, c'est vrai que l'île à une situation très particulière, on peut le dire, c'est le département le plus pauvre de France, c'est le 101e département. Le PIB actuellement à Mayotte est de 9 000 euros à peu près par habitant, quand il est de 18 000 euros environ à La Réunion et d'environ 30 000 euros en métropole. Donc ce qui est quand même assez énorme. À cela s'ajoute aussi un taux de chômage qui est de 20% à peu près, ce qui est certes moindre que celui de La Réunion, mais quand même deux fois plus élevé qu'en métropole. Et puis il faut parler aussi de l'immigration clandestine. 40% de la population à Mayotte, on estime à 40% le nombre de clandestins qui vivent actuellement sur le territoire. Donc une situation D'accord. assez compliquée à gérer. Justement, parce que malgré cette pauvreté relative du département mahorais par rapport aux autres départements français, Mayotte reste très attractif par rapport à l'archipel des Comores, c'est ça? Et donc beaucoup de... Oui, alors, c'est exactement. C'est vrai, il y a un gouffre économique qui sépare l'État comorien, puisque Mayotte fait partie de l'archipel des Comores, géographiquement parlant. Mais en effet, entre l'État comorien et donc le département de Mayotte, il y a un gouffre. Et donc on fait face à une situation où des gens, une population qui est à 70 km en jouant, une des îles de l'État des Comores se trouve à peine 70 km de Mayotte, se trouve avec une population désespérée et qui pour fuir la misère, ou même sans fuir la misère, tout simplement à la recherche de soins, d'un service de santé digne de ce nom, ou d'un système éducatif pareil digne de ce nom pour leurs enfants, ces gens sont prêts à prendre des risques parfois inconsidérés, donc à prendre des bateaux de fortune et traverser ce bras de mer qui sépare les deux îles de nuit, sans éclairage, sans boussole, jusqu'à pouvoir espérer toucher la terre ferme en espérant de ne pas buter sur la barrière de corail qui est, on le rappelle, qui compose ce lagon magnifique de Mayotte, mais qui peut être aussi très dangereux si les navires ne sont pas équipés comme il se doit. Quand on ne vient pas pour faire du snurfing, mais pour essayer de trouver de quoi manger. Et oui, alors le thème de l'émission, c'est les abandonnés de la République. Parce que voilà, c'est le titre de l'ouvrage consacré aux Amérindiens de Guyane d'Yves Géry, d'Alexandra Mathieu et de leur collègue Christophe Grunet. Mais on parlait avant avec Yves Géry avant l'émission des abandonnés de la de Mayotte, et ce serait peut-être plutôt la question des enfants abandonnés. Est-ce que tu peux, Gauthier, en une minute, nous parler de cette question? Concernant les enfants, oui, et c'est vrai que c'est une question aussi prioritaire, primordiale à Mayotte. On a actuellement, on estime à 3000 ou entre 3000 et 6000 le nombre d'enfants isolés, de mineurs isolés à Mayotte, ce qui est énorme. La plupart issus de parents comoriens qui ont été renvoyés à la frontière, tout simplement parce que ces derniers n'ont pas reconnu leurs enfants pour pouvoir en faire en sorte qu'eux restent sur le territoire français et puissent bénéficier du droit de de tout simplement de pour les enfants, le droit de rester sur le territoire. Il est interdit d'expulser des mineurs qui sont isolés, qui n'ont pas de parents. Ah là, c'est une stratégie donc, d'une certaine façon pour aider les enfants à s'en sortir. Et c'est une stratégie qui doit être mortifère pour ces familles. Enfin, on imagine. En effet. Et malheureusement, on fait face à un gros problème au niveau de la capacité d'accueil de ces enfants dans des structures adaptées. On a des familles d'accueil, mais malheureusement pas assez suffisamment pour pouvoir accueillir tous ces jeunes. Il y en a quelques milliers qui sont à l'air libre, au moins 3000 actuellement. Ouais. Et on n'a pas d'orphelinat à Mayotte, ce qui est quand même un comble. D'accord. Pas d'orphelinat ou pas. On a quelques centres d'hébergement, mais ben voilà, qui on ont cherchait... une capacité très limitée. 10 merci ou 20 Gauthier. Places, et ce sont des associations qui tiennent ça. Merci Pardon. Gauthier. Merci beaucoup pour ta clarté, ta concision. On cherchait un point de comparaison avec l'intervention de l'État en Guyane. Et ben on l'a. Voilà. Il y a 3000 enfants dans la rue à Mayotte. Il n'y a pas d'orphelinat à la mesure du problème. Et voilà, on l'a. C'est pas très compliqué à trouver. Merci encore à toi Gauthier et puis à une prochaine fois j'espère pour une émission, une intervention à Radio Debout. Pour l'heure on va retrouver tout de suite l'Assemblée Générale. La sérénité c'est pas que les 3, 4, 5, 6, 10 personnes qui sont là le font le plus, c'est tout le monde. C'est un mouvement où tout le monde doit être responsable. On mène une lutte ensemble. Dans les débats on doit être ensemble, mais sur les questions pratiques on doit être aussi ensemble. C'est-à-dire que hier, on était vraiment essayé de faire en sorte que l'espace politique soit clair et net et l'espace de vente privée à l'extérieur. Et on tient à ce que ça reste serein pour tout le monde. Donc, on a besoin de monde qui se responsabilise dès ce soir parce que ça va être compliqué. On est de plus en plus nombreux. C'est les vacances. Vous avez vu, on occupe toute la place maintenant entre la partie un peu faite et la partie ici. Et de manière à ce qu'il n'y ait pas d'autres agressions, de manière à ce que les gens puissent rester sereinement, il faut que tout le monde ici participe. Donc, on a besoin de monde. On est à l'infirmerie. Vous pouvez venir. Et vraiment, c'est important. Voilà, merci. Bon, vous avez compris le message. Le message, c'est pas simplement se responsabiliser individuellement, c'est aller à l'infirmerie pour aider accueil et sérénité. Et non, juste 2 secondes. Vraiment, si genre commence à avoir des viols sur la place de République qui font la une des journaux, ce qui est arrivé en réalité, ça va commencer aussi à tuer le mouvement. Donc c'est vraiment des choses sérieuses, c'est vraiment des choses où il faut faire gaffe et faut, enfin voilà, c'est vraiment important. Je dirais que même si les viols ne font pas la une des journaux, j'estime que ça tue un peu le mouvement. Ouais, c'était juste sur la première partie de l'intervention de la demoiselle. Bon, bah, du coup, elle est en train de partir, mais bon, bref, je vous le dis quand même. Donc, ouais, c'est une opposition radicale, mais c'est pas vraiment opposé, c'est juste pour ajouter. Elle dit que, effectivement, il y a des agressions et il y a personne qui réagit. Enfin, si moi je vois une agression, je sais que je vais réagir seulement, c'est pas forcément quelque chose de voyant. Et moi, je demande aux personnes qui se retrouvent dans ce genre de problème, de nous aider à les aider, c'est-à-dire d'être bruyant, d'attirer les yeux, parce que il faut nous aider à vous aider, parce que, enfin voilà, c'est pas forcément évident de voir, tout simplement. Voilà. Alors pour continuer à parler de ces questions, du problème des agressions sexuelles, je vous invite à rester en ligne et à écouter Radio Debout à 23h, puisque la commission féministe sera là pour en parler. Donc restez avec nous. On conclut notre entretien avec Yves Géry, auteur de Les Abandonnés de la République, Vie et mort des Amérindiens de Guyane. On vient d'avoir Gauthier Duprat qui parlait de la situation de Mayotte. L'État est encore défaillant dans son intervention. Il l'était à Mayotte vis-à-vis des orphelins. Il l'est bien sûr en Guyane vis-à-vis du problème du suicide et de l'intoxication au mercure. Vous montrez aussi également, dans des paragraphes malheureusement croustillants, à quel point les services publics... La présence de l'État se réduit à peu de choses, c'est-à-dire à une boîte postale et un drapeau français qui est changé pour qu'il fasse beau, mais qu'en gros, le reste n'est pas là. Comment expliquer la défaillance de l'État malgré toutes les promesses, malgré la visite de Sarkozy en pirogue il y a quelques années? Alors, je pense que ça n'est pas une priorité de l'État, quel qu'il soit. On l'a vu avec le président Sarkozy qui est venu et qui a annoncé, hein, ça a été enregistré, que désormais tout l'or saisi aux orpailleurs clandestins irait aux investissements en eau potable, en services publics, et il n'en a rien été. Hein, c'était il y a plus de 2 ans. Donc on voit bien que sur le plan politique, rien ne bouge. On est sur des effets d'annonce. Alors, il y a un point qui est très important, c'est que les Amérindiens ont décidé de porter plainte contre la République. Il faut vraiment le dire. Donc cette plainte a été déposée sous forme d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Une plainte extrêmement argumentée sur la question du mercure, hein, essentiellement. Et cette plainte, alors ce qui est important de dire, c'est que cette plainte a été déboutée il y a quelques mois par le tribunal administratif de Cayenne, et non pas sur le fond, et c'est là où on se pose des questions sur l'indépendance de la justice par rapport à l'État. Cette plainte n'a pas été déboutée sur le fond, elle a été déboutée sur la forme, c'est-à-dire qu'essentiellement, on a estimé, les juges ont estimé que les associations n'étaient pas forcément habilitées à prendre la défense des Amérindiens. Donc vous voyez bien à quel point c'est une manière de botter en touche. Donc cette plainte a été déboutée par le tribunal administratif. Ce qu'il faut juste observer, c'est que le président du tribunal administratif était, il y a 10 ans, directeur de cabinet donc du préfet de Guyane de l'époque. Qu'est-ce que vous voulez souligner par là ? Je souligne par là une non-étanchéité entre l'État et la justice, puisque c'est quand même incroyable qu'on se retrouve dans une situation où des Amérindiens portent plainte et où le président du tribunal administratif a eu 10 ans avant à régler, a été lui-même impliqué dans la politique de l'État, puisqu'il était directeur de cabinet du préfet. Donc je pose simplement la question, comment se fait-il que cette plainte ait été déboutée sur la forme ? Et j'ajoute un point qui est très important, c'est que heureusement les Amérindiens ont fait appel et que donc l'appel aura lieu donc à Bordeaux, devant la cour, devant le tribunal administratif d'appel. Donc tout n'est pas perdu, mais c'est vraiment une bataille terrible à laquelle les Amérindiens vont devoir se frotter, puisqu'il faut vraiment apporter la preuve dans le système français. Il ne suffit pas de dénoncer, il faut apporter la preuve. La preuve, les Amérindiens l'ont, les avocats l'ont, il faut réussir à la faire entendre par la justice. Merci Yves Géry, merci d'être venu témoigner à Radio Debout. Merci. J'invite les auditeurs à se reporter à votre ouvrage, coécrit avec Alexandra Mathieu et Christophe Grunet, Les Abandonnés de la République, Vie et mort des Amérindiens de Guyane, paru chez Albin Michel en 2014. On retrouve tout de suite Lise Marie pour la commission Femmes en lutte, prison de Fleury. Mais avant ça, un petit jingle. Non, Radio Debout! Nous, les prisonnières politiques basques incarcérées à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, nous adressons à vous pour vous informer des changements effectués à la maison d'arrêt des femmes avec l'excuse de la mise en route d'un nouveau logiciel qui vise à égaliser les conditions de vie dans l'ensemble de la prison. Ce nouveau fonctionnement touche les jours de parloir, l'accès à la salle de sport et surtout à la promenade. En ce qui concerne les parloirs, nous constatons qu'une fois de plus, comme cela avait été fait il y a 8 mois, il y a eu un changement des horaires et une suppression de jours en nous prévenant seulement 15 jours à l'avance, en sachant que nos proches viennent de loin et que l'achat des billets des transports publics et les réservations d'hébergement pour le mois d'avril ont déjà été faits. La suppression des parloirs des mardis et des vendredis a un grand impact sur nos visites puisque cela empêche nos proches de profiter le long voyage pour faire 2 voire 3 parloirs d'affilée. Une fois de plus, nos proches ont dû annuler les billets d'avion et la réservation d'hôtels avec les pertes économiques que cela suppose, lesquelles viennent s'ajouter aux grands coûts, autant économiques que personnels, que la politique de dispersion a pour nos proches et nous-mêmes, puisque depuis des années et des années... En ce qui concerne la promenade à la maison d'arrêt des femmes, il a été mis en fonctionnement un système similaire à celui qui est en vigueur à la maison d'arrêt des hommes, c'est-à-dire une seule promenade par jour, avec alternance matin et après-midi selon le jour, soit pair ou impair. En fait, depuis quelques années, nous assistons à une brutale restriction du temps des promenades. En effet, en 2009, et nous étions déjà là, nous avions en horaire d'été 1 heure de promenade le matin et 3 heures les après-midi. Maintenant, nous passons de même pas 3 heures de promenade par jour à 2 heures par jour. 2 heures qui ne sont même pas réelles puisqu'il faut compter le temps des mouvements dans ses horaires. Et maintenant, il va falloir sortir non 2 ailes, mais 3. Parce que toutes les condamnées sortiront en même temps. Ce qui peut prolonger les mouvements de plus de 20 minutes pour les dernières. Tout cela suppose pour nous, les prisonnières, d'être enfermées dès 11 heures du matin en plein été, dans une cellule où les fenêtres ne s'ouvrent plus, que de 10 cm, sans douche ni frigo, à attendre la promenade de l'après-midi du lendemain, prévue à 13h15. Ce régime est comparable à un régime disciplinaire. Ces mesures sont inhumaines et le fait de vouloir nous enfermer 26 heures d'affilée sans prendre l'air, sans communication entre nous, sans marcher ou discuter, et surtout le week-end, que nous n'avons ni sport ni activité, nous le percevons comme un fait très grave. Ces mesures vont à l'encontre de la dignité humaine et, à notre avis, représentent une atteinte aux droits de l'homme. À toutes ces restrictions, il faut ajouter les changements à la salle de sport, car la direction veut séparer les prévenus et condamnés. En fait, maintenant, nous ne pouvons plus choisir d'aller au sport soit le matin, soit l'après-midi. Maintenant, nous avons droit à un seul créneau par jour en fonction de la promenade. Et évidemment, l'accès à la salle est limité à une trentaine de personnes. Celle qui n'est pas sur la liste restera enfermée en cellule. En plus, si nous avons d'autres occupations comme les études, les activités ou les parloirs qui nous empêchent d'aller à la salle, et même en promenade, nous sommes obligés de renoncer à l'activité physique ou à prendre l'air. Franchement, la mise en fonctionnement d'un nouveau logiciel nous semble un argument très faible pour justifier une telle dégradation de nos conditions de vie. Surtout quand la séparation entre condamnés et prévenus est pratiquement impossible dans une prison de ces caractéristiques. La séparation ne va pas s'effectuer pour l'école, ni les parloirs, ni les ateliers, ni les activités. L'argument de la direction est de vouloir empêcher le trafic. Et pour cela, la solution, c'est l'enfermement en cellule et l'isolement entre nous. Depuis des mois, nos conditions matérielles se sont dégradées. Nous n'avons même plus la trousse mensuelle, plus de services de lingerie, plus de coiffure. La télé a presque doublé son prix en 3 ans. Pas de frigo, pas de douche en cellule. Et maintenant, ce sont les conditions de vie qui touchent notre santé autant physique que psychique. Ici, la direction continue à serrer l'étau afin de limiter les mouvements et les échanges entre nous et de contenter les surveillantes, lesquelles, tout soit dit en passant, auront maintenant tout leur temps pour rester assises à rien faire. Face à tous ces changements, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons participé d'un mouvement collectif réalisé le dimanche 3 avril, le jour avant de la mise en route de ce nouveau système. Ainsi, dimanche après-midi, plusieurs tours de promenade ont été bloqués, autant côté prévenu que condamné. Côté condamné, au premier tour, 26 femmes sommes restées à la fin de la promenade. Même si nous avons annoncé que le blocage serait de 10 minutes, finalement, nous sommes restées une bonne vingtaine de minutes entourées de filles qui criaient par la fenêtre et tapaient sur les portes. Bien sûr, des chefs égradés, et même le directeur adjoint, sont venus à la porte nous menacer qu'ils prendraient des dispositions. Rien de nouveau, c'est la seule chose qu'ils savent faire, nous menacer avec des représailles. Nous leur avons donné la feuille de revendication signée par plus de 45 personnes. D'autres feuilles tournent encore. Pendant que nous bloquions, les filles du côté prévenu bloquaient aussi. Et nous avons regardé amusés les chefs qui surveillaient le mouvement, clairement dépassés par la situation. Les mineures, qui sont en ce moment une bonne douzaine, ont spontanément décidé de bloquer la promenade aussi. Elles sont restées pendant 10 minutes à chanter et danser pendant que les chefs, qui ne sont pas sortis en promenade avec les majeurs, sortaient pour les faire entrer. Simultanément, le deuxième tour de promenade du côté prévenu a bloqué aussi. Nous ne savons pas encore combien de femmes ont participé de ce blocage. Nous savons que minimum 4 tours de promenade ont suivi. Une fois tout enfermé en cellule, un grand tapage de porte a commencé et toute la prison s'est convertie en une grande protestation sonore. Cela a tapé partout pendant presque une heure sans interruption. Les chefs égradés sont venus ouvrir quelques portes pour nous menacer à nouveau. Si vous continuez à taper, vous finirez au mitard. On tremble. Finalement, nous avons réalisé un refus de plateau collectif. Nos demandes sont de maintenir les 2 tours de promenade matin et après-midi, surtout pour le week-end. Nous vous informerons de la suite du mouvement. La belle lettre des femmes en lutte enfermées à Fleury-Mézières-Rogis. Il y a eu une suite au mouvement, elles ont continué à se battre, elles ont fait plusieurs refus de remontée de promenade ces derniers jours. Il y a eu un rassemblement devant la maison d'arrêt de Fleury samedi, on était une 60aine de personnes et l'administration pénitentiaire a mis en place son arsenal répressif qu'on connaît. Et donc on va vous parler de tout ça. Oui, merci Serge. Donc bienvenue à Serge et à Mathieu et merci Françoise pour la lecture de ce texte. de, voilà, écrite par ces femmes. Si vous êtes là également ce soir, c'est que vous avez créé une commission de prison. Et voilà, on aimerait en savoir un petit peu plus. Pourquoi vous avez créé cette commission? Quel est son objectif? Serge? On était sur la place depuis quelques temps et tout ça. On n'a pas trop entendu parler de la prison dans les AG et tout ça. Et on s'est dit que ça manquait. Et donc on a voulu monter cette commission pour aussi tenir un discours sur la prison qui est un peu en train de passer à la trappe par le fait que différentes associations ont changé leur fusil d'épaule avec l'objectif de rappeler que la prison a comme objectif de contrôler les pauvres et donc de faire du contrôle social et que l'alternative à la peine reste en fait du contrôle social juste fait de manière plus douce, si le terme on peut l'employer, quand on est enfermé chez soi, c'est pas le cas. Et donc ce qu'on veut à la commission, c'est tout d'abord reporter ce discours-là sur la prison de manière générale, mais aussi essayer de faire le lien entre ce mouvement et les personnes incarcérées qui ont toujours une voix politique à exprimer. Et donc on va chercher à créer des liens avec l'intérieur pour qu'ils puissent s'exprimer. Et donc l'une des premières actions qu'on a, c'est de lire tous les jours en AG un texte de personnes détenues, soit des pétitions. Donc le premier texte qu'on avait lu, c'était celui que vous avez pu entendre. Et Mathieu, toi, du coup, comment ça se passe? Vous vous organisez comment? Du coup, pour le moment, on se réunit tous les jours à 19h au niveau du 20 septembre sur la statue de la République, donc à l'opposé du Lion. On se réunit là et on travaille actuellement sur la journée de dimanche. On veut organiser un débat pour essayer d'expliquer un peu l'ambition de la commission que Serge vient d'évoquer, mais également essayer de profiter de ces instants de réflexion collective pour vraiment construire un discours ensemble et essayer de le ramener là où aujourd'hui la prison, on n'entend que taille de cellules, propreté, changement des draps. Effectivement, une fois que les draps sont changés et que les cellules sont propres, qu'est-ce qui se passe? L'enfermement demeure et là, il y a encore une lutte à mener. Et c'est là-dessus qu'on a envie d'insister pendant ces commissions et à Nuit Debout. Et du coup, ce lien entre l'intérieur et l'extérieur, par quel biais il se fait? Il se fait par courrier essentiellement, j'imagine. Est-ce qu'il y a des familles de détenus avec qui vous êtes en lien également? Pour l'instant, on est seulement en train de prendre contact. Mais oui, c'est ça l'objectif. Et je pense qu'il va falloir qu'on aille devant des parloirs pour prendre contact avec les proches de personnes incarcérées. Et aussi après, oui, à travers les lettres. Et puis parfois, des communications qui pourront ne pas être toujours très, très légales, car tout est toujours très limité. Et je sais qu'il y avait un gars qui était sur la place de la République, un ancien détenu dont tu parlais, là, que vous n'êtes pas arrivé à contacter, qui aurait peut-être pu venir sinon parler un petit peu, qui est sorti il n'y a pas très longtemps de prison, il me semble. Ouais, on est en contact avec pas mal de personnes et tout ça. Donc voilà, on sait qu'il y a des gens qui gravitent autour du mouvement et qui sont intéressés, qui n'ont pas toujours le temps et tout ça. Voilà. Mais l'une des choses qui a été assez chouette, on était réunis en commission et quelqu'un a vu qu'il avait écrit prison et tout ça. Et c'est quelqu'un qui s'appelait Marc et qui nous a raconté qu'il avait passé le nouvel an en détention pendant 2 mois parce qu'il faisait la manche à Gare de Lyon. Et il s'est embrouillé avec un vigile, enfin un truc banal au possible. Et il nous a écrit un petit texte, voilà, qu'il ne sentait pas de parler à l'AG, donc on a pu le lire pour lui. Et voilà, c'est exactement ça qu'on souhaiterait faire, quoi. C'est pour les personnes qui sont passées par la case prison, ou les proches, ou les personnes détenues, qui puissent s'exprimer ici et qu'on entende leur voix. Et c'est quoi l'objectif quand vous parlez? Il y a des gens qui vous posent des questions sur le système pénitentiaire. Vous avez une connaissance du terrain qui vous permet comment d'y répondre à ces questions, parce que c'est assez complexe, la prison. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent qu'on ne sait pas. Il y a aussi des choses qu'on sait. Par rapport à la santé, par exemple, et à la médicamentation en prison, qui est assez forte et qui parfois annule pas mal de pensée et de comportement de certains détenus. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors dans la commission, là, on est pas mal à avoir des parcours militants autour de la question de la prison. On ne veut pas faire une commission de spécialistes qui viennent débattre de points techniques et qui rentrent dans un juridisme qui, du coup, va en dégoûter certains. Alors il y a des questions, on essaie d'y répondre. Il y a aussi des outils qui existent. Le guide du prisonnier de l'OIP est assez complet. Donc il y a plein d'outils qui existent et c'est aussi notre rôle de rediriger les gens vers ces outils-là. Pour le moment, on évite de rentrer dans des questions-réponses sur les conditions effectives de détention parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va tenir ici et que tout ça, c'est en fait des réponses qu'on... Pour nous, en tout cas, dans la relation qu'on a avec les gens, ce qu'on sent, c'est qu'ils ont juste besoin, ils ont des questions, ils ont juste besoin d'avoir un accès à ces réponses-là. Donc nous, on les redirige vers des sources et on essaie d'engager une réflexion collective et profiter du nombre et du mouvement. On s'est engagé une réflexion collective de penser sur qu'est-ce que la prison, c'est quoi être enfermé, en fait, c'est plus général, quoi, aussi. C'est ça, et le truc, c'est qu'en fait, il y a déjà quand même beaucoup de choses qui existent. Alors c'est toujours pas, on n'en parle jamais assez, tout ça, mais il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Ça doit être dans certaines associations comme l'OIP, le Génépi et tout ça. Nous, on voulait essayer de faire quelque chose d'un peu plus neuf que ce qui se faisait déjà pour qu'il y ait une complémentarité avec toutes ces choses qui existent. Et donc, c'est pour cela qu'on se retrouve à ne pas parler exactement des points précis de conditions de détention, mais essayer d'ouvrir le débat à des choses qui sont passées à la trappe, qui étaient hyper présentes il y a encore 10 ans. Et qui sont, comme quoi, par exemple, qui s'est passé à la trappe la question du surenfermement, voilà, le fait que, là je regardais les chiffres encore, là en 6 ans la France a 10 000 détenus de plus, quoi. C'est incroyable, et en fait on pose plus de plus en plus ces questions là de qui on enferme, pourquoi on enferme, pourquoi on contrôle, parce qu'en fait aussi les personnes passées sous main de justice, il faut savoir que les gens qui sont surveillés en France par l'administration pénitentiaire, c'est équivalent à la taille de la ville de Bordeaux. Et donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi ces gens-là sont surveillés. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est la pauvreté qui est généralement sanctionnée et contrôlée. Et voilà. Et donc c'est remettre sur la table ces questions-là en complémentarité avec ce qui se fait ailleurs dans d'autres associations. Et juste par rapport à ce qui se passe en ce moment, aux arrestations qu'il y a pendant les manifestations, où il y a pas mal de jeunes principalement qui sont arrêtés et certains qui vont être jugés, est-ce que vous allez aussi vous approcher de ces sujets, des personnes, des jeunes lycéens? Est-ce que vous appelez à les soutenir, à vous rendre au tribunal? Sûr, il faut qu'il y ait du soutien quoi qu'il se passe, la prison personne ne la mérite quoi qu'il arrive, et donc c'est sûr qu'il faut qu'il y ait absolument énormément de soutien. Il y a 3 personnes qui sont enfermées actuellement au suite des mouvements, on sait qu'il y a 2 personnes qui sont enfermées après le mouvement mais dont on n'a pas les contacts, et donc ça c'est aussi des choses qu'il faut qu'on fasse et qu'on se mette en lien avec les gens de la Legal Team et tout ça parce que l'isolement en détention, c'est vraiment ce qu'il y a de plus horrible, et montrer qu'il y a du soutien. Là, par exemple, pour les prisonnières qui sont à la MAF et qui luttent, et quand la répression s'est... À la prison de Fleury. Et donc l'administration pénitentiaire a commencé à faire peur en disant qu'ils n'allaient pas avoir de remise de peine supplémentaire, qu'ils allaient être changés de prison et qu'ils allaient aller au mitard. Et le fait qu'il y ait 60 personnes devant la prison et tout ça, ça leur a refilé une énergie de fou. Et donc l'isolement, faut qu'on arrive à le briser, et aussi pour les personnes qui sont arrêtées, enfin pour tout le monde, mais aussi pour ces personnes-là. En fait, ouais, il y a quelque chose que, surtout c'est cette répression qui s'exerce contre des gens qui aujourd'hui manifestent, qui ont des revendications politiques, c'est aussi une répression du quotidien. Et ce que subissent ces gens, c'est ce que subissent énormément d'autres personnes au quotidien, simplement parce qu'elles sont dans la rue, simplement parce qu'elles ont une couleur de peau, elles ont un nom qui ne revient pas, ou parce qu'elles ont un passé pénal qui leur revient sans cesse dans la gueule. Donc l'idée aussi de la commission de prison, c'est de dire que la prison, elle se nourrit... Enfin, elle existe parce qu'il y a tout un système économique derrière qui vient créer de la précarité sociale, qui vient créer les conditions de cette répression. Et donc, il y a un cercle comme ça fermé qui se nourrit et qui s'accumule. Et toute la déréglementation du droit du travail, tout ce qui est à l'origine en fait, du mouvement Nuit Debout et de notre présence ce soir ici, c'est ce qui crée, c'est ce qui entretient, et c'est ce qui légitime la prison en se disant des mecs qui volent. En fait, c'est bien de faire le constat qu'ils volent et de les envoyer en tôle. C'est le positionnement de la justice, très bien. Mais en fait, quel problème on résout avec ça et qu'est-ce qu'on essaie de cacher? Qu'est-ce que la prison essaie de cacher de la réalité sociale aujourd'hui? Et en fait, c'est tout ça que la commission essaie de mettre en lumière en disant que le système économique, c'est le point premier, c'est le point d'entrée du système carcéral. Et après, on peut évidemment aller dans un palais de justice et aller en comparution immédiate et regarder quel est le profil des personnes qui sont là. Il y a une phrase qu'on lisait avant qu'on intervienne qui dit l'amende est bourgeoise, l'emprisonnement avec sursis est prolétarien et l'enfermement ferme et la prison ferme est sous-prolétarien. Et bien effectivement, on parle de justice de classe, on parle de différence de traitement entre les riches et les pauvres. En fait, ce ne sont pas que des discours comme ça, il y a vraiment une réalité sociale et une réalité qui est le quotidien aujourd'hui de certains militants contre la loi travail, mais qui est le quotidien de 200 000 personnes qui constituent plus ou moins un cercle fermé en fait. Il y a 80 000 entrées en prison, 80 000 entrées sorties en prison chaque année pour 70 000 personnes à peu près en stock. Parce qu'on parle de flux et de stock, c'est dégueulasse, mais bon, voilà. Ces 80 000 personnes, c'est un truc assez fermé. Il y a finalement plus peu d'entrées et sorties de ce circuit-là parce que c'est ça qui permet de tenir le tout. Et ce sont ces gens qui viennent légitimer toute la répression derrière. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en lumière. D'accord. Et donc, vous êtes là tous les jours ? À 19h, de l'autre côté du Lion, à côté de la statue. À côté de la statue, donc de l'autre côté de l'AG, en fait, c'est ça, par rapport à l'AG ? Ouais, par rapport à l'AG, côté statue, et en face de la rue du Faubourg du Temple. Et de toute façon, sinon, il suffit que vous passiez à l'accueil. À chaque fois, ils savent où est-ce qu'on est, ils font un boulot. Et vous êtes combien chouette. À avoir créé cette commission, à la base ? Vous êtes constitué ? À la base, on était deux potes, tout ça, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a 50 personnes qui sont venues, et qu'il y a des gens qui sont de passage, mais il y a aussi des gens qui restent. Et pour l'instant, on est une dizaine de personnes actives et ultra motivées. On ne lâchera pas l'affaire pour parler de la prison comme il faut qu'on en parle et se rapprocher aussi des personnes incarcérées pour lutter contre l'isolement qu'ils subissent. Il va y avoir un autre rassemblement à Fleury ou ailleurs qui va se faire dans les prochains jours ? Alors, c'est des choses qu'on a en question. À Fleury, je sais qu'il y a d'autres personnes qui travaillent là-dessus et qui sont en train de se poser la question. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rédiger une lettre pour le directeur de la maison d'arrêt. On va acheter quelques timbres et on va demander aux gens de venir les signer. D'envoyer des lettres ? Oui, j'ai vu qu'on pouvait en effet envoyer des courriers au directeur de la MAF, c'est ça ? De la maison d'arrêt des femmes, c'est ce que demandaient en fait les prisonnières. Oui. Et donc on va se mettre sur un stand et tout ça en demandant aux gens de signer pour faire masse. Parce qu'on sait qu'en fait la pression de l'extérieur, là, après le rassemblement, les gens ont. L'administration pénitentiaire a changé son discours, a promis des choses faut pas qu'on lâche l'affaire pour les soutenir parce que sans nous, c'est de l'énergie supplémentaire qu'elles peuvent avoir. Je vous remercie, merci à vous, à tous les deux, merci à la commission prison, merci à Françoise, et on va repasser à l'AG un petit moment. Réfléchissez, il faut y penser. Ce sera les canons à eau ou nous ? Alors j'appelle maintenant Marie-Christine. Et puis ensuite il y a Jean, Michael. Michael et après Georges se prépare, non, c'est pas ça ? Et la commission construction se prépare. Donc Marie-Christine, Michael, Georges, la commission construction. Ah, Michael. Est-ce que vous pourriez venir si vous avez pris un tour de parole pas loin ? Bonsoir, messieurs, dames. Je voulais juste vous parler d'un. Il y a des jeux. Bonsoir, messieurs, dames. Je voulais juste. Vous êtes d'accord quand vous faites ça ? Ah, c'était plus fort. Ah, excusez-moi. Ok. Je voulais juste vous dire, messieurs, dames, qu'il y a eu donc comment je vais formuler ça sans vous énerver, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Je voulais vous dire qu'il y a des gens qui sont assis là parmi vous. Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on vous vire tout de suite? Ah, d'accord. Est-ce que ça vous fait plaisir que par exemple on vous raccompagne comme ça, en vous poussant comme ça, en vous dégageant? D'accord. Ok. Donc moi je dis qu'on n'a pas le droit de virer quelqu'un. C'était juste pour dire que ça. Voilà. Physiquement, s'il a rien fait, si vous avez rien fait, voilà, on n'a pas le droit de vous virer. On est d'accord. Si vous avez rien fait, si vous asseyez ici, on n'a pas le droit de vous virer parce que on n'est pas des cons, on veut pas, voilà. Donc tout ça, c'est pour parler de Finn Kielkraut, qui s'est fait faire virer, voilà. Alors on sait, pour moi, c'est juste un truc. Je sais qu'il a écrit des conneries, je sais tout ça. Mais un mec qui s'assoit dans une place, qui fait rien du tout, on n'a pas le droit de le chasser comme ça, parce qu'on devient des cons. Voilà. Maintenant, juste pour vous dire, par rapport à Finkielkraut, ça, je l'ai dit, mais une autre idée aussi. Finkielkraut, il est assis. Même pas une minute. Ok, je vais arrêter maintenant. Finkielkraut, il est assis, là, à un moment. Il aurait pu sympathiser avec une fille, par exemple, ou n'importe. Elle aurait pu discuter avec lui. On peut changer les gens. Si on vire les gens qui l'ont viré, ils l'ont médiatisé, en fait. Voilà. Maintenant, je vous dis un truc. Voilà, c'était juste pour vous dire. Moi, je suis pour vraiment la paix pour tous. Des gens que, voilà. Et puis, le mouvement n'a pas le droit de faire virer des gens. Sinon, on sera mal vu. C'est juste un message voilà, de paix et d'amour. Allez, merci beaucoup. Donc, j'appelle Georges et la commission construction est par là. Et après la commission construction. Allez. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur des choses assez graves. Par exemple, dans le monde du travail. Par exemple, dans une société, je suis déjà venu, je travaille à Orange France, qui est un groupe un peu comme Bolloré, avec des gros salauds de fumier de patrons. Parce qu'en fait, il y a des suicides à Orange, et encore ce matin, une personne qui a un problème de santé est menacée, poussée vers la porte, et on lui dit « on va te filer une allocation handicapée pour qu'on se débarrasse d'elle ». Et je voudrais revenir là-dessus parce que de plus en plus, si vous avez vu Merci Patron de Ruffin, il faut absolument le voir. C'est incroyable. Moi, j'avais les larmes aux yeux de voir ça en 2016, 2017, donc je m'en fous de voir ça. Il faut absolument que les patrons s'arrêtent de faire ça, qu'on puisse faire quelque chose. On met les gens dehors, dans la rue, et on s'appelle Grand Groupe Orange. Et l'essentiel, finalement, c'est de vendre de l'Internet et du portable. Et c'est tout. Voilà. Je demande à ce que tout le monde soit vigilant. Et surtout chez vous, les jeunes. Voilà. Merci à vous. Voilà. Retour sur le plateau de Nuit Debout, Radio Debout. On part tout de suite à Blois pour parler avec Bastien. Bastien, est-ce que tu m'entends ? Oui, j'entends très bien. Alors, bonsoir. Alors, c'est votre première. Radio Debout, bonsoir. Alors, c'est votre première Nuit Debout à Blois. Raconte un peu comment ça se passe, combien il y a de personnes ? Alors là, j'ai une panoramique là de à l'hôtel de ville là, de nombre de personnes. Je pense qu'on tourne à peut-être à plus d'une centaine de personnes. Ouais, une centaine de personnes, quoi. Et alors, voilà. Qu'est-ce que ça a démarré il y a 10 minutes à peu près. Donc là, il y a eu deux personnes qui ont discuté, une personne qui a parlé contre la loi de travail, et puis ça vient de démarrer. Alors là, on prend, là, il y a une position sur le temps de parole. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est pas encore choisi. Donc, en tout cas, les gens sont assez sont là, sont assis, une partie devant sont assis, d'autres derrière. qui quitte le Barnum, du coup, on regarde ça. Voilà, ça prend bien. Il fait beau à Blois ou pas, vous craignez la pluie? Oui, ça va, il a plu au moment où les quelques personnes ont monté vers 16h, 17h, c'était pas joli pour eux parce qu'il pleuvait. Mais non, ça va, là. C'est très bien. Moi, je viens de Tours, qui est à côté, ouais. Dans l'Indre-et-Loire, et donc j'ai assisté à plusieurs nuits debout à Tours, et j'avoue que là, au niveau organisation, ça commence à prendre en place là, par rapport à Tours, où bah, déjà c'est, la ville est plus grande, et paradoxalement, ça reste un peu froid quoi à Tours. C'est pas terrible. Et là, comment vous faites? Au niveau des idées, c'est cool. Hein. Mais vous organisez comment? Vous avez aussi un modérateur? Les assemblées générales sont un peu organisées? Ou c'est tout le monde... Les gens se suivent, hein. Les gens se suivent, pour l'instant. Il y a un modérateur, et après, il y a beaucoup d'idées qui vont être dites durant la soirée. Et après, au niveau de l'action, je ne sais pas comment ça va se positionner. J'ai pu discuter avec plusieurs personnes qui prennent les noms et prénoms des personnes pour parler au micro, et elle me disait que après c'est assez embryonnaire à Blois, donc c'est la première. Je sais pas comment ça va se passer au niveau des actions. On peut aller discuter avec les gens issus des quartiers populaires, parce qu'à Blois il y en a une qui est assez importante à côté de la zone industrielle. Après, au niveau de des prolos, enfin, c'est assez embryonnaire. C'est la première, donc. Mais en tout cas, les gens regardent ça avec une certaine curiosité et sont assez motivés pour parler. Je pense qu'il y aura pas mal de débats. Tant qu'il pleut pas, donc ça va. Et le plan, c'est de débattre toute la nuit, ou qu'est-ce que vous prévoyez? Vous voulez, il y a des gens qui veulent occuper la place où vous êtes, ou... Je sais pas, jusqu'à au moins 1h du mat, 2h. Et alors, comment ça s'est lancé? Comment l'étincelle est partie? C'est parti il y a à peu près une semaine et demie, avec très peu de personnes, je crois que 5 ou 6 personnes qui ont en fait mis une page Facebook. En voyant ça avec une certaine distance, que ce qui s'est passé à Paris, et puis dans des grandes villes, à Rennes, à Nantes, et puis à Tours, et puis ça s'est monté au fur et à mesure comme ça. C'est assez là où le ferme, parce que voilà, c'est petit. Moi, je suis de Touraine, parce que là, je suis en déplacement donc pour ma radio, Radio Béton, à Tours. Et donc, la semaine dernière, on avait une à Chinon. Chinon, c'est un village de 10 000 habitants, quoi. C'est pas très grand que ça, et à côté il y a la centrale nucléaire d'Avoine. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de choses à parler. Et toi, tu as parlé de quoi? Tu as pris la parole ou pas? Je suis en fait d'une position de journaliste, donc c'est un peu tendu. Hein. Pas forcément. Donc tu vois, c'est pas facile de prendre deux fois le truc, ça craint un peu, quoi. Donc je sais pas si je dois le faire, à votre avis. Bah, à mon avis, quand on est journaliste, on peut tout à fait avoir des choses à dire, avoir envie de s'exprimer, mais on s'exprime en tant que citoyen, pas forcément en tant que journaliste. C'est un avis de journaliste. Mais, et sinon, il y a quand même quelques personnes du Front National, peut-être, qui vont parler, parce qu'on pourrait les entendre, tu vois. Mais ils sont de deux côtés, ils regardent ça d'un air... En fait, à Blois, c'est pas les Républicains qui viennent, c'est carrément l'extrême. C'est ce qui est bien. Mais en tout cas, ils sont là, ils regardent ça d'un air... Un peu chelou, et dans leur petit magazine qu'ils ont balancé en amont, ils ont raconté que des conneries, des clichés, bref, un truc de communiste, que c'est des communistes. Tout. Enfin, tu vois, l'organe habituel de quoi. D'accord. Et ceux qui sont, enfin voilà, quoi, c'est toujours la même chose. Ils sont bornés. Voilà. Merci Bastien, on va pas refaire le Front National ce soir sur Radio Debout. Maintenant, et ben jingle. Radio Debout. Alors, retour sur le plateau de Radio Debout. On va consacrer un petit peu de temps à l'horizontalité. Bah oui, parce que voilà, une petite demi-heure horizontale. On se demande souvent si Radio Debout est assis ou debout. Et ben, Radio Debout est surtout, enfin, Nuit Debout est surtout horizontale, puisque on essaye de fonctionner ici sans chef, sans hiérarchie, mais quand même avec une organisation qui s'articule notamment autour d'un modérateur. Alors, je suis en compagnie de Sophie. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ben, vas-y, parle un peu plus fort. Ok. Alors, le modérateur, c'est donc celui qui distribue la parole, on l'entend, hein, quand on fait des décrochages sur l'Assemblée Générale. Il doit reformuler les termes du débat. Éventuellement, il soumet des propositions au vote ou fait valider un consensus. Ça peut faire un peu peur de faire ça. Comment tu t'es retrouvée, toi, à être modératrice ? Alors, j'ai déjà participé donc à la commission modération, c'est celle qui gère l'espace de parole, qui gère l'AG. Et j'ai déjà été facilitatrice, qui a un autre rôle. Et donc, du coup, j'ai pu observer un peu comment on modérait, comment on était un bon facilitateur. C'est quoi le rôle de la facilitatrice ? Alors, c'est un peu les hommes et les femmes polyvalents. En fait, ils sont là pour gérer les personnes qui arrivent pour prendre leur tour de parole, leur dire bah, c'est ton tour dans deux tours, prépare-toi, etc. Pour gérer toutes les personnes qui affluent vers la tente de l'espace parole, qui ont plein de questions, et donc les dispatcher soit vers les preneurs de tour de parole, soit gérer les demandes des journalistes qui ont des questions précises, leur dire bah, allez plutôt à la tente, telle tente, c'est eux qui pourront répondre à votre question. Ça, c'est voilà. Un peu le tampon entre la scène et la foule. Quoi, c'est ça, exactement. Et la modération, donc tu as fait aussi de la modération, c'était quand ? Je ne sais plus du tout. C'était la semaine dernière, il me semble, vendredi ou jeudi dernier. Combien de temps tu as modéré la réunion ? C'était 2 heures. 2 heures. Alors normalement, c'est plutôt des tours, des créneaux de 3 heures. Donc ça fait 18h à 21h et donc 21h à minuit. Enfin, ça dépend un peu quand est-ce qu'on finit l'AG. On se relaie, donc du coup, on a deux équipes. Une équipe de première partie de soirée et l'équipe de deuxième partie de soirée. Donc comme je te disais, il y a 4 rôles. Le modérateur, les facilitateurs, les chronomètres qui font en sorte que le temps de parole soit respecté et les preneurs de tours de parole. Alors ici, c'est 2 minutes hein, en théorie, mais ça déborde très souvent. C'est ça. Alors après, c'est aussi le rôle du modérateur de ressentir un peu l'opinion de la foule, notamment à travers les gestuels qu'on a mis en place. S'il se rend compte que les gens sont assez captivés par ce que dit la personne, bah, on va éventuellement les laisser un peu déborder. D'autant plus que les gens du premier rang ont tendance à nous crier « Laissez-le parler, laissez-le parler !» Donc on obéit. Et si les gens font le signe « Déjà dit, c'est trop long, on en a déjà parlé, etc. Bah, » on va avoir tendance à dire à la personne « Faut que tu abrèges, faut que tu conclues, parce qu'a priori, ça ne fait pas l'unanimité dans notre AG. Ce que tu racontes. » Est-ce que tu avais déjà eu une expérience de cette pratique horizontale, de modération, de tour de parole ? C'est ta première fois ? Oui et non. C'est peut-être pas vraiment comparable, mais je suis également bénévole dans des associations où le fonctionnement c'est un peu le même, dans le sens où on est tous bénévoles, donc on donne le temps qu'on a du mieux qu'on peut, et du coup l'association peut fonctionner seulement si on s'écoute tous et si les propositions que chacun fait sont valorisées et qu'on fonctionne effectivement avec cette horizontalité aussi, sur le volontariat, sur celui qui peut faire la chose. Alors est-ce que tu as trouvé ça difficile de faire la modération ? Parce que tu me disais avant que vous aviez un peu du mal à trouver des gens pour venir modérer les assemblées générales. Est-ce que c'est compliqué ? Alors très honnêtement, ça me faisait effectivement un petit peu peur au début. En fait, j'ai été modératrice parce qu'ils cherchent à faire de la parité. Et en général, c'est surtout des hommes qui se portent volontaires. Donc du coup, je me suis... Voilà, les femmes, présentez-vous pour la modération. Exactement. Petit message de la soirée. Du coup, je me suis portée volontaire à ce titre pour représenter la gente féminine, on va dire. Et j'étais pas vraiment rassurée. Et puis, ils m'ont dit que de toute façon, si ça se passait mal, je pourrais toujours redonner le micro à quelqu'un qui avait plus d'expérience éventuellement. Et au final, ça s'est très bien passé. Il suffit vraiment d'être attentif à la foule, ce qui n'est pas évident, parce que c'est pas être attentif à dizaines de personnes, c'est tout l'ensemble de l'AG. Mais si on est neutre, qu'on reste vraiment respectueux envers tout le monde et qu'on fait gaffe à ce qui se passe dans l'Assemblée, ça se passe super bien. Il y avait combien de personnes dans l'Assemblée Générale à peu près que tu as modéré ? Un petit peu plus que ce soir, du coup, je ne saurais pas dire. 200, 300, ouais, 500 ? Entre 300 et 500, je ne sais pas très bien évaluer les foules. Bon, de toute façon, c'est vrai que quand on regarde la tente bleue hein, qui est ici, la République, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Donc, en fait, on n'est pas tout seul. Si jamais on modère l'Assemblée Générale, on n'est pas tout seul. Est-ce que tu as eu à faire un vote, par exemple ? Oui. Je me souviens plus c'était quoi le sujet, mais effectivement, parce que quand on modère, en fait, on a quand même un peu du mal à écouter le fond du débat, vu qu'on est vraiment en train de penser à plein de choses. On a des listes de tours de parole qui arrivent, donc faut modérer ça aussi. Donc on est vraiment très très concentrée. Du coup, je me souviens plus l'objet du vote que j'avais eu à gérer, mais du coup, c'est notre rôle de le reformuler après que la personne l'ait proposé pour que ce soit bien clair. Et on a trois questions du coup à poser une fois qu'on a formulé le vote. Est-ce que l'Assemblée ici veut voter? Ceux qui veulent voter lèvent la main. S'il y a plus de la moitié, donc c'est au jugé à l'œil, hein, après on se compte pas. Si plus de la moitié veut faire ce vote, on pose deux questions. Qui est pour lève la main. Ok. Et qui est contre lève la main. Donc on va revenir un peu sur cette question du vote parce que c'est une question assez cruciale et à laquelle vous réfléchissez à la commission modération. On entendra aussi un moment où il y a eu un vote, c'était samedi soir, c'était sur les questions de médias, sujet ô combien tendu. Mais tout de suite, on retourne donc à l'Assemblée Générale, à la République. Et là, c'est pas le modérateur qui parle, c'est justement quelqu'un qui a pris la parole. Ouais, viens. Et Timothée et Romain se préparent. Et Rita aussi, non? Après, ouais. Alors, Timothée et Rita. Bonsoir. Alors, moi, j'ai deux choses. Une bonne nouvelle et puis un temps de colère. La bonne nouvelle, c'est que 10 ans après 21 nuits de révolte sociale à Clichy-sous-Bois, donc Clichy-sous-Bois, c'est une ville de banlieue dans le 93, d'où sont parties les émeutes en 2005. J'ai décidé de mettre en place une nuit debout à Clichy-sous-Bois. Elle se tiendra donc demain de 18h à 22h. Alors je sais que tout le monde a peur de venir à Clichy-sous-Bois, hein, mais je vous encourage à venir, c'est devant la mairie. Donc venez, soyez nombreux à nous soutenir dans cette initiative. Deuxième chose, en fait, je suis activiste et féministe. Et je suis effarée de voir qu'on nous demande d'occuper une place, hein, une place, alors que nous, les femmes, on est molestées, on est harcelées et on est même violées. Et c'est insupportable. Il faut absolument qu'à un moment donné, si vous voulez qu'on soit à vos côtés, je résiste et je redéfinis le terme de féminisme. Le féminisme avant tout, c'est un combat pour l'égalité. Et sachez-le, en fait, que la révolution ne se fera pas sans les femmes. Donc on est avec vous, hein. Mais s'il vous plaît, soutenez-nous, il y en a marre. Alors, nous avons un appel à don de Clémence. Bonsoir, je viens pas vraiment en mon nom, je viens de la part de la commission logistique, de la part de la commission migration, très largement, on va dire. Hier, on a ouvert un squat à Pyrénées pour loger les migrants. Et voilà, je voudrais faire un appel à don très important seulement pour des matelas. Alors c'est un gros truc les matelas, mais si vous pouvez, c'est super important, amener des matelas à la logistique. Voilà, dès que vous pouvez, tous les soirs à partir de maintenant. Merci, et nous on les apportera là-bas. Merci. Merci. Alors Timothée, est-ce que Timothée est là? Rita? Ah, Timothée est là. Timothée est là. Rebonsoir. Alors, du coup, il y a quelques jours, moi j'étais venu il y a quelques jours, il y avait eu énormément de problèmes, il y avait eu un incident autour du vote, notamment. Du coup, chez moi, je me suis posé une réflexion, comment faire avancer tout ça dans un monde que je veux créer, comment je peux faire pour avancer tout ça. Du coup, j'ai prêté attention à 2-3 problèmes qui sont produits, notamment dans les systèmes qui ont déjà existé. Donc moi, ce que je propose, c'est que pour reconnaître qu'on parle au nom du mouvement Nuit Debout ou pour prendre des décisions très importantes en notre nom à tous, c'est qu'on vote ça 3 fois, à 3 soirs différents, avec forcément 2 soirs d'écart entre les deux. Comme ça, ça permet d'avoir le temps de bien réfléchir. Pour les votes, si jamais on ne distingue pas une claire décision, si c'est pas, enfin, si de là je vous demande oui, non, je ne vois pas clairement qu'est-ce que c'est, ça veut dire qu'il faut en parler encore. Donc on en parle encore, on ne prend pas de discussion tant que on n'est pas tous d'accord. Et ça, 3 soirs de suite. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous dit. Il reste du temps. je ne sais pas. À mon avis, pas vraiment. Ok. Sinon, ouais, je voulais revenir sur le sujet des viols. Je sais pas vous, moi ça m'agace d'en entendre parler tout le temps. Ça m'agace dans le sens où je comprends pas qu'on n'en soit pas capable, nous tous ensemble, de surveiller les uns les autres et d'intervenir. Réagissez en groupe, vous voyez un truc, vous êtes pas sûr, ça a l'air manifeste, allez-y à 5, 10, 15, 20, c'est pas grave. Le mec, il est tout seul, t'as pas besoin de lui casser les jambes. Juste arrive à 25, le gars il va te regarder, il va faire ouais c'est bon, je me casse. Juste ça, déjà on fait ça tous ensemble là, tous les soirs, tout le temps, n'importe où vous êtes, vous faites ça dans la rue, vous allez voir, les choses elles vont changer très rapidement. Alors on revient sur le plateau de Radio Debout, on poursuit cette introspection dans le côté horizontal de Nuit Debout. Alors vous venez d'entendre justement quelqu'un a proposé là juste maintenant en Assemblée Générale de voter trois fois, c'est-à-dire que l'Assemblée Générale ne décide pas juste un soir, mais qu'il y ait forcément trois Assemblées Générales qui décident d'une décision, parce que des fois il y a des décisions assez tendues. Alors je vous propose justement à ce sujet d'écouter, c'était samedi soir, vers 9h du soir, une proposition sur le communiqué de presse. La veille, l'Assemblée Générale avait acté qu'il fallait que Nuit Debout se prononce sur les violences. Donc il y a un petit comité qui s'est réuni, qui a écrit un texte. Et là, il s'agissait de savoir si jamais le texte était diffusé ou pas. On écoute. Attendez. Non, ça va, donne-moi une minute, j'essaie une dernière fois. Ok, alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un communiqué qui, 1, dénonce cette injonction médiatique à répondre, qui de 2, dénonce la violence de notre société, qui est une violence économique, sociale, policière. 3, le mouvement dirait, on ne prend pas position, on ne veut pas rentrer dans cette logique médiatique qui est de condamner, d'être en permanence dans une condamnation. C'est comme ce qui s'est passé pendant les périodes du djihadisme. On est allé voir les musulmans, on leur a demandé « Est-ce que vous condamnez ?» Excusez-moi, j'ai dit quelque chose, c'était une aparté, excusez-moi. Voilà, ça. Est-ce qu'on fait un communiqué pour dire qu'on ne communique pas ? C'est ça la question. Ou est-ce qu'on fait un communiqué pour dénoncer justement ce qui était dit ou pas ? C'était ça la question. Voilà, alors il y a deux propositions, on va être très simple. Il y a deux propositions. Un communiqué pour dire qu'on ne communique pas, et ici il y a une opposition radicale qui trouve que c'est absurde, si j'ai bien compris. Et un autre communiqué, le communiqué que vous avez présenté, c'est ça ? Tu vois, je me lève, il arrive. Alors, est-ce que... Alors on va passer où ? On va faire une procédure de vote, c'est tout. Qui veut prendre part à ce vote ? Bien. Levez la main, connard. Ok, alors, maintenant, je vois que ça intéresse les gens, donc on va passer à la contre-proposition de l'opposition radicale. S'il y a une autre opposition radicale, elle est bienvenue. On va pas faire un communiqué de presse pour dire qu'on refuse de faire un communiqué de presse. Voilà. Ok, c'est pas un communiqué de presse pour ne pas communiquer. C'est un communiqué de presse pour dire qu'on ne veut pas communiquer sur la violence parce qu'on ne veut pas pénaliser. Non, attendez, ça se passe. Voilà, relevez. On vote. Ceux qui veulent prendre part au vote, lèvent la main. Mais on a des... Lève la main en l'air. Ceux qui veulent qu'il n'y ait pas de copier-coller, lèvent la main. Bon, c'est mitigé. Alors clairement, il n'y a pas de communiqué. Alors là, on voit un peu le rôle du modérateur. Quand il dit c'est mitigé, c'est lui qui doit évaluer, en fait. Est-ce qu'il y avait plus de monde dans un camp ou dans l'autre ? Ça, c'est assez compliqué à faire, non ? Oui, c'est sûr, c'est la partie la plus compliquée quand on... Et très c'est sensible, moitié. Parce que là, on décide tout d'un coup qu'on bascule d'un côté ou de l'autre. Alors après, ce qui est possible de faire, c'est de proposer que le vote soit reporté à l'AG suivante, histoire qu'il y ait un débat un peu plus construit, éventuellement que les personnes reviennent avec des arguments pour et contre, et qu'on resoumette le vote à l'AG. Alors, vous réunissez, il y a une commission modération, démocratie qui réfléchit à toutes ces questions, parce que c'est vraiment central hein, de savoir finalement quelle est, sur quelle position on se tient, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et donc, j'ai assisté à une de ces commissions où justement, il y a des gens qui disaient, bon, ben, en Assemblée générale, les gens qui sont en Assemblée générale, ça change tout le temps. Donc, du jour au lendemain, ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Et souvent, les personnes qui travaillent dans les commissions, elles sont en train de travailler, donc elles ne sont même pas là pour participer au vote. Donc, il y a comme une opposition, en fait, entre la légitimité de l'Assemblée générale et la légitimité des commissions. C'est tout à fait exact. C'est une des plus grosses problématiques qu'on est en train de traiter, effectivement, cette, on va dire, séparation croissante entre les commissions et les gens qui peuvent être là sur le terrain en journée, qui font les actions, et les personnes qui peuvent être là que le soir et qui ont envie de participer quand même, et qui sont là en AG. Et du coup, on est en train de réfléchir à un processus qui pourrait relégitimiser les actions des uns et les décisions des autres. J'ai devant moi un petit document qui s'appelle « Note de synthèse Commission démocratie vers un processus de vote expérimental ». Ah, c'est sérieux. Ouais, proposition concrète. Et donc, on est en fait, c'est un document qui n'est absolument pas figé. Là, il y a énormément de pages, mais en fait... Mais il y a beaucoup de travail, hein, beaucoup de réflexion sur cette question de l'horizontalité, comment décider autrement. Et puis, c'est compliqué dans le sens où... Donc on a cette discussion, ce débat en cours de comment légitimer les actions des uns et des autres. Et en attendant, il faut que l'AG elle continue à tourner, il faut que les choses se passent réellement. Du coup, on a une petite séparation entre guillemets en deux pôles actuellement. Un pôle qui est vraiment sur l'opérationnel pour le moment, qui fait en sorte que les AG continuent à rouler malgré nos réflexions. Et là, vous avez besoin de monde. Et on a carrément besoin de monde. Et c'est à quelle heure que vous vous retrouvez, alors, pour les gens que ça intéresserait? Alors, pour tout ce qui est débat et pour participer à la modération, facilitation, etc. Alors, pour le côté plus opérationnel. Pour le côté opérationnel, bah alors, donc, du coup, on se retrouve pour les débats à 16h. Et en général, c'est en fin de débat, donc vers 17h30, 18h, 18h30, ça dépend un peu, qu'on fait le tour. Bah, en général, on fait le tour de la place. On est assez visible dans le sens où on a une feuille visible avec les différents rôles à remplir. Et on fait le tour de la place pour proposer aux personnes. Et on manque extrêmement de visibilité parce qu'il y a plein de gens à qui j'ai proposé aujourd'hui qui me disent « Ah, mais je savais même pas que vous aviez besoin de volontaires, que c'était des gens... » Parce que c'est une équipe rotative. Normalement, chaque soir, c'est des personnes différentes pour pas qu'il y ait de monopole du pouvoir, même s'il y a un suivi dans le sens où il faut qu'il y ait des gens pour expliquer tout de même les rôles. Mais l'idée, c'est que ce soit vraiment chaque soir des personnes différentes qui le fassent. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, en fait, qu'on a besoin de... Voilà, alors appel à tous les auditeurs de Radio Debout, quand vous venez sur la place, essayez de rapprochez-vous, même si vous n'êtes pas dans les horaires de 16h, rapprochez-vous de la tente bleue. Il y a à peu près tous les gens qui s'occupent un peu de cette commission des modérations sont là, et puis c'est là que vous pouvez proposer vos services. Petit point technique, elle n'est pas forcément bleue, notre tente. En fait. Ah oui, elle, là, elle est bleue aujourd'hui. Elle est bleue aujourd'hui, et elle change assez souvent. Et du coup, c'est ce qu'on appelle, nous, l'espace de parole. C'est vraiment là où il y a le micro, les enceintes, etc. Si vous voulez participer, c'est venez nous trouver là-bas et vous serez carrément les bienvenus. Alors, donc, d'un côté, ce côté opérationnel, et de l'autre, donc, des gens qui réfléchissent plus structurellement. Ça, vous vous donnez combien de temps pour essayer d'arriver à une réponse sur cette question du vote et comment il se fait? Alors, pour nous, c'est un peu une urgence dans le sens où on commence à sentir effectivement des tensions, en tout cas des frustrations entre les commissions qui voudraient que leur travail soit un petit peu valorisé, reconnu aussi, qui ne peuvent pas forcément l'exprimer en AG le soir, et de l'autre côté, les participants de l'AG qui aimeraient bien que leurs décisions soient appliquées aussi, que leurs propositions soient valorisées. Du coup, pour nous, c'est une urgence, et donc on a déjà pas mal travaillé. Demain, on se réunit une dernière fois pour finaliser une proposition. À quelle heure c'est ouvert? C'est ouvert, c'est à 16h, comme d'habitude, sur Place de la République. Et où, place sur la place ou... Alors nous, on n'a pas de tente, on est mobile, on a un carton, on écrit commission, modération, / démocratie. D'accord. Et du coup, on peut nous retrouver comme ça. Et l'idée, c'est d'avoir une proposition assez concrète, assez simple, pour la proposer à l'AG de dimanche, qui en général rassemble quand même beaucoup de personnes, vu que c'est le dimanche, tout le monde peut venir. Et d'en parler en parallèle à chaque commission, comme on disait, elles ne sont pas forcément présentes aux AG parce qu'elles sont très actives en journée. Et donc de faire le tour d'à peu près toutes les commissions, vu que ça fait longtemps qu'on est là, on commence à connaître un peu les visages de ces personnes-là, et les sonder en amont également, voir si elles voudraient bien jouer le jeu au niveau des propositions qu'on a. Bon, ben, on vous réinvitera pour parler peut-être du résultat de ces décisions. Alors, rappelons donc qu'il y a besoin de gens pour modérer les assemblées générales, que c'est pas si compliqué que ça, que c'est une expérience de l'horizontalité et que ça vaut le coup d'essayer. Et même si vous n'êtes jamais venu à Nuit Debout, et ben, venez juste pour voir ça, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Et qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est galvanisant ? Tu trouves ça... Ah, c'est génial. C'est la réflexion qu'on se faisait avec un copain tout à l'heure, que bah, on est là un peu pour dénoncer notre démocratie, qu'il est peut-être pas tant que ça. Et là, on met vraiment les mains dans le cambouis. On se rend compte que c'est effectivement pas si facile d'avoir une vraie démocratie participative qui fonctionne. Mais c'est super intéressant. On est dans le vif du sujet et c'est là qu'on peut vraiment construire quelque chose de nouveau, je pense. Très bien. Alors, il y a beaucoup de documents qui existent sur Internet. Si jamais il y a des gens qui veulent s'intéresser à cette question, on trouve surtout des documents en anglais. Ça s'appelle souvent Consensus Decision Making. On peut retrouver avec ces mots-clés. Ouais. Vous publiez des choses aussi, peut-être ? Alors, pour le moment, c'est pas très étoffé, mais justement, ça devrait se résoudre dans le week-end. Là, on a des personnes qui se sont portées volontaires pour faire ça. C'est un wiki qui est trouvable sur Nuit Debout dans l'espace wiki. Mais on a le lien, on l'enverra via Twitter. Et puis moi aussi, je soumettrai à nos auditeurs un document que je trouve très intéressant qui s'appelle « Comment se débarrasser des chefs ?» CHE2FES, parce qu'il y a aussi des chefs femmes, avec toutes les sortes de pouvoirs qui sont listés, le pouvoir d'initiative, le pouvoir d'information, le pouvoir de compétence, il n'y a pas seulement le pouvoir « j'ai la force », hein, il y a beaucoup d'autres pouvoirs. Et donc c'est tout ça qui est en train de se réinventer à Nuit Debout, donc voilà, surtout, venez voir et venez participer. Merci Sophie, merci beaucoup. Merci, hein. Là, c'est bon. Alors, je viens m'exprimer et je veux vous dire qu'on voudrait élaborer un projet de santé pour une couverture universelle pour tous sur tout le territoire national. Donc je voudrais seulement faire un vote. Donc pour ceux qui sont d'accord, levez la main. Et ceux qui sont contre ? Donc voilà, merci à tous. Ok, est-ce que Alexis est là ? Sinon, ce sera Kathleen ou Xavier qui se prépare. Bonsoir, j'ai parlé tout à l'heure à propos d'une action qui s'appelle Pirates Debout. Il y a une page Facebook qui s'appelle Pirates Debout. Simplement, si vous voulez faire un petit topo, là pour l'instant, on est 30 personnes sur cette page, c'est vraiment très très peu. Si vous voulez que cet amendement passe, l'amendement sur l'évasion fiscale, il faut s'inscrire. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé. Simplement pour vous dire comment il faut fonctionner. Il faut qu'on soit une masse critique de minimum 200 personnes inscrites. La semaine prochaine, on envoie le mot d'ordre. Vous copiez le message qu'il y a sur cette page Facebook et vous l'envoyez à l'ensemble des mails qu'il y a. Pirates Debout, donc au pluriel, pirates, sur Facebook. Et moi, ce que je propose, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est que la commission média de Nuit Debout puisse faire passer cette page, qu'elle soit vraiment largement diffusée, histoire qu'il y ait une masse critique de gens. Parce que là, on est 30 personnes, 4 partages, ça ne suffira pas. C'est totalement anodin, c'est une action inutile. Donc, diffusez, parlez-en. Et puis, si la commission média est intéressée, diffusez la page, tout simplement. Moi, je suis personne, il n'y a pas mon nom dessus. Donc, je ne fais pas ça en mon nom pour me faire un peu mousser ou je ne sais pas quoi. C'est à nous, à un moment donné, de se prendre un peu en main et faire des choses pour, encore une fois, harceler les gens qui promeuvent la loi El Khomri et son monde, c'est-à-dire l'évasion fiscale et autres. Donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est vraiment d'aller les emmerder quoi, et faire péter leur serveur, tout simplement. C'est tout. Ok, du coup... Nous sommes que 2000, mais soyons ensemble. Vous avez des copains qui viennent aussi dans la semaine, qui ne sont pas là ce soir. Parlez-en. Là, nous sommes que 2000, mais soyons plus nombreux. Soyons plus nombreux. Ok. Kathleen, qui va nous parler de l'abstention. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Alors, en fait, j'aimerais plutôt faire une réponse au monsieur qui prenait une abstention à 80% l'année prochaine. Je suis totalement contre parce que je pense que si aujourd'hui, tous les jeunes et toute la population qui est présente sur cette place est dans les... en province se mobilise, c'est pour que ça change. Et il faut vraiment que ça change et il faut s'engager. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il faut vraiment s'engager au niveau des associations et vraiment que ça donne quelque chose parce que ce n'est pas possible qu'on en reste comme ça. Voilà, ce sera tout. Donc là, il y a Xavier. Okay. Est-ce que Xavier est là ? Xavier ? Bonsoir à tous, je m'appelle Xavier, donc je viens de Pontoise. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup déplu. Il y a quelques semaines, j'étais assis dans un café. Il y avait une télévision sur un des murs avec une chaîne d'information en continu. Moi, je la regardais d'un œil. Qu'est-ce que je vois ? Je vois Valérie Pécresse entourée de bons gros bonhommes en veste et cravate, tout souriant autour d'elle. Je la vois félicitée, je la vois applaudie. Et c'est pas Valérie Pécresse en particulier, ça pourrait être Hervé Morin, ça pourrait être un autre homme politique. C'est pas le propos. En tout cas, je la vois félicitée, applaudie. Et tout souriant encore, on lui met autour du cou jusqu'à sa taille un grand large bandeau bleu, blanc, rouge. Ça s'appelle une écharpe républicaine, pour rappel. Oui, parce qu'à ce moment-là, elle vient tout juste d'être élue présidente de région. Je ne lui reproche pas sa victoire. C'est l'image qui m'a marqué et ce sujet subtil que je veux partager avec vous. Car alors, à ce moment-là, tout autour de moi, les gens tranquillement mangent, discutent, se reposent quelques instants avant de reprendre le travail. Et beaucoup plus loin de moi, beaucoup plus loin de nous, un petit groupe de personnes se remettent les honneurs, se félicitent de la victoire, se félicitent d'avoir gagné. Nos maires, nos présidents de la République, nos présidents de région ne sont pas là pour gagner des élections, pour gagner un poste, pour être le vainqueur d'un combat de boxe avec leur adversaire. Quand ils ont été élus, ils l'ont été grâce à nous. Oui, alors ils sont porte-parole du peuple. Oui, ils sont représentants du peuple. Vainqueur, non. Dans une démocratie digne de ce nom, il y a un seul vainqueur et ce doit toujours être le même. Le vainqueur, c'est nous, c'est le peuple. C'est nous qui choisissons un homme ou une femme pour nous représenter, qu'il garde en tête qu'il est un représentant du peuple. Cette écharpe républicaine, ce n'est pas autour de Valérie Pécresse qu'il faut la mettre, c'est autour de Marianne, nous rappelant qui sont les vrais dirigeants, nous. Que nos élus gardent leur sourire, leur joie et l'esprit à la fête même dans ces moments de résultats, mais qu'ils ne se trompent pas de victoire. Ce n'est pas leur victoire, ce ne doit pas être leur victoire, ce ne doit être que la nôtre. Merci. Radio debout, François. Radio debout, radio debout, radio debout. Je voudrais compléter les messages. Bonsoir, vous êtes bien sur le plateau de Radio debout. Et on est en lien là ce soir à Toulouse avec Clovis. Clovis, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, bonsoir Clovis. Alors Clovis, tu es à Toulouse, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Et est-ce que tu peux nous dire où tu es à Toulouse exactement ? Sur la place du Capitole. Ah, c'est une belle place, la place du Capitole. Et est-ce que tu es seul sur la place du Capitole ? Ah non, je ne suis pas du tout seul, il y a pas mal de monde là, et l'AG va reprendre après les ateliers là. D'accord. Et pas mal de monde, c'est-à-dire plusieurs centaines ? Oui, par rapport à Paris, c'est pas pareil, mais il doit y avoir entre 100 et 200 personnes, c'est ça ? D'accord. Et vous réunissez régulièrement ? Là, on se réunit tous les soirs depuis... Donc, pas le 31, mais le mardi qui a suivi. D'accord. Le 5, peut-être, non ? Et vous êtes donc vous avez donc constitué une AG, vous avez des commissions aussi ? Comment est-ce que vous êtes organisé ? Oui, c'est ça, en fait, on a plusieurs commissions. Donc, les commissions qui ont été construites au début, c'est la logistique, l'animation, la commission juridique, la commission communication, ouais, et la commission action. D'accord. Donc ça, c'est les cinq qui ont été constitués initialement. Il y a celles-ci qui sont ajoutées d'autres commissions, comme la commission parité, la commission atelier constituant. Et vous travaillez aussi sur la constitution ? Oui. En fait, il y a un projet qui est assez intéressant qui a émané donc de cet atelier constituant qui s'est constitué assez vite en fait après les premières nuits debout, et je crois qu'ils ont un projet assez sérieux qu'ils ont d'ailleurs diffusé un peu partout en France aux autres nuits debout, et ils sont en discussion là, avec pas mal de nuits debout parce que leur projet intéresse d'autres nuits debout. Ah bah oui, il faut que ça circule, ces projets là de toute façon c'est en partageant, ouais, qu'on a le plus de chances de faire bouger les choses, hein. Oui, tout à fait. Et toi, tu participes à une commission en particulier ? Pardon, tu participes à une commission en particulier ? alors moi initialement j'étais dans la commission logistique. J'ai essayé de voir un peu après la commission animation aussi pour parce que bon effectivement la logistique c'était intéressant de pour avoir le socle un petit peu de du fonctionnement et de l'organisation et après, hein. Voilà l'organisation et après enfin non il n'y a pas d'organisation mais non enfin je veux dire comment les choses s'articulent disons. Oui, c'est tout à fait, oui. Non, mais du coup, oui, c'est ça. Il y a eu cette commission logistique qui est quand même assez fatigante aussi. Donc, j'essaie de passer la main. Donc, c'est un point sur lequel c'est pas forcément évident, mais bon, on y parvient. Et après, j'essaie de voir un peu maintenant sur comment on peut communiquer pour faire intéresser plus de monde, sensibiliser, voilà, avoir fait des campagnes de com. Sur la ville de Toulouse pour juste au moins pour prévenir les gens qu'on est encore là puisque certains oui. En fait ne sont pas forcément au courant qu'on est encore là tous les soirs en fait au Capitole. Tous les soirs, donc vous êtes tous les soirs sur la place du Capitole. Ouais. Voilà, et les commissions action, elles ont décidé de quoi par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la commission action, elle a en fait un thème. Alors je sais pas si c'est que la commission action ou si c'est plusieurs rencontres avec peut-être certaines organisations comme le DAL ou le CIT, mais en fait ils ont fait par exemple l'accueil de Pierre Gattaz où ils ont fait une manif des patrons. Ouais. Donc ça c'était assez marrant. C'était plein de gens qui étaient déguisés en président pas con, bon, ils avaient été en costume, avec des qui scandaient en fait ils scandaient des choses. Ils ont tenté la multinationale au lieu de l'internationale en prenant les paroles. Ils avaient plein de slogans sur vive les patrons, vive le C40, etc. Et ils ont accueilli Pierre Gattaz, je crois que c'était le 14 avril. Il y a l'autre jour, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, ils sont allés dans la BNP Paribas, ils sont rentrés, ils ont mis de la musique, il y a eu une AV, puis après, ils sont mis à danser, à se mettre en maillot de bain, etc., pour illustrer un petit peu le côté un peu paralysique, etc., sans faire la fête dans une banque. C'est devenu une boîte de nuit populaire, BNP. D'accord. Voilà. Ouais, vous êtes inventif à Toulouse. Comment ? Vous êtes inventif. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup, merci Clovis. Et puis, continuez bien à Toulouse. Et puis, n'hésite pas à nous envoyer à nous dire un peu où vous en êtes, si ça continue, comment ça continue, s'il se passe des choses particulières, des événements particuliers. D'accord. Et merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne nuit debout. Au revoir. Merci. Au revoir. Et maintenant, nous allons passer à vous envoyer un petit PAD. Et c'est une occasion pour la Radio Debout de remercier tous les auditeurs qui nous envoient des petits documents, des petites perles sonores. Continuez, on les diffuse, on les aime et à vous. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce live streaming vidéo en direct de mon smartphone sur la plateforme Perisflic. Alors vous êtes déjà près de 20 000 à nous observer, merci beaucoup, n'hésitez pas à partager ma page perso avec le hashtag jour couché. Alors je suis en direct sur la place de la Bourse pour ce rassemblement jour couché donc, et alors je vais me rapprocher de la tribune, voilà. Oula, pardon monsieur, je suis désolé, je vous ai marché dessus. Il y a beaucoup de gens couchés là, vous voyez. Je filme avec mon smartphone, vous voyez sur cette place de la Bourse. Alors, la tribune, elle est où la tribune? Madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce qu'il y a une tribune de prévue pour les prises de parole? Mais non, enfin nous n'avons pas besoin de tribune pour faire entendre nos idées. Nous avons les médias pour ça. Ah bon ? Oui, et puis nous ne voulons surtout pas faire de bruit supplémentaire. Hein. Pas de vague. Hein. Notre truc, c'est jour couché. À 18h, on se relève et on rentre chez nous. Moi, je suis un nouveau média. Là, je suis en train de streamer en live, vous voyez, avec mon smartphone. Oui. Je stream l'événement sur Perisplic. Est-ce que vous pouvez décrire pour les internautes ce qui se passe ici sur cette place de la Bourse ? Oui, bien sûr. Oui, alors écoutez, c'est simple. Hein. Avec jour couché, on veut simplement affirmer notre droit à profiter de la vie. D'accord. Et voilà. En gros, si je comprends bien, vous contestez la nécessité de travailler pour vivre ? Ah non. C'est bien qu'il y ait des gens qui bossent hein, quand même, hein, je veux dire. Bah oui, mais on n'est pas devenu rentier pour rien non plus. Ah hein. Monsieur, vous souhaitez intervenir, approchez-vous du smartphone. Vous êtes en direct sur Perisflic, hashtag jour couché. Ouais, nous, notre credo, c'est surtout que rien ne change. Le système fonctionne bien, on capte toute la richesse et puis on paye pas d'impôts. On s'allonge. Alors, vous voyez, s'allonger, ça correspond à l'aspect horizontal de notre mouvement, en fait. D'accord, mais enfin, là, il y a quand même des gens allongés par terre et puis d'autres au fond de la place sur des sofas. Oui. Vous faites comment la répartition des places, du coup? Ah, bah écoutez, c'est extrêmement simple. Hein. On respecte l'ordre naturel. Ce sont les plus riches qui décident. Comme ça, c'est vraiment plus simple, en fait. Los ricos unidos jamás serán vencidos. Los ricos unidos jamás serán vencidos. Los ricos unidos jamás serán vencidos. Bon, vous voyez, on est un mouvement international. Hein. Là, ce sont nos camarades du Panama qui sont présents à nos côtés. Ça fait plaisir. Et puis là, avec les petits chapeaux bizarres, c'est les collègues du Liechtenstein. Oui, et alors vous voyez, en plus, en ce moment même, des centaines de personnes comme nous occupent des places à Monaco, en Andorre, au Luxembourg, même à Charbonnières-les-Bains. Hein. Puis franchement, nos adversaires n'ont rien inventé. Mmh. Occupy Wall Street, nous, on fait ça tous les jours. On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Hashtag jour couché, je suis en direct de la place de la Bourse pour suivre l'événement jour couché. Alors voilà, parce que les tons qui se mélangent, c'est la radio qu'on fait, nous. Je voulais vous lire un texte d'un auteur qui est ce soir au camp de la Grande Sainte et qui m'a envoyé ce texte. Voilà. Il s'appelle Lancelot Hamelin et nous allons le recevoir bientôt sur le plateau de Radio Debout. Il faut venir voir ce qui se passe à Calais et dans sa région, voir de ses yeux. C'est simple de venir. Tout y est ouvert. Ce qui se passe dans les camps de Calais et sa région n'a rien à voir avec ce qu'on lit et entend dans les médias. D'abord, c'est l'histoire qui se fait et l'avenir qui prend racine. Ensuite, dans les tragédies, ce sont des exemples de courage et d'humanité. Et enfin, dans la solidarité qui se met en mouvement, c'est l'exercice de notre dignité de peuple libre. Il faut venir aider, apporter ce qu'on a à apporter, mettre la main à la pâte, sinon on aura honte de ce qu'on n'a pas fait, de n'avoir pas su. Le camp de Grande-Sainte à 10 minutes de Dunkerque, une demi-heure de Calais. Ils ont besoin de bénévoles. L'association Utopia 56 gère ce camp. On peut venir pour 2, 3 jours ou 6 mois. Le camp est initié par la mairie, c'est exceptionnel. C'est ce que n'a pas fait la maire de Calais. Et il est géré uniquement par des bénévoles. Ils sont débordés et épuisés. Le téléphone 06 73 08 92 84. 06 73 08 92 84. Et nous allons repasser maintenant sur l'AG. Et au-delà de la loi de travail, oui, dans ce pays, on a besoin d'une grève générale, de faire reculer ces parasites, que les travailleurs, les travailleuses, les jeunes, les chômeurs, on regagne du terrain, on récupère des terrains, on récupère ce qu'ils nous ont volé depuis des décennies. Alors on est là pour ça, on a fait une banderole, posez debout pour la grève générale. Alors, Constance est-elle arrivée? Sinon, Anna, qui va nous donner des infos par rapport à l'Équateur. J'espère que je vais y arriver. C'est bon. Vous savez, il y a eu un plus fort. Vous savez, il y a eu un tremblement très fort, un tremblement de terre très fort en Équateur samedi dernier. Du coup, on est là pour demander votre soutien. On est là, c'est bon. Allez, allons-y. Bon, d'abord, grève, on soutient. On va faire reculer. Faisons reculer cette loi travail. Excusez-moi. Du coup, on vient faire appel à vous. On cherche. Envoyer du soutien pour l'Équateur. On a un rassemblement demain à Bastille sur l'esplanade de l'Arsenal de 15h à 19h. Il y aura de la musique. On essaye de faire entendre le nom de l'Équateur aux gens. On essaye de ramasser du matériel. On a réussi à faire envoyer pour vendredi prochain du matériel très nécessaire en ce moment là-bas. Donc des grandes tentes, des lits pliants, des batteries, des lumières LED, des lampes halogènes, des lampes de poche, des sacs de couchage, de la vaisselle en plastique non jetable. Après, on a aussi, si vous voulez bien nous soutenir, un numéro de compte pour faire des dons directement sur un compte en France. On va pouvoir vous faire passer les données de ce numéro de compte. Si vous voulez, si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui peut le faire maintenant, vous pouvez lever la main, on va nous approcher à vous et on va pouvoir vous donner, ces données. Voilà, c'est tout. Voilà, merci et allez la nuit debout. Nous sommes à la table de notre studio en plein air, Place de la République, avec trois membres du collectif Paris Ayotzinapa. C'est un collectif qui s'est formé suite à la disparition des 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa dans l'état de Guerrero au Mexique, le 26 septembre 2014. Depuis cette date, beaucoup de collectifs, d'associations, de mouvements réclament que les étudiants apparaissent de nouveau en vie. Il se trouve que l'enquête patine, ou du moins il y a une version officielle de l'enquête produite par le gouvernement mexicain. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces faits? Je précise que vous allez être présent demain, Place de la République, demain samedi, à partir de 16h, avec deux autres associations, Bordemos por la Paz, Nous Brodons pour la Paix, et Latir por México. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous revenir un petit peu sur cette nuit du 26 septembre 2014 et sur ce qui s'est passé? Bon, merci beaucoup pour l'invitation. On va rappeler un peu les faits de la nuit du 26 septembre 2014. Il faut rappeler que l'école normale d'Ayotzinapa est une école très contestataire au Mexique. Ça a une longue histoire de contestation. Ils font partie de la Fédération d'étudiants socialistes et paysans du Mexique, qui est l'association d'étudiants plus ancienne du Mexique. Et le 26 septembre 2014, ils sont allés à la ville de Iguala, à Guerrero, pour faire une collecte de fonds. Ils allaient occuper des bus pour emmener les autres étudiants à la manifestation pour commémorer la massacre du 2 octobre 1968. Et en sortant de la station de bus, quand ils avaient occupé trois bus plus deux autres qu'ils en avaient, ils ont été attaqués par la police municipale dans plusieurs événements, au moins à 9 épisodes différents. Il y a 6 personnes qui ont été tuées sur place, parmi lesquelles des civils qui n'étaient pas des étudiants. Un d'entre eux, on lui a arraché le visage et on lui a arraché les yeux. Et il y en a 43 autres étudiants qui ont été disparus. Et le gouvernement, aujourd'hui, il essaye d'imposer sa version sur laquelle les policiers, ils auraient emmené les étudiants, ils les auraient délivrés à un cartel de la drogue qui les aurait incinérés dans une décharge publique avant de les jeter les cendres dans la rivière. Et il y a un groupe d'experts indépendants qui a contesté cette version et qui assure que c'est impossible que les 43 étudiants auraient été brûlés dans cette décharge publique. Je précise que il a été prouvé que le maire d'Iguala était totalement impliqué dans la disparition de ces 43 étudiants. Ben, le maire de Iguala, il est signalé par le gouvernement comme l'auteur intellectuel des faits. Il avait dit que les étudiants voulaient boycotter un événement de la mairie, de la femme du maire en fait. Mais les experts indépendants ont démontré que quand les étudiants sont arrivés à Iguala, cet événement il était déjà terminé. Et en fait, quand ils sont arrêtés, le maire de Iguala et sa femme, ils les ont arrêtés pour des crimes qu'ils avaient commis bien auparavant, parce qu'ils étaient déjà accusés de meurtre, mais ils n'avaient rien fait pour l'arrêter. Maintenant, il est en prison, mais nous, on pense que les responsabilités vont bien au-delà du maire de Iguala. Alors, il y a un événement, je crois, qui est important ce dimanche, dans les conclusions en fait, d'une enquête parallèle, qui n'est pas l'enquête officielle menée par le gouvernement mexicain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est vrai que c'est suite à la mobilisation générale des secteurs au Mexique qui ont réussi à faire que ce groupe international, groupe indépendants d'experts internationaux puissent en accord avec le gouvernement mexicain et d'autres associations des droits de l'homme puissent enquêter sur cette affaire. Cet accord a été convenu depuis mars 2015, hein, en partenariat entre les trois groupes. Et les premiers rapports qui étaient rendus par ces experts en septembre 2015, et ils démontrent trois choses les plus importantes. Qu'il y a des doutes très importants sur les faits de la version officielle qui a été donnée en janvier 2015, qui assure que les étudiants ont été brûlés dans une déchetterie. Ça, c'est une des premières choses. Scientifiquement, ils ont démontré que c'était impossible parce qu'ils ont fait des expertises sur les lieux et ils ont prouvé que ce n'était pas possible selon les enquêtes faites. Deuxièmement, ils ont mis en évidence qu'il y avait une autre hypothèse aussi de ces faits. Pourquoi cette répression coordonnée des trois parties de la police et d'État, fédéral et militaire, dans la surveillance depuis le 26 septembre, et une surveillance accrue et bien ciblée sur les étudiants d'Ayotzinapa, ils étaient surveillés depuis le départ. Et donc, cette répression disproportionnée, il met en hypothèse que, en fait, les étudiants se seraient emparés des un ou plusieurs bus qui transportaient la drogue. D'accord ? Il y a eu des enquêtes là-dessus beaucoup plus approfondies sur les trafics, les marchandises qui circulent depuis Iguala jusqu'à Chicago. Et ils ont pu prouver qu'il y a des bus qui sont spécialement aménagés pour ces trafics-là. Donc c'est une hypothèse très importante parce que dans l'enquête, il y a un autobus qui était disparu dans l'enquête, on ne sait pas trop comment, pourquoi. Et ils mettent en question cette évidence. Ils ont prouvé aussi par rapport à toute l'enquête qu'il y a eu sur la visibilité qu'ils ont fait sur les vidéos, que les étudiants ils étaient agressés et fait disparaître. Ils ont fait disparaître ces personnes par les militaires et par la gendarmerie. Est-ce qu'ils prouveraient une implication directe de l'État et qu'on peut qualifier de disparitions forcées, hein, l'implication directe des trois niveaux étatiques, fédéral et militaire. Ce sont les preuves accablantes de cette vérité historique donnée par l'État en janvier 2015. Oui, ce qu'on appelle la vérité historique, c'est la version gouvernementale. Et alors, pour quelles raisons, parce qu'il y a des hypothèses, pour quelles raisons est-ce qu'on aurait fait disparaître ces 43 étudiants ? Tu disais tout à l'heure que c'était les écoles normales rurales ont une tradition de résistance. Est-ce que ça peut être lié à ça ? En fait, justement, la version qui est en train de circuler, bon, qui est dimanche, dans les communiqués de presse qui aura lieu par les groupes d'experts, il se dit qu'en fait, c'est justement un ou deux de les bus, un bus qui n'en parlait pas dans la première enquête du gouvernement. Apparemment, il pourra avoir transporté de la drogue, notamment de l'héroïne, et notamment parce que cette région du Mexique, c'est la principale producteur de l'héroïne, qui transportait l'héroïne depuis Iguala à Chicago. Et du coup, il devait absolument arrêter les bus où il se trouvait la meilleure part de les étudiants avant qu'ils sortaient d'Iguala. Et on ne pouvait pas partir de ce bus. Et du coup, s'il se part avec les bus, c'est déjà des intérêts assez grands pour les narcotrafiquants et tout le niveau de la police qui sont en train de travailler avec. Ça, notamment, ça sera la première principale raison pour laquelle avoir cette répression si forte au niveau de disparaître 43 étudiants. Et tu disais pourquoi ils ont disparu, ces 43 étudiants ? Ben, il y a des chercheurs au Mexique qui ont dit qu'ils les ont disparus parce qu'ils pouvaient, parce qu'ils l'avaient déjà fait avant, parce qu'ils le font assez quotidiennement dans d'autres régions du Mexique, en particulier à Iguala. Suite à la disparition des 43 étudiants, plusieurs dénonciations ont été faites et plus de 350 personnes ont été disparues dans la région de Iguala dans les 5 dernières années. Alors, ce qui s'est passé avec ces 43 étudiants, c'est qu'on n'a pas pu couvrir cette affaire comme si c'était un affrontement entre cartels de la drogue, parce que c'était clair que ces étudiants, ils n'étaient pas armés et c'était des étudiants politiquement engagés. Alors, ça a pris une ampleur qu'on ne s'attendait pas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu silencier cette affaire et clore l'affaire comme ils ont voulu le faire 2 mois après la tragédie. Cette affaire, on peut dire que d'une certaine manière, elle est assez emblématique en fait des liens de complicité en fait qui existent à différents niveaux au Mexique entre les autorités, le narcotrafic. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet-là ? Bon, oui, en fait, ça prouve le fait que depuis plusieurs années, les gouvernements et tous les niveaux de police ont été corrompus. Mais pas seulement, c'est pas qu'ils lui donnent l'argent, en fait. Ils font partie de tous les niveaux de négociations, de travail, en fait, de les crimes organisés qui existent au Mexique. C'est pas seulement qu'ils reçoivent l'argent pour partie du crime, ils font partie, en fait. Ils eux-mêmes, ils travaillent, ils bougent, en fait, les crimes, ils bougent le trafic, en fait. Et en particulier sur ce cas-là des étudiants de Ayotzinapa, on sait très bien que le maire de Iguala, il était lié au cartel de la drogue, que sa femme, les frères de sa femme étaient liés au cartel. C'est difficile de penser que c'est le gouvernement fédéral qui a donné l'ordre de disparaître les étudiants, mais ce qui est clair, c'est que le gouvernement, il a fait tout ce qui était possible pour clore l'affaire, même sans arriver à la vérité. Et ils ont arrivé à manipuler les preuves, à fabriquer des coupables. Et on a trouvé un os d'un étudiant qu'on a réussi à identifier. Mais on ne comprend pas comment il est arrivé là. Alors, ce qui nous donne à soupçonner que le gouvernement est en train de protéger les vrais responsables de ce crime. Je reviens sur la même situation, c'est que en fait cette disparition des 43 a mis en lumière une complicité d'État, une complicité, une corruption et surtout l'impunité dans tous les faits. La corruption et l'infiltration au plus haut niveau de tous les cartels de la drogue. Donc, je répète ce que disait ma compagnie Aki, c'est que l'État, les dirigeants, les généraux militaires, ils font partie de la direction et des organisations mafieuses. D'accord ? Donc c'est une preuve, c'est évident pour nous, pour les peuples mexicains. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc demain, vous allez être présent place de la République avec une action. Vous menez beaucoup d'actions en fait pour qu'on n'oublie pas ces 43 étudiants et aussi, je présume, pour que depuis la France, depuis l'Europe, il y ait quand même une sorte de pression qui s'exerce sur le gouvernement mexicain. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait ce que vous attendez, ce qu'il est possible de faire ? Bon, en fait. Oui, nous, on travaille en partie avec des autres collectifs parisiens, français, et notamment avec Amnesty et ACAT, et avec lesquels on a déjà signé des communiqués pour demander la présence de cette groupe d'experts qui sont en train de faire un peu l'enquête alternative à celle du gouvernement pour qu'ils soient invités au Parlement européen. Et il a eu des soutiens pour partie de certains gouvernements, Allemagne, Danemark. Mais ce qui se passe avec la France est aussi un cas spécial parce que, en fait, notamment le 14 juillet dernier, de 2015, le président du Mexique, Peña Nieto, a été l'invité d'honneur à la cérémonie du 14 juillet, au défilé du 14 juillet. Du coup, la France n'a pas eu cette pression pour, avec le gouvernement mexicain, de trouver et de clarifier les cas. En fait, aussi, il faut parler que la relation économique entre le Mexique et la France est assez forte et ça continue à exister sans aucune, doute, sans aucune questionnement sur ce qui se passe en termes de violence et de disparition forcée au Mexique. Et aussi, ça existe un accord d'armement. En fait, depuis que Peña Nieto arrive au pouvoir, c'est créé un gendarmerie mexicain qui a été entraîné par la gendarmerie française. Aussi, il faut parler que la France, elle vend des armements au Mexique, des hélicoptères et des flashballs qui sont utilisés contre les manifestants. Du coup, oui, on a le soutien de certains collectifs, des mobilisations indépendantes, mais tout ce qui est parti gouvernement, la France n'a pas mis la pression sur le gouvernement mexicain. Je pense qu'il est, primordial pour que lumière soit faite au Mexique et les droits de l'homme soient au cœur des discussions, des accords. C'est la mobilisation internationale. Mais focaliser surtout sur les... sur réussir que les gouvernements européens, français notamment, fassent pression pour demander respect aux droits de l'homme, qui n'est pas le cas jusque-là. C'est très important de mobiliser, donner une visibilité au niveau international. Tant que les gouvernements européens ne fassent pas de pression et surtout de... comment on peut dire... pas des répressions, mais qui conditionnent ces accords pour trouver, pour pressionner au gouvernement mexicain de donner une réponse concrète à ce qui s'est passé avec les 43, il n'y aura pas une réponse d'État. Une autre chose importante, c'est aussi la mobilisation dans les sein même de ces organisations populaire mexicaine pour qu'ils réussissent à faire un bloc commun, une unité des pressions internes pour que la population civile, la mobilisation réussisse aussi à faire une pression importante en parallèle avec la pression internationale que nous essayons de mener ensemble, pas simplement en France, mais aussi au niveau des coordinations des collectifs européens. Merci beaucoup à tous les trois. On va bientôt devoir se quitter, mais est-ce que vous pouvez annoncer ce que vous allez faire demain sur la place de la République et inviter les auditeurs à vous rejoindre? Oui, bien sûr. On invite tout le monde. On va être ici à partir de 16h avec toutes sortes de collectifs de Mexicains. On va être avec les broderies pour la paix. On va broder et les broderies pour la paix, ce qu'ils ont fait en fait depuis des années, c'est broder les noms de toutes les gens qui sont disparus au Mexique depuis... la guerre contre le narcotrafic a commencé. C'est 2006. Depuis 2006. Et on brode les noms des gens disparus. Les noms des 43 étudiants, ils sont déjà brodés. Mais on continue à broder les noms des femmes disparaîtres, de tous les gens qui sont disparus. Et on va être ici à continuer la même action. On va donner des informations. Et si c'est possible, on va essayer de parler dans l'Assemblée pour informer ce qui va se passer dimanche avec les communiqués. Et ce qui suit, en fait, tout ce qui suit. Et on invite tout le monde. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre réseau social, Facebook. On est comme Collectif Paris Ayotzinapa. Et sur Twitter, c'est pareil, le Collectif Paris Ayotzinapa. Tu veux ajouter quelque chose? Oui. Nous, on veut insister que le cas d'Ayotzinapa, c'est un crime d'État. C'est-à-dire que l'État mexicain ne peut pas être juge et parti dans cette affaire. Alors, nous, on veut insister à la pression internationale parce que le gouvernement mexicain mène une campagne de diffamation contre les défenseurs des droits de l'homme, en particulier contre ce groupe d'experts indépendants qui va finir son mandat le 30 avril. Et on vous invite à nous accompagner demain pour montrer notre soutien à ce groupe d'experts. Juste pour vous rappeler quelques chiffres, au Mexique, on compte 26 000 disparus, c'est-à-dire beaucoup plus ce qui a plus représenté la dictature argentine et chilienne. La dictature argentine, on compte 33 000 disparus en 7 ans de dictature. Le Mexique, on ne peut pas parler d'une dictature. Hein. C'est ça bien le problème. Le Mexique, c'est un pays démocratique, entre guillemets. Et c'est un grand, grand, grand problème à essayer de faire transparaître et faire connaître. 26 000 disparus, 170 000 exécutions et morts. 170 000, c'est une guerre qui ne dit pas son nom et qu'on ne se connaît pas. Vous allez à Alep, vous avez les bâtiments détruits et complètement en guerre. Le Mexique, la guerre, c'est l'intérieur, c'est dans la société. Vous pouvez percevoir ces manques, ces tissages sociaux décomposés hein, par les crimes organisés, par la corruption et les injustices des crimes d'État, des crimes non résolus et d'impunité. Merci beaucoup à tous les trois. On vous retrouve donc demain sur la place de la République à partir de 16h. On va maintenant repartir à l'Assemblée Générale et juste après, dans le studio de Radio Debout, on retrouvera Clémentine Autain. Alors on débrouille tous ensemble pour récupérer le matos. On use de réseau, on appelle les copains. T'as pas un camion, t'as pas ci. Mais là, vous tous, 2000 personnes là, vous pouvez, demain, il peut y avoir 10 stands à prix libre avec de la bouffe végane, de la bouffe végétarienne, de la bouffe normale. Et ça pourrait changer les choses. Parce que pourquoi ? Parce qu'avec cet argent que vous allez faire, vous allez pouvoir faire des actions. C'est-à-dire acheter du matériel pour ouvrir des squats, ou pour faire des soupes populaires, ou pour changer les choses à votre échelle. C'est-à-dire que vendre à prix libre, c'est-à-dire donner l'accès à tout le monde pour manger, ça peut vous permettre à vous de faire des actions financées par ce prix libre. Donc du coup, on change tout, la boucle est bouclée. On n'est pas financé, on s'autofinance. En même temps, on donne du respect et de l'humanité aux autres, parce que le prix libre, c'est aussi ça. Donc, on peut tous, demain, venir avec de la nourriture, des salades et les vendre à prix libre. Donc voilà, dernière chose. Aujourd'hui, on n'a pas pu faire les crêpes, parce qu'on a eu un problème technique. Mais demain, on fera des crêpes vegan et pas vegan au stand ZAD là-bas. Et donc, si vous voulez nous aider pour nous ramener de la nourriture, parce qu'on finance tout de notre poche, c'est pas par les dons. Donc, si vous avez ramené du fromage, des œufs ou de la nourriture vegan, du lait, de soja ou d'amande, eh bien, on cuisinera avec et on le fera à prix libre. Voilà. Okay. Du coup, j'appelle Amélie qui va nous parler du terrorisme d'État. Bonsoir, je m'appelle Amélie, je suis juste une étudiante, je parle au nom de personne, j'appartiens à aucun mouvement, aucun syndicat, aucun parti politique, donc voilà. Vous m'entendez ? Ok, donc bon, vous avez tous remarqué, à moins que vous viviez dans une caverne, que depuis le 7 janvier, depuis le 13 novembre, on nous parle tous les jours de terrorisme, que ça soit par les politiques ou par les médias. On nous abreuve de titres, vivre sous la menace terroriste, la machine Daesh, etc. Mais moi, ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est du terrorisme d'État. Alors, le terrorisme d'État, c'est peut-être un concept, je sais pas, j'ai peur de dire des banalités, des platitudes que vous savez déjà, mais le terrorisme d'État, pour avoir passé un petit peu de temps, par exemple au Mexique, ça se traduit par quoi ? En fait, le terrorisme d'État, c'est une violence systémique et organisée qui est exercé par l'État, qui est exercé par l'État, et ce, dans un cadre totalement légal. Pourquoi ? Pour préserver les intérêts de l'État qui ne sont pas les nôtres, et pour préserver un statu quo. Et même si en France, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de terrorisme d'État, ben, pas encore. Moi, je commence à voir certaines dérives qui sont très inquiétantes. Ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par une violence policière, ça se traduit par une stigmatisation, par la désignation de bouc émissaire, ça se traduit par le mensonge, par prendre les gens pour des cons, ça se traduit par la propagande, il suffit de regarder autour de vous, dans le métro, l'armée de terre qui recrute, la marine qui recrute, ou je sais pas quoi encore. Ça se traduit par des atteintes à la liberté de la presse. La France, on commence à se déclasser dans leur classement là, de la liberté de la presse. Quand on a des gros groupes comme Bolloré qui rachètent tous les journaux, quand les médias ne disent plus ce qu'ils veulent, ça se traduit par beaucoup de choses. Par la surmilitarisation et le surarmement des pays. quand on sait par exemple que Enrique Peña Nieto, le président du Mexique, un État terroriste, était l'invité d'honneur au 14 juillet, il y a des questions à se poser quand même. Quand on a un espèce d'autocrate qui nous sert de Premier ministre, qui veut nous prôner les bonnes valeurs françaises, les bonnes valeurs républicaines, qui va nous expliquer ce que c'est que d'être français, ce que c'est que d'avoir des valeurs républicaines, que c'est comme ça et pas autrement. Quand on relaxe des policiers qui laissent crever deux gamins dans un poste électrique, quand on a des bavures policières qui restent dans l'impunité, quand on a un gouvernement parjure, des ministres qui nous mentent, qui nous embobinent, qui nous ensucrent l'esprit, voilà ce que c'est le début du terrorisme d'État. Et je crois qu'on est sur une bien mauvaise pente. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les mouvements protestataires, les mouvements sociaux, la jeunesse, on est victime d'une grosse campagne de décrédibilisation de la part de cet État et de ce gouvernement qui veut prendre les gens pour des cons et qui veut préserver ses intérêts. Et il compte sur l'ignorance du peuple, sur l'apathie et sur la paralysie. Et c'est toujours comme ça que ça a été, mais ils savent pas et ils ont peur de nous. Ils savent pas qu'aujourd'hui, on est là. Et s'ils essayent de nous décrédibiliser comme ça, de dire qu'on est qu'on a une ambiance bon enfant et qu'on n'est pas dangereux, c'est justement parce qu'on leur fait peur. Donc voilà, il faut rester, il faut continuer le mouvement. Faites ce que vous voulez, mais agissez. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas ensucrer. Et ne vous dites pas que peine est perdue, parce que c'est pas vrai. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne soirée. Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout. Jusqu'à minuit. Venez maintenant. Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout. Jusqu'à minuit. Vous êtes toujours sur Radio Debout, radio en direct de la place de la République pour la nuit debout, ici sous la tente, où il s'est mis un petit peu à pleuvoir, mais visiblement ça s'est arrêté. Ici sous la tente, les gens passent, il y a des gens qu'on invite, il y a des commissions qu'on invite, il y a des gens pas connus, des gens de nuit debout, des gens qui font partie des commissions, il y a des gens qu'on n'invite pas à rester. Et puis tout à l'heure, il y a Clémentine Autain qui a été attirée par notre petit pot de fraises sur notre petite table qui est passé, et puis le chef d'antenne de ce soir lui a dit de rester. Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Alors ici on est dans le mouvement Nuit Debout, un mouvement qui est très politique mais qui n'aime pas trop les politiques, qui n'aime pas du tout les politiques professionnelles. Alors t'es pas une politique professionnelle, mais en tout cas qui n'aime pas les figures médiatiques politiques. Comment tu te sens toi là-dedans? Moi je me sens bien, c'est pas la première fois que je viens et... Non, je me sens à l'aise. Après, je comprends tout à fait la défiance qui existe aujourd'hui à Nuit Debout et dans la société en général à l'égard des figures qui incarnent la politique représentative aujourd'hui, parce que malheureusement, on est dans une société où cette démocratie représentative ne représente quasiment plus qu'elle-même, qu'il y a beaucoup de déceptions dans le pays à l'égard de formations politiques qui ont pris le pouvoir au nom de certaines idées et qui en ont mis d'autres en place. Donc je comprends cette déception et je pense qu'on est dans un moment de crise où le système institutionnel est complètement à plat, il est moisi même en vrai. Mais toi, voilà. Toi t'y crois encore? Je crois quoi? Je crois mes idées surtout. À ce système auquel tu participes, t'es aujourd'hui élu conseiller. Non, je pense qu'il faut le mettre à bas. Non, je dis franchement, je pense qu'il faut le mettre à bas. Il faut changer le système politique. Il faut changer de république. Alors le terme de 5e république, de 6e, enfin de 5e pour passer à une 6e république est totalement galvaudé parce qu'on a l'impression que ce serait une simple continuité. Mais il faut un processus de type constituant pour redéfinir des règles d'organisation de notre système institutionnel qui aujourd'hui est littéralement à bout de souffle. Donc ce que je trouve intéressant dans Nuit Debout, c'est que ça pose cette question démocratique et que c'est un des points de départ pour mener une politique qui permette de rompre avec tout ce qui aujourd'hui, moi, me révolte, aussi bien l'austérité, la logique du profit qui prime sur la vie digne, sur l'égalité. Donc tout le consumérisme aussi, le productivisme qui est beaucoup dénoncé, si je comprends bien, dans Nuit Debout, les discriminations, toutes les politiques d'émancipation humaine qu'on veut mener ne peuvent être menées, je crois, sans qu'il y ait un espèce de rupture franche avec la 5e République, avec notre système institutionnel. Donc c'est quand je dis je me sens comme un poisson dans l'eau ici, c'est que j'entends ça, j'entends cette revendication-là comme première. Donnez-nous la parole, arrêtez de l'accaparer, arrêtez d'être dans votre monde, dans une bulle. Et j'ai l'impression que c'est un des premiers messages. Donnez-nous la parole, écoutez-nous. Toi, quand tu viens ici, tu participes aux commissions, tu prends part à l'AG, à des choses, ou tu attends de voir ce que ça va donner, Nuit Debout, pour peut-être après être une sorte de reflet électoral, j'en sais rien. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça donne déjà. Je fais partie de ceux qui pensent que Nuit Debout a changé le climat dans ce pays. Il y a quelques semaines, c'était l'irrésistible ascension du Front National qui dominait, c'était le débat sur l'islam, et avec Nuit Debout, avec aussi la mobilisation contre la loi El Khomri, mais aussi un parfum plus profond qu'on a vu avec la bataille Air France ou les Goodyear, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la contestation sociale qui est en train de se muscler dans ce pays, et Nuit Debout en fait partie. Donc pour moi, ça change déjà le climat. C'est un moment de politisation, de réappropriation de l'espace public, de la parole, dans un moment où, enfin, ça fait partie des choses formidables de Nuit Debout, où il y a le gouvernement qui a prolongé l'état d'urgence. On est en période d'état d'urgence et d'un seul coup, voilà, des milliers de citoyennes et de citoyens partout en France, parce que c'est pas que Place de la République, qui disent bah non, nous on a envie de sortir, on a envie d'être ensemble, on a envie de parler, on a envie de construire des alternatives politiques. C'est ça qui se passe. Et en soi, ce que je veux dire, c'est qu'en soi, ça change le climat. Alors après, ce que ça va donner est un vrai débat, c'est pas pour éluder ce débat-là, mais je dirais que déjà pour moi, il y a un déjà là dans cette affaire. Mais quand tu dis tu te sens comme un poisson dans l'eau, il y a quand même ce truc ici vachement présent à Nuit Debout qui est de mettre à mal le politique, le système électoral dans lequel toi tu t'inscris et dans lequel tu crois encore. Quand je disais tu crois encore au système, je parlais pas forcément en général. Non, mais ça j'entends bien. Après il y a des débats. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je nie pas les débats dans Nuit Debout avec certains qui bon, d'ailleurs les points de vue sont... Quand on écoute dans les AG, il y a des points de vue très, très divers. Il y a beaucoup de ni droite ni gauche, par exemple. Moi, je crois, par exemple, au terme de gauche, même si je vois bien qu'il est totalement... il a perdu de son sens et de sa saveur. Donc, je ne sais pas tout à fait ce qu'il faut entendre toujours dans le ni droite ni gauche. Est-ce que c'est on veut plus de ce système politique, quelque part, hein, et des référents. Voilà, c'est ça. Bon. Mais, quelque part, on est en train, à Nuit Debout, de remplir le mot gauche. Et d'ailleurs, quand on voit la liste des commissions qui sont mises en place, pour moi, il n'y a pas tellement... d'ambiguïté sur le sens, en tout cas, qui est un sens qui est du côté de l'émancipation humaine. Pour moi, il est de gauche parce qu'il y a des ateliers LGBT, France-Afrique, sur l'anticapitalisme. Enfin, je trouve qu'il y a une tonalité qui, pour moi, est ce que je mets dans le mot gauche. Donc il y a ce débat-là. Et il y a évidemment un débat sur est-ce que ça sert à quelque chose d'aller voter. Est-ce que c'est pas juste, finalement, de se mettre sur les places et d'essayer de rêver à un processus de type la commune qui renverse le système. Bon, voilà. Pour moi, c'est des bonnes questions. Parce que je veux dire, c'est des bonnes questions. Ma conviction, et ça peut avancer dans Nuit Debout, et sans doute qu'il n'y aura pas un consensus entre toutes les personnes qui sont là pour trouver quel va être le chemin et est-ce que ce chemin peut être en partie un chemin qui va vers les urnes. Mais quand je dis en partie, j'y tiens. C'est-à-dire que les urnes, ce n'est pas que les urnes. Il faut qu'il y ait de la mobilisation sociale. Il n'y a pas de transformation nulle part sans mobilisation sociale. Donc c'est pour moi l'un et l'autre et pas... Et même enfin, moi, je fais en triptyque, ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait des mobilisations sociales, il faut qu'il y ait des batailles idéologiques au sens gramscien du terme, il faut qu'on arrive à reprendre l'hégémonie culturelle et gagner dans les urnes, parce que je pense que c'est le moyen justement de renverser déjà le système institutionnel et de combattre les logiques de domination, d'exploitation que nous ne voulons plus. Donc il y aurait le mouvement social, la loi El Khomri, ici Nuit Debout, et puis un chemin vers les urnes que toi tu représenterais. Que tu aurais envie de représenter. Je pense que s'il faut en finir avec la monarchie... Quand je dis toi, je parle de ta famille politique. Nous, et je tiens au nous, hein, pour le coup, parce qu'on est dans un moment où la monarchie présidentielle, elle est remise en cause, et a raison. Et a raison. Et donc, ce qu'on veut, c'est un nous. C'est quelque chose de collectif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des incarnations. Je crois plus à une logique... je pense qu'il faut un collectif, en fait. Il faut un collectif, alors c'est vrai que sur une présidentielle, il faut une personne pour porter les idées, parce que c'est comme ça encore pour l'instant. Mais je crois que ce nous, il s'incarne aussi dans des personnalités, dans des gens qui viennent d'horizons différents, qui parlent différemment, qui ont des sensibilités différentes, et je crois assez à la dimension collective. Alors, des personnes qui incarnent ces idées, mais on le voit même ici, ce qui s'est passé il y a deux jours à l'AG à la Bourse, réunis par les figures qui ont un petit peu initié Nuit Debout. Il y avait Ruffin, il y avait Lordon, il y avait Serge Halimi du Monde Diplomatique. Mmh. Et finalement, ils ont posé leur idée de faire une grosse convergence entre Nuit Debout, entre le mouvement social, entre les syndicats. Mais à la fin de cette Assemblée Générale, il y a eu quand même un décalage avec Nuit Debout, avec les gens de Nuit Debout qui ont une manière de débattre, une manière d'organiser les assemblées générales, qui ont voulu prendre la parole et on ne leur a pas permis. Ruffin, même physiquement, a repris le micro aux gens de Nuit Debout pour leur dire on n'est pas là pour faire des assemblées générales libres. Donc à Nuit Debout, il y a aussi le rejet de ces représentants, de cette bureaucratie, même s'ils sont sympathiques, même s'ils sont proches idéologiquement. Je n'étais pas à l'AG, donc je ne sais pas exactement ce qui est passé. J'en ai lu des comptes rendus. Il y a la vidéo qui est en ligne. Je n'ai pas regardé la vidéo, je reconnais, mais peut-être qu'il faut que je fasse ça. Ce qui est sûr, c'est que y a une demande, il y a une exigence d'horizontalité aujourd'hui, de démocratie directe même parfois. Mais dès qu'on passe à des échelles un peu importantes, on voit bien qu'on a du mal à faire sans la délégation, sans la représentation. Alors elle n'est pas parfaite. Et il faut trouver sans doute des modalités un peu différentes entre le vertical et l'horizontal pour arriver à être à la fois efficace, à avoir un système malgré tout de représentation, parce que je ne sais pas sinon comment on peut avancer, progresser, et qu'il y ait une légitimité dans les processus qui permettent ces représentations. Aujourd'hui, il y a une crise de défiance dans les processus de ces représentations-là. Et donc, c'est ce qui se cherche, je crois. Et dans le conflit qui s'exprime, je pense que ça met en scène cette difficulté dans laquelle on est, mais qui est en fait de retrouver du sens, enfin pas du sens, mais des processus de légitimation de ceux qui aujourd'hui, de ceux ou celles qui nous représentent dans un mouvement, qui soit un mouvement commun porteur de nous. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a une dimension évidemment théorique et qu'on cherche la déclinaison pratique. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas, en écartant totalement tout processus de représentation ou de délégation. On a bien compris. À court terme. À court terme. Même si je pense qu'il faut garder l'utopie lointaine. Mais les utopies, j'aime bien cette phrase d'Eri De Luca, le romancier italien, qui dit « L'utopie, ce n'est pas l'horizon, c'est le point de départ. » Et c'est peut-être cette idée-là, toute simple, que Nuit Debout est aussi en train de raviver. Commençons déjà par savoir où est-ce qu'on veut aller. Et ce qui est revendiqué, c'est une démocratie véritable. Alors, quel est le chemin pour arriver à cet idéal, surtout quand on veut raisonner à des millions, parce que la démocratie directe, espèce d'autogestion, ça peut marcher à 10, 15, 100, peut-être quelques centaines. Est-ce qu'on est capable de le faire sur des dizaines de milliers? C'est quand même beaucoup plus compliqué sans passer par un biais de représentation. On peut avoir l'utopie de communes et de relocaliser complètement la politique au niveau du quartier, en tout cas de la commune. Sauf qu'on voit bien qu'il y a des logiques nationales, voire internationales, européennes, qu'il faut réussir à briser. Et donc ces échelles-là, on ne peut pas totalement les gommer. Donc comment on fait du commun, même entre les différents collectifs qui peuvent exister. C'est ça la question. Comment on les met en commun, en interconnexion? Et donc là, il y a forcément quelque chose de l'ordre du processus de la délibération collective. Et c'est en panne. Et donc, Nuit Debout nous interpelle pour chercher quelle peut être... Parce qu'en gros, on vient d'un 20e siècle où les partis ont été des partis très pyramidaux, très hiérarchiques. Et que ça fonctionne plus. Mais en même temps, on cherche quelle peut être la nouvelle voie qui permet à la fois d'être efficace, d'être représentée, d'être actif, mais qui respecte les individus. C'est une quête aussi d'articulation nouvelle entre l'individu et le collectif. C'est ça qui se cherche, et je pense que c'est juste que ça se cherche, et parfois ça se cherche dans le conflit, et ça me paraît assez normal. Pour terminer, avant que tu interviennes, il y a une personne de Nuit Debout qui était là sous la tente, un petit peu par hasard, de la radio, qui a dit « Ah cool, quelqu'un de connu dans cette radio, dans cette Nuit Debout. » La dernière personne connue qui était venue ici, c'était Finkielkraut. T'as pas eu peur d'avoir le même sort? Non, j'ai pas eu peur d'avoir le même sort. Non, alors je dois reconnaître que il prétend l'inverse, mais je ressens une forme de provocation dans la venue de Finkielkraut. Si moi je m'étais pointée à la Manif pour tous, je suis pas sûre que j'aurais reçu un accueil super, super chaleureux, quoi. Donc je pense qu'il le savait et que de ce point de vue, il y avait une forme de provocation. Et pour moi, l'altercation, elle était inéluctable. Il y avait forcément des gens qui estime que son discours à lui est un discours insultant pour une partie de la population et qu'il n'a pas sa place à Nuit Debout. Donc que les médias se soient rués là-dessus et qu'ensuite on ait profité pour expliquer qu'en gros Nuit Debout est une fabrique à Pol Pot, parce que c'est quand même ça qu'on nous a raconté, je pense que voilà, il faut... Bon, c'est un épisode qui est malheureux quand même, hein, parce que évidemment l'insulte n'est pas une bonne façon de débattre et de défendre ses idées, mais en même temps, il y avait de la provocation, je pense, du côté d'Alain Finkielkraut. Merci Clémentine Antenne d'être passée dans le studio de Fortune. Merci de à vous. Radio Debout. Et bravo de vous. Bravo Debout. Et on repart à l'Assemblée Générale qui continue à quelques mètres de nous. Radio Debout. Chez beaucoup de gens, mais je pense que quand on respectera les animaux, qu'on respectera la nature, on commencera à respecter les hommes. Et on sortira de ce monde concentrationnaire. Voilà, merci. Avant que Charles A. nous parle de l'évasion fiscale, je vais juste faire un petit appel pour l'action qui se déroule en ce moment même à la Bourse. Ils ont besoin de plus de volontaires pour ceux qui veulent y aller. Charles A. Oui, bonsoir. Donc, je venais à vous afin de proposer une action. Plus fort. Afin de proposer une action. Vous m'entendez bien, là? D'accord. L'idée, C'est simple, on est face à un problème d'évasion fiscale. C'est pas nouveau, c'est chiffré à peu près 80 milliards d'euros par an. C'est une estimation basse. Ça correspond à 2 fois le montant de l'impôt sur le revenu. Autrement dit, s'il n'y avait pas d'évasion fiscale, il n'y aurait pas nécessité de payer l'impôt sur le revenu. Et il se trouve qu'Alexis a déjà parlé de cet amendement tout à l'heure. Un amendement qui a été voté puis refusé à l'Assemblée nationale le 15 décembre 2015. C'était un amendement extrêmement dangereux. En effet, il demandait juste aux entreprises françaises ayant des activités à l'international de publier leurs bénéfices, leurs chiffres d'affaires, le nombre d'employés et les impôts qu'ils payaient dans les différents pays étrangers, paradis fiscaux inclus. Cet amendement a été refusé en 2 temps suite à une suspension de l'Assemblée nationale proposée par le secrétaire d'État au budget. Des députés, durant les 40 minutes de suspension, ont manifestement changé d'avis sur cet amendement. Alors, plutôt que de proposer une manifestation, une pétition ou que sais-je, pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il légifère sur l'inégalité face à l'évasion fiscale, j'ai comme idée, ce qui nécessite qu'un certain nombre de personnes y participent, que les contribuables redevables de l'impôt sur le revenu suspendent leur paiement de l'impôt sur le revenu tant que l'État ne légifère pas sur l'égalité face à l'évasion fiscale. Sachant qu'à l'heure actuelle, ce sont les particuliers les plus riches, les entreprises les plus importantes qui peuvent optimiser, comme on dit, leur fiscalité, sachant que c'est une fuite réelle et intégrale de la nécessité de la contribution publique. Alors, ça peut paraître un petit peu, on va dire, ambitieux. Je tenais juste à vous rappeler qu'il existe un préambule à notre Constitution qui a valeur de Constitution, qui est plus connu sous le nom de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et l'article 14 spécifie que tous les citoyens ont le droit, par eux-mêmes ou par leurs représentants, de juger de la nécessité de la contribution publique, d'y contribuer librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer l'assiette, la quotité et le recouvrement. Si cet article était respecté, il n'y aurait pas de problème d'évasion fiscale. Donc si parmi cette assemblée déjà ici présente, certaines personnes trouvent ça au moins intéressant et souhaitent éventuellement participer à la mise en place de cette suspension de l'impôt sur le revenu, je serai juste à côté et éventuellement, j'invite n'importe quelle personne à venir me voir pour en discuter, car évidemment cette question soulève des problèmes et des questions que je n'ai pas le temps d'éluder dans cette intervention. Merci. Radio Debout, toujours en direct sur la place de la République à Paris. Vous nous écoutez sur radiodebout.net, MixLR Radio Debout. Et petit breaking news, le comité Action attend du renfort. Ils sont en ce moment à la Bourse, métro Bourse, puisque en ce moment même, il y a ce cher Emmanuel Macron qui est en train de faire une intervention à Sciences Po. Et donc, il y a une manifestation qui s'organise devant Sciences Po à Bourse. Il y a besoin d'aide, on vous invite à les rejoindre. On vous invite à les rejoindre et vous pouvez sur le chemin d'ailleurs continuer à écouter Radio Debout bien sûr, puisque nous recevons maintenant une rappeuse qui s'appelle Billy Breloque. Bonsoir Billy. Bonsoir. Donc Billy Breloque, une rappeuse de Nanterre que j'avais donc découvert au festival des transmusicales de Rennes. Donc Billy, je t'ai contacté, t'as répondu à l'invitation. Toi, t'étais déjà passé sur la place de la République ? Ouais, j'étais passé il y a 2 semaines parce que ça me grattait, j'avais envie de savoir à quoi ça ressemblait. Et donc t'étais venu parce que t'avais entendu parler du mouvement ou c'était à l'occasion des concerts, des choses comme ça ? J'étais venu parce que j'en avais entendu parler, que j'avais envie de savoir si c'était aussi grand ou si petit. D'accord. Et puis qu'ensuite je suis passé voir aussi parce qu'il y avait la canaille qui jouait. Et je trouvais qu'il a un répertoire avec des morceaux qui peuvent résonner particulièrement ici. Voilà. Je suis passée. La Canaille, qui est donc un autre groupe de rap de Montreuil, ouais. Donc que tu connais. Toi, on va découvrir ta musique parce que tu vas nous interpréter deux titres là sur Radio Debout. Mais quelles sont un petit peu toi les thématiques autour desquelles tu rappes toi normalement ? Est-ce que c'est particulièrement lié à une thématique politique ou sociale ou pas particulièrement ? Non, je fonctionne pas exactement en termes de quelle thématique. C'est plus, j'ai tendance à, je présente mon rap comme un rap au présent, et donc je regarde le présent, je regarde la gueule de mon époque et l'embarras du choix des sujets à traiter. Mais j'ai pas nécessairement des thématiques récurrentes. c'est plus de... c'est souvent des sujets qui m'attrapent un peu la tête. Ouais, tu commences comme ça par une idée, puis tu brodes et de fil en aiguille. Ça la dépend, chanson, tous les textes sont différents, il n'y a pas une recette identique. Il y a des fois une idée que je voulais absolument raconter, il y a des fois une instru qui m'a plu. Ça dépend, c'est du sur mesure. Toi, tu rappes depuis combien de temps? Enfin, quel âge tu as déjà et depuis combien de temps est-ce que tu rappes? Alors, moi j'ai 30 ans. Ouais. Et je rappe depuis pas si longtemps en fait. J'ai commencé vers 2008-9-10 par là, en pointillé, dans ce point d'année. Et qu'est-ce que c'est qui t'a décidé en fait à commencer à rapper? C'est, ça te démangeait depuis longtemps, t'écoutais du rap depuis toujours et puis tu t'es dit un jour, allez, je passe à l'action? Ou c'est des textes que tu avais dans ton coin et tu t'es mis à les chanter? Eh ben, j'écrivais depuis un moment. J'écrivais avant, j'écris plus des choses de théâtre. J'aimais bien écrire depuis longtemps. Et puis j'avais des potes. Souvent le rap, c'est une histoire de contamination comme ça. Et j'avais des potes qui rappaient et qui m'ont donné envie. Et puis voilà. Et alors, c'est peut-être une question cliché. Si elle est cliché, tu y réponds pas et c'est pas grave. Mais le fait de commencer à rapper quand t'es une fille, ça a changé quelque chose ou ça a été c'est complètement naturel? C'est une question naturel. Super cliché qui est sous trop, du coup on la laisse de côté, tu la poseras à quelqu'un d'autre. Très bien. Du coup, maintenant qu'on a fait la question cliché, je pense qu'on va pouvoir passer à la chanson, qui est un des premiers titres qui t'a fait connaître, qu'on peut retrouver sur YouTube, qui s'appelle La Bâtarde. Non, Bâtarde tout court. Bâtarde tout court. Ouais. On va la lancer tout de suite, tu veux l'interpréter sur le plateau, c'est bon, t'as pas besoin d'échauffement particulier au niveau de la voix? Non, c'est, j'ai fait les tractions. T'as fait les tractions et tout. Donc dès que l'instrumental est prête, on va y aller tout de suite, Billy Breloque sur Radio Debout. Sale cabote, trou de capote, branche le spot, je suis une bâtarde, le seum de la fête, un strum à trois têtes, archem au mazette, je suis une bâtarde. J'ai tout emprunté, même ma vie d'article, je suis tourmenté quand je jouis sa gicle. Aux yeux de ce pisseux et pompe qui préfère ne rester qu'entre parce que leur milieu c'est mieux. Comme tu veux crevard, reste entre toi. Prends-le-toi dans le noir et après lèche tes doigts. Les consanguins, j'en fais de la contrefaçon. Donc si tu gagnes que tes cousins, ta race est basse. Elle trépasse vu que je fais sanguin. Je suis né d'un tas de cendres, d'un sanglot florissant, d'un sang froid, d'un sang d'encre. Je ne suis pur qu'à 3%. Je suis une bâtarde d'avant-garde, mais déjà ringarde. Je suis une bâtarde jusqu'au fond du myocarde. Une putain de femme à barbe, une timide plutôt bavarde. Je suis une bâtarde. Si je fais exprès, c'est souvent par mégarde. Eh, si jamais tu veux qu'on se rencarde, eh bah gère et je me balade avec les chiens du RIMAC qui ont leur code et leur couille dans les l'estomac, qu'on ne caresse qu'à coups de claque et qui lave et qui se lave et se miroite dans les flaques. Arrête de te prendre pour le fils à Tupac Amaru. Est-ce qu'on t'écartèlerait en quatre pour ton courroux? Tu connais pas Manco Capac et à peine le Pérou commence par passer un de ces quatre black par Koukoulou. Je suis trempé dans trop d'histoires, j'ai traîné à trop de comptoirs, c'est trop tard, je suis très car quand je fais la tournée d'espoir. Alors je me tape mes chills et je baise avec le vent, vu que je suis rate des villes autant que je serais chatte des champs méchamment détergente. Si tu chantes, tu m'enchantes, mais si tu me tentes, tu prends la tangente. Je suis pas de souche à la sourde, j'enchaîne couche, j'éclate. Je rappe pas pour ceux qui se touchent et quand j'accouche c'est par la bouche. Alors j'ai tout sali et tout retourné, mais on m'a mal poli et depuis j'ai comme une envie de me venger. Contre qui je vais trouver? Donc tant pis si je t'ai visé, mais mon ami ici faut pas traîner. Je suis pas à l'abri de ma propre garde, un cauchemar même si je me farde. Planté comme une écharde, je suis une bâtarde et je tape des barres de chagrin. Quand je me couche tard le matin, je me cale avec les miens, ça dérègle sur tous les terrains. Je suis la fille de deux siècles, y'a des jours ils se la check, se lâche deux trois becs et passe manger un cake. Puis le lendemain ça se renvoie à l'échec, s'introspecte, se contrespecte sur des becs et se touche. Alors on sait plus vraiment, est-ce que c'était mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant, ou est-ce qu'il faut encore du temps? Et c'est quand le présent, et c'est quand qu'on rentre dedans, et c'est quand qu'on range les dents. Bon augure et mauvais présage, batifolais dans une grange et m'engendrais sur le bas. J'ai grandi et depuis je m'en dégage, mais je reste le fruit de leurs échanges et le bruit de leurs débats. Et ça fait sale cabote, coup de capote, branche le spot. Je suis une bâtarde, je suis une bâtarde, le seum de la fête, un strum à trois têtes, archem au mazette, je suis une bâtarde. Je suis une bâtarde. En équipe, bande de bâtards. En équipe, bande de bâtards. Je suis une bâtarde. Et on vient d'entendre en direct sur le plateau de Radio Debout Bâtarde de Billy Breloque, brillamment interprété. Les gens applaudissent autour de la table, même si vous ne l'entendez pas dans le micro. Merci Billy, donc ça c'était le premier titre qui t'avait un petit peu fait connaître, on va dire, Bâtarde. Les thématiques qu'il dresse, c'est une manière de te présenter toi en fait dans cette chanson? C'est en effet une occasion de faire des présentations. C'est aussi un morceau très, très anti-pure souche et très anti... C'est une Marseillaise de nouvelle génération. C'est l'idée d'être au carrefour de plein d'ingrédients. Alors bah justement, être au carrefour de plein d'ingrédients, c'est un peu la thématique aussi de la Nuit Debout à la Place de la République. Toi, tu disais que tu étais venu parce que tu en avais un petit peu entendu parler. Toi, tu es à Nanterre. À Nanterre, il n'y a pas encore eu, on va dire, un mouvement Nuit Debout à Nanterre. Je sais pas. Tu sais pas s'il y en a eu, en tout cas. Je suis pas au courant. Peut-être qu'il y a déjà eu des gens qui se sont retrouvés pour proposer quelque chose comme ça. Je sais pas tout ce qui se fait à Nanterre. Si jamais c'est le cas, je passerai avec plaisir. Mais je sais pas encore. Je sais pas si c'est déjà... bricoler quelque chose. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de venir ce soir jouer sur ce plateau, Place de la République, à la Nuit Debout? Ça me faisait plaisir. Je me disais que j'avais peut-être bien un ou deux morceaux à faire partager. Et puis ça me faisait plaisir de repasser. Comme je te disais, j'étais déjà venue il y a deux semaines. Du coup, ça me disait aussi de venir voir comment ça avait continué. Et puis voilà, c'était... Non, et puis après c'était clair, c'était vachement important aussi pour nous qu'il y ait de faire écouter différents types de musique, parce que bon, toutes les musiques actuelles sont convoquées sur le plateau, donc le rap il y avait bien évidemment sa place. Toi, t'as pas encore sorti d'album, je crois que t'as juste fait un EP, il y a un premier album qui va être préparé. Ouais, j'ai rien annoncé, il y a un EP qui est sorti à un moment et pour le reste on est dans la cuisine et le bricolage. D'accord, etc. Donc toi, est-ce que tu peux, puisque là c'est une radio qui diffuse nationalement, est-ce que tu peux un peu décrire pour les gens qui sont pas là ce que toi tu as vu ce soir sur cette place de la République et les fois où tu es venu précédemment? Alors j'étais venu il y a deux semaines. Je tiens à dire que du coup, à chaque fois je suis venu vendredi et samedi. Je suis pas venu la semaine et il paraît que c'est différent. Donc voilà. Moi je suis venu vendredi et samedi, j'ai vu beaucoup de monde les deux fois sur l'ensemble de la place. Il y a une partie où ça discute plus, il y a une partie où ça écoute de la musique. Voilà. T'as écouté les assemblées générales un petit peu? Je me suis posé une ou deux fois pour prêter une oreille et voir qu'il y avait des tas de prises de parole très différentes, qu'il y avait apparemment une envie ou un besoin de formuler un certain nombre de choses. Il n'y a peut-être pas d'autre endroit pour beaucoup de gens ici où aller déposer ça. Donc voilà, j'ai pu être témoin de ça. Ouais, il y a aussi un lien finalement entre la parole qui se libère comme ça en AG et le rap ou le slam, cette manière de publiquement se réapproprier quelque chose comme ça qui tourne autour du texte. Peut-être que ça peut aussi créer un lien avec le rap et qui fait qu'aujourd'hui on a l'occasion, la chance de te revoir aujourd'hui sur ce plateau. Ouais, je sais pas si ça peut créer un lien avec le rap comme ça en tant que tel. En tout cas, le rap, depuis longtemps, c'est un exercice de l'écriture, des mots, de justement devoir poser ses mots et donc étayer sa réflexion. Et ouais, peut-être qu'il y a un pont là-dessus, mais comme avec plein d'autres, probablement. Est-ce que, donc là, on va passer au deuxième titre que tu nous as interprété. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi est-ce qu'on va... C'est un titre qui s'appelle 12 janvier 2011, qui est la date à laquelle j'ai eu envie de l'écrire. Et c'est un titre qui parle de... ce qui s'est passé en Tunisie à ce moment-là et de cet épisode vu depuis la lucarne de ma télé ici. Des révolutions arabes donc. Voilà. D'accord, ok. On va donc tout de suite écouter ce deuxième titre qui s'appelle donc janvier 2011. Il faut qu'on augmente l'instru. C'est une vague sans précédent qui s'empresse et sort les dents, qui se dépêche, qui se défend et qui se dit prête à sauter dedans. Et s'il faut le faire à coup de pierre, la foule en fait son affaire et fonce d'une force de fer. C'est ça un vrai départ en guerre. Des daronnes, des darons, des banderoles, des cartons, des mots d'ordre fait maison et le Delbord prend du galon. Le peuple encercle un palais qui ne dort pas et fait péter le couvercle de la boîte de Pandore à 17h. Les militaires jouaient les médiateurs, c'est te dire l'humeur amère et les aigreurs du parterre. La chaleur, son cratère, la teneur, ses manières sonnent l'air et l'heure et la colère du rouleau compresseur. Il te putsch, c'est officiel, il te couche, prends ta pelle, creuse ton trou, ferme ta gueule, puis lèche le boule de leurs gueules. Trouble, éclat, coup d'état ou dictat du prolétariat, appelle ça comme tu voudras. Les gars sont juste en bas de chez toi. Ben Ali, descends, allez descends, descends maintenant. Les mecs qui sont bouillants, brûlants, bruyants, ça t'embrouille brutalement. Ça déboule de boucan, ça dérouille de boucan, ça te casse les couilles, on est content. qui sont mendiants, artisans, commerçants, paysans, militants, étudiants, petits parents et grands enfants, qui crient non, non, c'est fini le temps du sultan, en tenant un slogan, c'est tu fous le camp, tu rends l'argent. Ben Ali sort du lit et l'allie au mari aussi, dis-lui de remettre son bikini dans 5 minutes ici, on verra qui est-ce qui va kicker qui esquive et qui sévit, coule ta clique, t'écoutes ce vie, vu que tes képis se font sévit, à coups de cailloux, de crachats, de coulis, de kills, de cocktails, de vessie, sans devis ni compromis, c'est caillasserie sur le pont-levis, on est vendredi et ça sent le crépi, et l'envie de vous clouer au pilori. Mais la France propose ses services, le savoir-faire de sa police, serrer la vis, pousser le sévice à ses novices de Tunis, dresser le fennec, ce sale Salam Alek, l'embroche à sec, pendant qu'il lui galoche la schneck, la France finira au rasoir, c'est pas le destin, pas le hasard, le roi est mort ce soir, et le peuple criait l'histoire, la France finira au rasoir, c'est pas le destin, pas le hasard, le roi est mort ce soir, et c'est planté dans ma mémoire. Mes yeux et mes oreilles s'en souviennent, parce que ça, ça a de la dégaine, parce que leur date, c'est la mienne. Alors faites-moi plaisir, si vous croisez les mecs de Tunis, si vous croisez les mecs de Ouaga, si vous croisez les mecs de Alep, si vous croisez les mecs de Benghazi, si vous croisez les mecs de Tripoli, dites-leur que je vous ai personnellement mandaté pour leur dire qu'il y a de la place en France, il y a de la place en France, il y a trop de place en France. Place de la Bastille, place de la Nation, place de la République, place d'Enfer Rochereau, place Trocadéro, place de l'Opéra, place de la Boule, mon pote. Dites-leur que ça rentre, dites-leur que ça passe, dites-leur qu'il y a de la place, dites-leur qu'il y a de la place. Dites-leur qu'il y a de la place. Dites-leur qu'on va la faire, la place. Et on l'a fait, la place, et on l'a fait, la place à Billy Brelock. Merci beaucoup pour ce deuxième titre, cette deuxième interprétation qui emporte les suffrages sur le plateau de Radio Debout. Il y a de la place, donc sur la place de la République. Merci beaucoup, Billy Brelock, d'être venu ce soir, d'être venu sur le plateau de Radio Debout. On a écouté deux thèmes, un premier, Bâtard, sur le métissage, un deuxième, janvier 2011, sur les révolutions arabes. Deux thèmes qui résonnent quand même aujourd'hui un peu particulièrement sur, sur cette place de la République. Il y a encore de la place, en tout cas il y en aura toujours pour des artistes de cette qualité, je l'espère. Merci beaucoup, Billy, et à bientôt. À bientôt. Merci de m'avoir invité. Et puis, bah, j'espère qu'on en entendra parler plus. Peut-être pas de ce mouvement-là, mais dans les banlieues, ou en tout cas de ce qui se fait dans les banlieues aussi. J'espère que ce sera... Enfin, voilà. Bah, c'est un des enjeux beaucoup de Nuit Debout à l'heure actuelle. C'est le mouvement Banlieue Debout qui commence à se lancer à Montreuil, à Saint-Denis, etc. Et c'est vrai que c'est une des prochaines étapes, on va dire, du mouvement qu'on essaye d'espérer. Donc du coup, chacun à son niveau peut essayer de le faire, que ce soit en habitant, pour les gens qui habitent en banlieue, qui peuvent faire les allers-retours, ceux qui restent là-bas, qui peuvent faire les sur place. Mais ce qui serait chambé, parce que c'est très habituel que ce soit les gens de banlieue qui viennent à Paris, ce qui sera chambé, c'est quand les gens de Paris descendront parce que souvent c'est les gens qui doivent monter à la capitale. Il faudrait que les gens de Paris n'hésitent pas à passer dans la périphérie aussi. Ok, très bien, donc le message est passé. Donc pour les gens de la place de la République, c'est de localiser un petit peu sur la place de Nanterre. Je sais pas qu'est-ce que c'est la place. Je pense que ça peut prendre plein de formes différentes, mais en tout cas faut pas que le périphérique soit une frontière, quoi. D'accord, donc la circonvolution plutôt que les allers-retours verticaux. Merci encore Billy pour ton chant, pour tes interventions ce soir. Et ben merci, et puis Psartec Radio Debout, à la prochaine. Merci. On va tout de suite du coup retourner à l'AG avant d'écouter Tarve qui est en train de faire sa deuxième Nuit Debout. Radio Debout. De l'oppression oligarchique. Autant dire que ce qui arrive en banlieue aujourd'hui finira par se propager, certes différemment, mais avec les mêmes finalités parmi les plus modestes et la petite bourgeoisie. Et la petite bourgeoisie en premier lieu. Alors, excusez-moi, voilà. L'objectif de la France d'en haut, de cette France d'en haut, qui n'est selon moi pas vraiment française, elle est internationaliste, transnationaliste, elle ne respecte pas le droit ici, donc je ne vois pas. Enfin, en tout cas, l'objectif de cette France d'en haut semble être de créer des intellectuels précaires. Elle vise à paupériser les savants réfractaires et les mieux informés, parmi lesquels seuls ceux qui se seront ralliés aux pseudo-causes et pseudo-théories du type de celle de Finkielkraut prospéreraient, où les premiers visés seraient les banlieusards. C'est pourquoi la présence des banlieues à Nuit Debout semble fortement et de toute évidence fondamentale, puisque de toute façon, ce qui se passe en banlieue arrivera et se propagera dans les autres parties de la population française. C'est pourquoi la présence des banlieues à Nuit Debout est fondamentale, sans quoi ce mouvement ne pourrait avoir de suite, semble-t-il. Exclusion, précarité, non-emploi, droit au travail, violence policière, ces problèmes, ça fait 40 ans qu'on les vit en banlieue. 40 ans. Au bas mot, parmi les jeunes de banlieue et leurs parents. Je veux bien. Juste, je te prends ça. Merci beaucoup. Très gentil. Tous les jours, la Constitution, les droits de l'homme, l'esprit républicain n'est pas respecté par les instances de l'État. Et de fait, et par suite logique, climat qui finit par aliéner les populations des banlieues et d'ailleurs. L'aliénation, selon Marx, c'est une théorie, vous pouvez aller voir, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas politisés. Ça fait donc des factions se forment et où l'extrême droite en banlieue trouve son fief électoral. La solution reste donc de faire de Nuit Debout un mouvement des banlieues. Pour ce faire, il n'est pas question d'imposer des modalités à la banlieue. Je reprends les propos de Fania Noël, en fait. Il n'est pas question qu'on impose des modalités à la banlieue. La banlieue doit venir avec ses visages, ses conversations et surtout avec ses propres modalités. Sans quoi, Nuit Debout ne saurait émerger d'une manière juste et durable et réaliste, semble-t-il. Voilà. Donc, nous sommes de la Commission Droits Humains. Il semble qu'il y a un problème de sensibilisation par rapport aux droits. Aujourd'hui, la seule manière de créer l'égalité, c'est de se servir du droit et de former des plaintes en groupe. Des plaintes en groupe, c'est-à-dire des centaines, des milliers de personnes qui construisent des plaintes. Ça s'appelle un dossier de plainte. Sans quoi, il n'y aura pas de résultat, même sur l'avancée du mouvement. Voilà. J'appelle Marie Samba, si elle est là. Sinon, Sylvain F. qui se prépare. Marie. Non, ça va, merci. C'est sympa. Alors. Bonsoir tout le monde. C'est assez impressionnant. Alors, je voulais faire une proposition. Alors, une proposition, le signe, c'est comme ça. Proposition, ça fait un P. Voilà, je vous fais une proposition ce soir. Donc, la proposition, c'est... je fais de la samba depuis 10 ans. J'adore le Brésil. Et je trouve qu'il y a là-bas aussi quelque chose à prendre, c'est le rythme. Donc, je vous propose un rythme. Parce que là, il commence à être tard, tout le monde est fatigué. Moi-même, je finis ma journée, j'ai un petit peu bu, tout ça. Voilà. Non, on n'est pas fatigué, mais il y a aussi un moment où il faut trouver des moments de communion et de relaxation ensemble. Et pour ça, la samba est un bon moyen de communier ensemble. Et la samba, on peut en faire très facilement. On peut trouver des rythmes partout sur son corps, voilà, n'importe où, on peut faire des... Voilà, on peut trouver un rythme. Et souvent, ce qui est pas mal, il y a un rythme que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle la clave. Et c'est un rythme qu'on fait aussi à la fin des réunions, parce qu'il faut savoir terminer une assemblée générale. Je ne sais pas combien de personnes seront là encore à la fin, mais il y a un moment où on dit c'est la fin. Et donc, il y a un signe qui permet de dire on frotte ses mains comme ça. C'est peut-être pas le moment de s'arrêter, hein. Mais écoutez, je vous ferai le rythme, ça s'appelle la clave, et le signe, c'est ça. Et si jamais on veut partir en action, si on veut aller à la bourse ou ailleurs, c'est important d'avoir un rythme commun. Et peut-être qu'on n'a pas un message commun, parce que beaucoup de choses se disent, et beaucoup de belles choses ce soir. Vraiment, j'étais impressionnée par la qualité de tout ce qui s'est dit, tous les sujets vraiment importants. Mais il y a un moment aussi, on est tous ensemble, on est là, il faut qu'on soit tous ensemble à faire quelque chose ensemble et un rythme, on peut le faire ensemble. C'est facile à faire. C'est bientôt la fin. Alors, je vais vous montrer le rythme en question. Est-ce que tu peux me tenir le micro ? Quand vous voudrez terminer cette réunion, peut-être pas maintenant, plus tard, hein, et que le modérateur, donc toi, dira alors, c'est la modératrice, pardon, ah, vraiment. Oui, tu as tout à fait raison. Bravo pour ça aussi. Bravo Nuit Debout aussi de mettre cette question-là au centre. Bref, donc le rythme, la fin de la réunion, si vous voulez signifier la fin de la réunion et le faire un peu tous ensemble, tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous pouvez frotter vos mains comme ça. Tac, tac, tac. C'est pas maintenant forcément, mais je vous montre frotter. Et puis à un moment, il y a le modérateur, la modératrice ce soir, peut faire le signe de la clave. Radio Debout, toujours depuis la place de la République. Nous allons maintenant rendre visite à Tarbes, où une nouvelle Nuit Debout a lieu ce soir. Bonsoir Géraldine, tu m'entends ? Oui, bonsoir, oui, je t'entends, oui. Bonsoir. Alors, vous en êtes à combien de Nuit Debout à Tarbes, dis-moi ? C'était la deuxième ce soir. C'est la deuxième, et alors, les espaces de discussion se passent comment ? Vous êtes nombreux ? Alors, nombreux, non, un petit peu moins là, parce qu'on est en pleine vacances scolaires ici, ouais, sur Tarbes. Hein. Donc, on était 200 la semaine dernière, et là, on est monté à 70. Mais avec quand même une super ambiance très agréable, parce que là les prises de parole sont terminées, la sono est repartie, mais les gens continuent sur la place de la mairie à rester discuter en petits groupes, avec en plus un petit buffet improvisé par un participant qui essaye de sensibiliser les troupes à la récupération des invendus et des déchets, et donc il nous a proposé un buffet avec des choses qu'il a pu récupérer de droite et de gauche. De nourriture invendue dans les poubelles, etc. Je trouvais que c'était une super initiative. Et donc, donc vous êtes à la deuxième Nuit Debout et tu sens que la libération des paroles se fait dans le plaisir, la joie, comment ça se passe ? Alors, dans la joie, oui, effectivement, avec là déjà un premier constat, c'est que ça commence à piaffer un peu d'impatience. Les palabres c'était bien, mais il commence à y avoir vraiment une soif d'agir. Donc il va y avoir dès la semaine prochaine, parce qu'en fait on a fait le choix d'un rythme hebdomadaire, hein. Et donc à partir de vendredi prochain, on va essayer de structurer un petit peu avec des commissions pour pouvoir travailler sur des propositions qui ont été élaborées par la Nuit Debout de Toulouse, hein, qui nous a contactés sur toute la constituante, hein, avec vraiment un super chantier. Donc sans doute qu'il va y avoir une commission autour de cette question-là. Et puis après, il y a des questions plus locales. Hein. Il va y avoir sans doute des choses autour d'une ZAD qui nous anime ici au-dessus de Tarbes, dans la banlieue de Tarbes, autour de la construction d'une déchetterie. Et donc, il va sans doute y avoir aussi des commissions un petit peu plus locales. Hein. Mais ça sera encore à déterminer sur l'Assemblée la semaine prochaine. D'accord, donc passer directement à des actions très concrètes, de se réunir sur différents lieux et pas seulement rester sur une place à Tarbes. Pour le moment, on ne sait pas trop encore. A priori, la prochaine Nuit Debout, on va délibérer sur l'installation de petites commissions pendant la Nuit Debout, en fait. On va sans doute essayer de se... Ah, ça a coupé. Donc on retentera peut-être d'appeler Géraldine tout à l'heure. On va passer maintenant à on va retourner à la table. Là maintenant on va aborder un sujet qui est essentiel dans l'organisation et la perpétuation des luttes, le cyberespace. L'idée c'est de réfléchir autour de cette table à comment l'appropriation des outils du cyberespace puisse accompagner les mouvements d'émancipation, notamment comme le mouvement de Nuit Debout. Donc pour nous en parler autour de la table, on retrouve Maëlle qui est enseignant-chercheur, Thomas de Lundi Matin et Esteban, crypto-anarchiste. Alors déjà on va commencer par parler de ce mot, crypto-anarchisme. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur la philosophie crypto-anarchiste ? Dis-nous. Alors je vais commencer cette présentation par une citation de Julian Assange qui a comparé l'Internet aux armes nucléaires et qui considère aujourd'hui que Internet est une menace encore plus grande que les armes nucléaires sur l'ensemble de la planète et que ça menace la démocratie, la liberté, les valeurs humanistes, le partage et la justice sociale sur l'ensemble de la planète. Qu'est-ce que le crypto-anarchiste ? Le crypto-anarchisme est une philosophie politique issue de l'anarchisme. Nous sommes les anarchistes du cyberespace. Nous sommes la résistance dans le cyberespace. Nous sommes des hackers et des ingénieurs en électronique, en informatique. Et nous travaillons tous ensemble à la reconquête de l'indépendance numérique citoyenne de l'ensemble des citoyens du monde. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus en quoi, en ce moment, le cyberespace est un espace de domination, justement, et de surveillance, puisque vous êtes dans une dynamique plutôt d'émancipation et de réappropriation de cet espace-là ? Alors, la situation aujourd'hui de la surveillance de masse et de la cyberdomination des États dominants est catastrophique. Le cyberespace tel que nous le connaissons aujourd'hui est totalement militarisé et il n'y a plus aucune information qui puisse circuler dedans sans que des États puissent en être au courant. Notre société étant par ailleurs aujourd'hui totalement dépendante de l'informatique, des microprocesseurs et de l'Internet, tout ce que nous construisons actuellement est biaisé et faussé parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de surveiller, de modifier et d'interférer avec le fonctionnement de tous les systèmes. Et quels sont les outils, quels outils pouvez-vous mettre en œuvre justement pour un peu contrecarrer ces espaces-là et éventuellement faire en sorte que les gens, les populations n'en soient pas les victimes? Alors, les crypto-anarchistes agissent d'une façon assez particulière. Nous développons des outils qui visent à une seule chose, c'est la libération du cyberespace. Nos outils ont la capacité... Nos outils technologiques ont la capacité d'installer l'horizontalité de manière universelle et de généraliser le mandat impératif dans toutes les structures humaines connues aujourd'hui, organisations, entreprises, États. Ça correspond à une véritable révolution, puisque c'est la généralisation de la démocratie participative, horizontale, directe, avec la possibilité d'avoir aussi le mandat impératif, cher aux anarchistes, et une grande transparence, comme le dit par exemple Julian Assange, transparency for the states et privacy for the rest of us. Et par exemple, comme le mouvement Nuit Debout, comment pourrait-on appliquer ce genre de démocratie, justement, qui est déjà une démocratie directe participative à Nuit Debout? Comment pourrait-on utiliser effectivement le cyberespace pour peut-être l'étendre, la mettre en place un peu plus généralement? Alors, de mon point de vue de crypto-anarchiste, les outils, les cyber-outils que nous pouvons créer ont la capacité de gérer le consensus et le vote de façon non biaisable, non truandable, ouais. À l'échelle planétaire, tout simplement. Là où des anarchistes vont pouvoir discuter en petits groupes de 20 à 30 personnes pour choisir des orientations, prendre des décisions et voter, nous pouvons, nous, l'élargir à des grands nombres. Nous arrivons à gérer des grands nombres. Et c'est une des principales différences avec l'anarchisme traditionnel, cette capacité à gérer les grands nombres. Voilà. C'est... Donc, Maëlle, toi, tu es enseignant-chercheur, tu es très au fait un petit peu de tous ces mouvements-là. Comment toi, penses-tu que justement cette réflexion sur le cyberespace, ces tentatives d'engagement sur un politique qui se passe dans cette espèce de cinquième dimension qu'est le cyberespace, puisse rejoindre des mouvements beaucoup plus concrets de la rue, des réflexions effectivement d'anarchistes qui sont aussi dans le concret de la lutte, quoi. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Maël. Pour moi, en fait, c'est un mouvement très ambivalent auquel on a à faire face. Et d'une certaine manière, si on a bien des éléments techniques qui nous sont proposés et qui tentent de résoudre un certain nombre de ce qui peut apparaître comme contraintes, la naissance de certaines technologies a été assez située. Donc, en fait, le crypto-anarchisme aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment on pourrait bien le définir. Ce que je sais de par ma réflexion sur les crypto-monnaies, c'est qu'effectivement, on a des outils très intéressants qui viennent à rendre possible comme l'a dit Frédéric, des médiations de très grand nombre qui permettraient de se désintermédier d'un certain nombre d'institutions, qui nous permettraient aussi de redébattre collectivement de processus à travers des outils informatiques. Mais je tiens à souligner que ces outils qui sont en train d'émerger, qui sont tout neufs avec la blockchain, le Bitcoin, qui date de 2009, sont aujourd'hui plutôt dans les mains de gens qui ont au fond des dents assez longues et je ne suis pas sûr qu'ils partagent tous les contours de la société qu'on voudrait avoir. Et je ne sais d'ailleurs pas non plus si cette société devrait être toute numérique, mais en tout cas aujourd'hui il y a une déferlante de certains protocoles décentralisés de type blockchain, Ethereum, Bitcoin, qui vont bouleverser l'échiquier économique que nous connaissons. On va connaître une ubérisation d'Uber, Airbnb sera Airbnbisé, et là pour le coup le droit du travail va effectivement avoir un certain nombre de questions techniques auxquelles il n'aura pas forcément tout de suite les réponses. Alors tu parlais du Bitcoin, alors on va revenir vraiment sur ce sujet parce que c'est intéressant parce que tu es ancien chercheur et tu travailles sur les monnaies, mais avant ça je voulais juste vous faire une petite annonce, là j'ai vient d'être interrompu parce que visiblement il y a une poubelle de brûlée et les flics sont intervenus sur la place d'après ce qu'on m'a dit, voilà. Ça c'est dit. Alors en quoi consiste le Bitcoin, dis-moi? Le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. Et là, aujourd'hui, une définition qui est particulière en fonction des États, des banques centrales. Mais c'est bien une monnaie, c'est-à-dire que c'est un système qui va permettre d'échanger de la valeur, qui va être pérenne dans le temps et qui se fait sans aucune intermédiation centrale. Vous pouvez aujourd'hui ouvrir un compte en banque en 5 minutes, avoir un versement dans les 10 minutes et tout cela sans être passé par une institution centrale de type étatique. C'est vrai. Maintenant, Et la dimension sociale ? La dimension sociale, bah aujourd'hui, c'est tout le problème. C'est que si ça sert uniquement à faire de l'évasion fiscale et à permettre aux très grands d'avoir de nouveaux canaux de circulation monétaire et financier, je ne suis pas sûr que la révolution soit là, mais aujourd'hui... C'est tout à fait l'inverse. Cette ambivalence, on est d'accord, mais voilà, l'outil lui-même est porteur d'un certain nombre de... Il y a des ambivalences, mais le bon l'emporte sur les inconvénients. Bitcoin est aujourd'hui le meilleur instrument que l'humanité ait connu jusqu'à la date d'aujourd'hui pour la lutte anticorruption. C'est un outil qui apporte de la transparence, parce qu'il redonne, par exemple, à chaque citoyen du monde, imaginons dans une société où les institutions fonctionneraient avec le Bitcoin, il redonnerait mécaniquement, ça fait partie de ses gènes, il redonnerait le pouvoir de contrôle à chaque citoyen équivalent à celui de la Cour des comptes. Donc ça amène dans la société une transparence totale sur les dépenses publiques qui sont faites, et ça permet d'enrichir le débat politique. Donc aujourd'hui, chaque citoyen utiliser le Bitcoin pour... Chaque citoyen peut utiliser le Bitcoin. Aucun État, aucune agence de renseignement, aucun hacker, personne n'a la possibilité de bloquer une transaction. Et personne ne peut empêcher un individu de créer un compte. Ça redonne à l'ensemble des citoyens du tiers-monde qui n'ont pas accès aux outils financiers pour pouvoir faire fonctionner l'ascenseur social, ça leur redonne un outil totalement indépendant, anarchiste, décentralisé, planétaire, pour pouvoir avoir accès à un outil qui leur permet de commercer sur le grand marché mondial. Parce qu'aujourd'hui, le tiers-monde, c'est une présence bancaire complètement... Il y a des milliards de personnes qui sont privées de l'outil financier d'avoir un compte bancaire et une carte de crédit parce qu'ils n'ont pas les revenus suffisants pour pouvoir le faire, pour pouvoir en avoir un. D'accord. Alors Thomas, dis-moi, toi, tu fais partie de... Comment peut-on l'appeler ? C'est pas une revue, Lundi Matin ? Donc oui, effectivement, moi, je fais partie du comité de rédaction de Lundi Matin, ouais. Qui est... un média en ligne qui traite de sujets aussi variés que les mouvements sociaux, la cybernétique et la critique littéraire, avec une idée toute simple qui est, c'est simplement une bande de gens qui ont voulu faire exister le média qu'ils ne trouvaient pas, dans l'offre médiatique présentée. Donc c'est essayer de faire de l'information et de faire de l'analyse de la manière qui nous convient, puisqu'en fait, elle n'existe pas de fait. Alors moi, j'aimerais juste faire une remarque sur donc ces histoires de crypto-anarchisme. J'ai l'impression qu'en fait, le danger d'un optimisme trop grand envers le cyberespace, c'est que le cyberespace donne, en quelque sorte, si on prend un peu une perspective historique grande, au capitalisme un terrain nouveau sur lequel se translater, se transférer pour survivre à son effondrement, entre guillemets, programmé. Prenons juste un exemple. On a parlé d'Uber, on a parlé de Airbnb. Très bon exemple. Ce qu'on voit avec Uber et Airbnb, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'entreprise qui est leader mondial du secteur de l'hôtellerie ne possède absolument aucun capital, ne possède qu'une interface numérique permettant de mettre en relation des clients et des vendeurs. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de donner au capitalisme le moyen d'exister sans capital. Alors que c'est justement la contradiction entre le capital et le travail qui est censée, dans la vieille analyse marxiste, qu'on ne partage pas forcément, mais c'est le capital qui est censé être porteur des contradictions qui amènent le capitalisme à sa perte. Là, en fait, on voit que la production de valeur n'est plus dans disons la production matérielle, mais dans l'interconnexion, dans la mise en relation. Ce que Uber, ce que Airbnb font pour produire de la valeur, ce n'est que mettre en réseau des gens. Et c'est-à-dire qu'on voit bien comment un cyberespace qui reposerait sur l'utopie d'une connexion intégrale et universelle de tous avec tous donnerait au capitalisme et donnerait de manière générale à tous les gens qui ne partagent pas les idéaux de l'anarchisme un terrain pour prolonger la production de valeur au-delà de ses capacités, parce qu'aujourd'hui produire de la valeur les conditions objectives de production de la valeur sont telles que c'est quasiment devenu impossible en fait, et on invente des nouvelles manières d'en produire, et la connectivité en est une. C'est qu'un exemple parmi d'autres, mais si vous voulez il y a un livre très intéressant qui s'appelle Le Nouvel Âge Numérique, qui a été coécrit par un conseiller de l'antiterrorisme pour la CIA et le PDG de Google, dans lequel ils expliquent très sereinement que la numérisation et la cybernétisation des institutions, c'est-à-dire le cadastre, c'est-à-dire la cartographie, c'est-à-dire la monnaie, c'est-à-dire toutes les institutions devenues virtuelles sont protégées en quelque sorte des bouleversements historiques que par leur injustice même elles appellent. Il dit, en fait, là on sauvegarde nos données, mais en fait on pourra bientôt sauvegarder notre propre gouvernement. Et c'est-à-dire que les guerres peuvent bien avoir lieu, les insurrections peuvent avoir lieu, on peut détruire les banques centrales, on peut détruire les infrastructures, etc. En fait, les institutions survivront sous leur forme virtuelle dans cette espèce d'espace de nouvelle dimension qui flotterait au-dessus du monde historique dans une espèce d'apesanteur que personnellement je trouve assez inquiétante. Et du coup, je pense qu'il faut, il faut jamais oublier que l'intérêt du cyberespace, et ça c'est les propres concepteurs du cyberespace qui le disent, c'est de proposer une expérience de la vie qui, sur Internet, se rapproche de l'expérience de la vie qu'on pourrait avoir dans la vie réelle. Sauf qu'on a souvent l'impression que pour faire ça, ce qu'il faut, c'est élever toujours plus le perfectionnement du cyberespace, c'est-à-dire de plus en plus de vitesse, de plus en plus de vraisemblance, de plus en plus... Ça, ce sont des apparences. Voilà, mais en fait, ça repose aussi sur, tout simplement, l'appauvrissement de l'expérience réellement vécue dans le monde. C'est-à-dire que ce qui fait l'intérêt du cyberespace, c'est aussi l'inintérêt croissant du monde réel. C'est aussi l'effondrement des formes de politique classique, l'effondrement des systèmes productifs, l'effondrement même de ce que c'est que la rencontre, ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que la sexualité, etc. Il ne faut pas oublier que le cyberespace se nourrit non seulement de son propre perfectionnement, mais aussi de la dégradation du monde tel qu'il est. Et que du coup, il faut réussir à avoir une espèce de rapport fin où c'est absolument pas quelque chose qu'il faut condamner en soi, ça serait stupide. Il faut trouver dans le cyberespace les moyens d'en sortir, les moyens de réenrichir l'espace public, en rééquilibrant en fait justement voilà. le rapport, c'est-à-dire que revenir éventuellement aller vers le cyberespace, mais en partant pour qu'il serve ce qui se passe. Voilà. Et donc, là-dessus, je donnerai juste un exemple et après je cède la parole. C'est si on voit par exemple tout l'usage qui a été fait de Facebook et de Twitter pendant la révolution arabe, on pourrait y voir un triomphe de l'idéologie. Non, ce sont des instruments de domination. Absolument pas. Voilà. Parce que Facebook a été utilisé par ces mouvements pour rendre Facebook inutile, c'est-à-dire pour faire exister un lieu où la rencontre est possible sans la prothèse, la béquille qu'est Facebook. Et c'est-à-dire que, et comme de Facebook, de Twitter, etc., toutes ces interfaces peuvent être utilisées pour être rendues superflues. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, pour Facebook, appeler à des événements dans la rue, appeler à des rassemblements, appeler à des nouveaux modes d'organisation, comme beaucoup de groupes font depuis le début du mouvement par ailleurs, pour libérer les conditions d'une socialité désirable. Voilà. Alors, une toute petite interruption, parce qu'on nous dit qu'à l'AG, l'AG est reparti, en même temps ça s'arrête en cours, on ne sait pas très bien, mais on y va ? On y va un petit peu. On se casse tous le dos, les ouvriers. On se casse le dos à travailler toute la journée. Les mecs qui travaillent dans les bureaux, ils se cassent le dos sur leur siège. Les chômeurs qui cherchent du travail, ils se cassent leur dos dans leur canapé, devant la télé. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que là, putain, mais on fait quoi là ? Ça sert à quoi de parler ? Ça sert à quoi de parler sur la place de Répu, entouré de Schmitt ? Et bah maintenant, d'accord, mais on fait quoi? Bah alors, tout ce qu'il y a à faire, déjà, c'est de se lever. Déjà, c'est les gens, levez-vous. Et maintenant, on fait une marche ou quoi? On est là ou quoi? Vas-y! Levez-vous, putain! Vous faites quoi, là? Nuit debout! Nuit debout nuit ou nuit assise? Vous êtes assis, là. Levez-vous! Toi, tu leur demandes d'asseoir, tu leur demandes de t'asseoir pour la nuit debout? S'il te plaît, c'est bon, merci. Ouais, on s'assoit pour la dernière intervention qui était inscrite et qui va nous faire un petit slam, s'il vous plaît. Bonsoir. Je ne veux pas d'une France où les citoyens des cités dortoirs s'opposent à ceux des cités jardins. Je veux une France où cohabitent cité U et cité ouvrière. Je suis jurassien, moi qui suis né dans la cité Pipière, et même si le Jura n'est pas la terre de mes ancêtres, l'origine pour moi désigne le lieu qui m'a vu naître. J'écoute Brassens autant que Brel, Aznavour autant qu'NTM, mais quand une fille entre dans mon cœur, c'est en français que je lui dis « je t'aime ». J'entends encore le borgne qui flagorne et qui dépasse les bornes avec son air morne. Y aura-t-il un peuple et une identité française dans les décennies qui viennent? Qu'il se taise. Ne sait-il pas que la nation, c'est toi, c'est moi, elle, c'est nous? Oublions ce qui divise, ce qui aliène et nous maintient à genoux. Et si en matière d'identité la patrie n'a pas pris de parti pris, je saisis le mic et je le dis, français, je le suis. Tu me traites de sale arabe sur les roues, je t'envoie paître. Plus fort que l'auxiliaire avoir, il y a le verbe être. Alors ce texte s'adresse à toi, citoyen, membre libre de cette cité. Ce texte s'adresse à toi, citoyen, membre libre de cette cité. Et même si t'es con, citoyen, je te le dis, si t'as le droit de citer, le droit de vivre, celui d'être admis et d'être toléré, que tu sois né français ou de parents étrangers, c'est une révolte. Non, sire, c'est une révolution. C'est le peuple qui se soulève pour le grand bien de la nation. J'entends encore la guillotine rouler la tête de Marie-Antoinette. Liberté, égalité, fraternité sont des valeurs fédératrices, c'est clair et net. On en a fini du temps des rois, des seigneurs et des courtisans. Ça, c'est pas tout à fait sûr, hein, mais... On en a fini du temps des rois, des seigneurs et des courtisans. Amis, entends-tu la Marseillaise faire place au chant des partisans? Les droits de l'homme succéder au temps des résistants, de simples civils, citoyens et désobéissants. Ceux qu'on considérait comme des terroristes sous le régime de Vichy, ne sont-ils pas les patriotes que l'on honore aujourd'hui? Et les collabos qui remplissaient les trains de la déportation n'ont-ils pas été jugés dans les tribunaux de la nation? Ce texte s'adresse à toi, citoyen, membre libre de cette cité. Et même si t'es con, citoyen, je te le dis, si t'as le droit de citer, le droit de vivre, celui d'être admis et d'être toléré, si tu connais ton histoire, que tu ne l'as pas oubliée. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Costume gris et regard blafard, voici les prophètes télévisés, les vendeurs de peur. À l'heure du dîner, garde la foi dans ton cœur, citoyen, ne les laisse pas t'embobiner. Eux qui voudraient qu'on se terre sous terre, telle une colonie de cafards. Je ne veux pas d'une France d'en haut et d'une France d'en bas. Je ne veux pas d'une France opulente et de l'autre qui se débat. Ne sais-tu pas qu'injustice est mère de rébellion? As-tu déjà oublié qu'égalité est une devise de la nation? Je veux une France invisible, je veux une France... Attends, je reprends. Vous êtes sur Radio Debout, nous retournons au plateau où nous étions en train en fait de parler du cyberespace, et Thomas nous dressait un portrait finalement assez sombre de l'aboutissement presque du capitalisme qui au bout d'un moment, à force de mettre en place des réseaux, n'a même plus de centralisation et finit par devenir totalement virtuel et donc susceptible d'aucune attaque directe, de contradiction directe comme on peut encore le faire aujourd'hui, notamment sur la place de la République. Qu'en dis-tu, Maël, de tout ça? Il y a plein à en dire. j'aimerais d'un coup faire référence à Marx. Déjà lui, à l'époque, à son époque, alors c'est pas directement lui, puisque ça parle que du livre 3, son Capital, mais était un petit peu... avait une vision très, très marquée de l'émergence des sociétés par action, en fait, d'un capitalisme de plus en plus mondialisé, avec des personnes de plus en plus indifférenciées derrière le capital et la prise de décision. Maintenant, je souscris totalement à ce que Thomas a dit. Le capitalisme aime le vide, il est en train de s'y développer. Les joint-ventures sont là, les milliards affluent vers ces technologies, que ce soit Bitcoin ou ses extensions qui vont bien au-delà d'un usage monétaire. On a les financiers qui ont compris que le monde est en train de basculer, ils veulent en être. La vraie question qu'on pourra poser alors, c'est est-ce qu'on va laisser ce cyberespace partir dans sa face sombre, alors qu'on sait aussi qu'il est porteur, grâce à ces outils développés, de nouvelles médiations, d'interfaces beaucoup plus démocratiques, effectivement nous-mêmes, de réappropriation du capital en son sens profond, du capital au sens de la définition du monde qui nous entoure, de la définition des produits, de la répartition des richesses, de la définition des actes définis de la division sociale du travail. Voilà, je pense que cette ambivalence doit être creusée par notre mouvement. On a aujourd'hui en tout cas des gens qui pensent à ce cyberespace dans un monde, et ce monde, ils sont en train de le faire basculer à eux. Je pense en tout cas qu'il doit être mis en place une force d'opposition. Et je souhaite réfléchir, est-ce que ces outils-là, eux-mêmes, peuvent nous aider? Est-ce que, par exemple, Nuit Debout pourrait avoir une constitution démocratique instituée sur Internet via une blockchain de type DAO, c'est-à-dire une organisation décentralisée ayant un statut non juridique, mais sur une blockchain, et qui puisse permettre des votes, permettre des gestions de budget, des mandats impératifs, etc. Donc voilà. Je vais repasser la parole à Frédéric. Eh bien, écoute, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il ne faut pas oublier et perdre de vue qu'aujourd'hui, le cyberespace est un instrument de domination sociale, qu'il y a des affrontements géopolitiques extrêmement violents pour la cyberdomination mondiale, et que nous considérons, nous les hackers et les crypto-anarchistes, que la structure même d'Internet, sa structure relativement centralisée, au bout du compte, avec des serveurs web, des points de concentration de pouvoir dans le cyberespace, totalement sous contrôle des autorités, des agences de renseignement, nous considérons que la véritable révolution aujourd'hui, ce n'est pas de mettre des gens différents au pouvoir, mais de donner des pouvoirs différents aux gens. Et nous portons dans nos principaux combats la décentralisation totale de tous les processus de décision et la généralisation du mandat impératif. Mais en tout cas, moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que ce qui est proposé, en fait, c'est de faire la même chose que ce qui existe, mais en mieux. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été le projet de la cybernétique. Norbert Wiener, il disait, ça sert à rien de critiquer un système. Ce qu'il faut, c'est juste construire un système plus performant qui rende l'ancien système obsolète. Oui. Et ce qu'on voit, par exemple, sauf que Norbert Wiener aussi, donc c'est problématique parce que c'est l'ennemi. Mais d'une manière, pour le dire autrement, si on regarde ces histoires, par exemple, de vote électronique, etc., parmi les gens qui défendent ces idées-là, on trouve en fait beaucoup d'officiels du gouvernement. Vous avez par exemple le programme de Open Government de la Maison Blanche qui propose de créer des plateformes citoyennes où les citoyens en fait viennent coproduire les institutions qui, à notre sens, les maintiennent dans une forme d'aliénation. Et du coup, ce qui est compliqué à cerner, c'est comment réussir à, en quelque sorte, penser le cyberespace et les outils qui l'accompagnent d'une manière qui n'est pas institutionnelle, d'une manière qui n'est pas dans l'institution de quelque chose, qui n'est pas dans la recréation d'une société plus performante, plus efficace. Parce qu'en fait, c'est ça le projet de ce qu'on appelle maintenant même plus gouvernement, mais gouvernance. Et du coup, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'en fait, le soubassement théorique de par exemple la philosophie Google ou du programme de gouvernement cybernétique, c'est l'idée que le pouvoir et l'anarchie deviennent indissociables. Si vous prenez par exemple cet argument qui consiste à dire en fait le cyberespace est contrôlé, il faudrait le penser sous une forme où il serait libéré et non plus surveillé. Ce qui est problématique là-dedans, c'est que pour un cybernéticien, la liberté est une données du problème du gouvernement. On ne gouverne que des gens libres. On ne gouverne qu'à partir des impulsions propres. C'est-à-dire, par exemple, pour ce qui est de Facebook, on ne gouverne qu'à partir du désir de reconnaissance des gens, d'un désir qu'ils ont déjà en eux-mêmes, de leur volonté de partager leur vie libre, etc. Et c'est-à-dire que la liberté existe comme un présupposé du gouvernement. La liberté n'est pas quelque chose qu'on oppose au gouvernement, mais la liberté est ce à partir de quoi nous sommes gouvernés. La liberté, c'est simplement l'ensemble des hypothèses que le cybernéticien va faire quand il va essayer de programmer la société. Les hommes se comportent comme si, ils ont telle aspiration, ils ont tel désir. Mettons tout ça en réseau et trouvons une manière, à partir de cette espèce d'effervescence, de désirs différents, une manière de créer de l'ordre, de créer de la stabilité. C'est une adaptation permanente. En fait. Voilà, la liberté, c'est pas le contraire de la sécurité. Les deux sont toujours étroitement corrélés. Et donc, oui, mais Big Brother le fait de façon centralisée, entre guillemets, alors que les crypto-anarchistes ont pris pour un mode de fonctionnement totalement décentralisé. Mais il est plus facile de détruire un système centralisé qu'un système décentralisé. Et donc, j'ai bien peur qu'on soit en train, avec cette idée de décentralisation absolue, de créer en fait une forme de gouvernement tellement indissociable de la société dont on rêve, qu'on n'arrive plus vraiment à trouver le point d'appui à partir duquel on peut le renverser. Je donnerai juste un exemple pour appuyer ça, enfin un exemple, une citation. Jared Cohen, dont je vous parlais tout à l'heure, qui pendant la contestation qu'il y a eu en Iran en 2009, avait fait pression sur Twitter pour que le système Twitter continue à fonctionner malgré la censure. Ce même Jared Cohen dit Internet est la plus grande expérience impliquant l'anarchie dans l'histoire. Et il le dit comme quelque chose de positif. C'est enfin on va se débarrasser de ces bureaucrates, de ces lents, de ce formalisme qui nous entrave. Enfin on va aller à la vitesse, à l'efficacité, à la transparence, etc. etc., etc. Et pour lui, anarchie ne nomme pas le contraire du gouvernement, mais disons sa forme 2.0, sa forme aboutie, efficace, où en fait, c'est en fait une très vieille idée dans les théories du gouvernement. D'amener le gouvernement au point où en fait les gens se gouvernent eux-mêmes. Et il n'y a même plus besoin de les gouverner parce qu'ils ont intériorisé tous les mécanismes de production de valeur, par exemple tout ce que je vous disais sur la valorisation qui sort de la production d'informations et de la mise en réseau, les aspirations au bonheur individuel, etc. Ces paramètres généraux de l'humanité finissent par agir immédiatement, sans la médiation d'un gouvernement centralisé, sans la médiation d'une autorité qui est contestable, etc., à tel point qu'on ne sait même plus où frapper parce qu'en fait le pouvoir est devenu, est partout parce qu'il coïncide avec l'infrastructure numérique du monde. Mais on est dans ce cas-là. Il faut réussir en quelque sorte à c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, à user du cyberespace d'une manière qui redonne à l'expérience concrète qu'on fait dans une occupation de place, dans un mouvement social, dans une rencontre, à donner à ces expériences-là suffisamment d'épaisseur pour qu'elles ne puissent pas être dupliquées, pour qu'elles ne puissent pas être simulées sur Internet, pour qu'elles ne puissent pas être, pour que disons la vie réelle garde une opacité, une épaisseur, une résistance, etc. Le règne absolu de la transparence, excusez-moi, mais c'est terrifiant, je veux dire, on vit déjà dans le règne de la transparence. Et typiquement, vous disiez tout à l'heure, Bitcoin, c'est génial parce que c'est la transparence. Moi, ce qui me séduit plutôt dans Bitcoin, c'est le fait de pouvoir acheter des choses en toute discrétion, en toute opacité. Oui, ça fait les deux. Ça fait les deux, c'est au choix. Bitcoin, ça peut être totalement anonyme, oui, ou totalement bien sûr. Authentifié. Mais du coup, il faut essayer en fait, c'est là où en fait il y a un problème politique qui se pose par ailleurs à l'intérieur même du mouvement hacker. C'est toute technique, toute technologie implique un certain rapport au monde, implique une certaine forme de vie. Et laquelle de ces formes de vie est désirable? Est-ce que une forme de démocratie universelle avec un État mondial complètement décentralisé, ou en fait en permanence par une espèce de sondage continuel de l'opinion, toutes les décisions sont prises? Oui. Mais moi, je trouve ça terrifiant. Et je trouve ça terrifiant parce c'est l'abolition des frontières, c'est la fin des conflits armés. Oui, mais parce que ça correspond pas à une idée de la vie qui me paraît en fait supportable ou vivable. Et peut-être il faut que je rende la parole en fait. Non, mais Stéman, toi, quelle est ta vision justement de cette abolition justement des Moi, je pense que dans le rêve anarchiste, il y a l'abolition des frontières, il y a la répartition équitable du pouvoir, une forme d'isocratie, pour reprendre un terme plus technique, une répartition égalitaire du pouvoir, et le cyberespace libéré, non sous contrainte et surveillance militaire, peut permettre d'atteindre cet objectif. C'est la démocratie universelle, c'est la forme la plus poussée de démocratie. Et c'est vrai qu'une fois qu'un système comme ça est mis en place, il peut entre guillemets plus être renversé, sauf par le consensus et le vote. Ça réduit la violence. Le crypto-anarchisme, dans tous les domaines dans lesquels on agit, on réduit les violences, telles qu'elles soient. D'accord, on va devoir pas rendre l'antenne, mais partir un petit peu ailleurs. On ne sait pas très bien où, parce que l'AG est terminé. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges vraiment impressionnants. Merci beaucoup. Merci Maël, merci Thomas, merci Esteban. Au revoir. Merci. Alors, le marin Shadok, avec sa Shadok Caravelle, il n'avait pas de marche arrière. C'est des choses qui arrivent même à des gens très bien. Mais lui, aller toujours vers l'avant, cela ne le gênait pas particulièrement. Et même il disait que cela l'arrangeait. Parce que, de toute façon, il ne savait pas où il allait. Et ça lui faisait gagner du temps. Car, ajoutait-il, dans la marine, c'est un principe, quand on ne sait pas où l'on va, il faut y aller. Et le plus vite possible. Radio Debout. Jusqu'à minuit. Venez maintenant. Et voilà, toujours en direct depuis la place de la République sur Radio Debout. Et maintenant, le billet d'humour de Radio Debout, la chronique de l'entremonde. Et oui, une chronique de l'entremonde, oui, car nous sommes ici entre un rêve d'ultramonde, le goût de poulet yassa en plus, et un projet d'altermonde, l'odeur du lacrymogène en moins. Et pour cette troisième chronique, j'aimerais revenir sur un mot, cynisme. En effet, hier soir, le monde apprenait une terrible nouvelle, la fin tragique d'un âge d'or pour les poètes, les naïfs, tout simplement les amoureux de la vie. Ramayad, candidate à la présidentielle. Et oui, après un premier épisode raté conclu, comme chacun sait, par l'explosion de l'étoile noire, voilà que le pire contre-attaque. Madame, notre non-regretté monomandat Nicolas Sarkozy vous a adoubé parce que vous étiez issu d'une minorité, ou en termes plus élégants, parce que vous étiez d'origine musulmane, puis il vous a gentiment recadré, remis en place, en termes plus prosaïques, traité comme de la merde. Et on ne peut que constater à quel point le destin vous en veut, puisqu'au moment où vous tentez de refaire surface, c'est encore un nabo qui vous coupe l'herbe sous le pied en créant l'événement et en occupant le champ médiatique. Champ médiatique que vous n'avez pas dû reconnaître, l'ayant labouré avec vos gros sabots à la fin des années 2000. Oui, le prince est mort. Vive le prince. Quand je parle de prince, c'est Prince, hein, pas les biscuits. Non, je précise parce que si votre culture musicale est aussi étendue que votre capacité en géopolitique, vous avez dû passer la nuit à pleurer contre un paquet de chocos. Car c'est vrai, chaque président peut se targuer d'un exploit géopolitique dans son parcours de candidat. Et oui, un fait d'armes stratégique. De De Gaulle à Beyrouth, en passant par Cécilia, chaque candidat a eu son acte de bravoure. De Gaulle a giflé les Allemands, Beyrouth a giflé un gosse, Cécilia a giflé Sarko. Vous, Rama, on peut dire que vous avez eu le nez creux. Ah, ça, de l'instinct, la lionne. Vous, votre coup d'éclat, c'est de ne pas, j'ai bien dit, ne pas vous être opposé à l'intervention américaine en Irak. Voilà, chapeau. C'est ce qui s'appelle se distinguer. Et vous avez ensuite déclaré que le résultat n'était pas à la hauteur des attentes. C'est-à-dire les attentes, en fait, je comprends pas. Trouver des armes de destruction massive, fêter l'Aïd à la Maison Blanche avec W. Bush. Bref, cela n'a pas empêché Nicolas Sarkozy de vous nommer secrétaire d'État aux droits de l'homme, pour ensuite vous faire bouffer tous les chapeaux du Quai d'Orsay, et la liste est longue. Sitôt nommé, voyage en Tunisie, interdiction de rencontrer les opposants politiques. Ensuite, voyage en Chine, j'aime mieux te dire que t'as même pas vu la couleur de l'avion, couché maison, pas bougé. Et puis le chef-d'œuvre de la diplomatie bling bling, la visite d'État de Muammar Abou Minyar Abdel Salam al-Kadhafi, que les militaires appellent le colonel et que les filles de militaires appellent le porc. J'aurais pu appeler ma chronique démission, mais vous auriez entendu ce mot pour la première fois. Démission, non ? Même quand une tente a été plantée sur la pelouse du palais ? Bonjour, Rama, je viens pour la garden party. Non, connasse, là c'est la tente des hommes. Ah, ça devait être sympa, cosy, choubidou, de fumer la chicha entre gens bien en évoquant des tortures à l'acide, les soirées cocaïne et le viol des infirmières bulgares. Cynisme encore et toujours, puisqu'en 2009, vous recevrez le prix Crans-Montana. Comment vous dire ? Le prix Crans-Montana, c'est un peu le boyau d'or au festival de la saucisse de Soulac. C'est l'AOC du dictateur. Si tu l'as pas, ton génocide, il ne vaut rien. Ton coup d'État n'est pas validé, tes tortures ne sont pas certifiées, ton épuration n'est pas labellisée. Avant vous, ont été décorés Pierre Nkurunziza, président du Burundi, élu à 91% des voix, Ilham Aliyev, président de l'Azerbaïdjan, élu à 88% des voix, et Gurbanguly Berdi, président turkmène, élu à 97% des voix. Le cynisme atteint son point culminant à l'énoncé du prix qui récompense, je cite, « des hommes et des femmes ayant lutté pour le respect des valeurs fondamentales de la démocratie et le désir ardent de créer un monde meilleur ». Et comme disait Kennedy à son chauffeur, on va pas se laisser abattre. Vous enchaînez en 2009 sur un petit chef-d'œuvre en librairie au doux titre de Ramayad, itinéraire d'une audacieuse en politique. Ben voyons. Je ne parle même pas du discours de Dakar, prononcé par le président Sarkozy, votre maître à penser, dans votre ville de naissance, alors que mes amis sénégalais se sont, eux, étranglés de tristesse. Alors, cher Rama, alors oui, vous faites du mal, oui. Enfin, non, on ne vous élira pas, non. Non pas parce que vous êtes issu d'une minorité, non. Non pas parce que vous êtes une femme, mais parce que vous êtes nulle. Une nulle malléable, ça je vous l'accorde. On vous a tellement plié dans tous les sens que vous devez aujourd'hui avoir la forme d'une chaise et on en aurait bien besoin de vous ici, car on en manque de chaises. On notera de ne pas s'asseoir sur votre courage politique au risque de finir le cul par terre. On veillera à ne pas vous oublier dans un coin au risque de vous voir vous déclarer candidate à la primaire américaine. Et bien sûr, on prendra soin de vous remettre à votre place, à la mairie de Paris, au service des encombrants. Proust a dit, on passe la première partie de sa vie à chercher les gens qu'on aime et la deuxième à les perdre. J'ai cherché Prince, j'ai trouvé Rama. Allez Rama, puisqu'on le regrette déjà, puisque je l'aimais, je vous embrasse comme un prince. Kiss. Écoutez, parlez, comprendre. Radio debout. En direct de l'Assemblée populaire. Place de la République. Et voilà, toujours sur la place de la République. Et tout de suite, on retrouve Antoine et la commission presse. Bonsoir Quentin, bonsoir Brahim. Bonsoir. Alors vous êtes venu, vous faites partie du pôle presse qui est un des bras de la commission communication. C'est ça. Et alors, autant le dire tout de suite, donc vous êtes venu, mais alors vous ne représentez pas ni la commission, ni en fait le pôle. Vous êtes venu parler en votre nom. Mm-hmm. Alors, expliquez-moi un petit peu ce qu'est le pôle presse. Peut-être Brahim. Peu importe. Le pôle presse qu'on a essayé de monter à plusieurs dès les premiers jours, c'est vraiment un pôle de service pour essayer de mettre en relation les journalistes qui veulent couvrir l'événement avec les personnes sur place, d'une part. Après, voilà, nous, on essaye de faire en sorte que les médias puissent couvrir au mieux le mouvement tout en ayant une charte de conduite qui est importante pour nous. Et voilà, c'est vraiment un pôle de service. On est au service du mouvement. On prend pas parti. Et voilà, s'il y a des décisions politiques à avoir et qu'il faut transmettre, on le fera. Mais c'est pas nous qui prenons les décisions politiques. Au contraire, on ne fait que diffuser cette information. Alors, il y a deux aspects, en gros, à votre travail. Il y a, d'une part, assurer l'interaction avec les médias. Et d'autre part, analyser ce qui se dit dans les médias du mouvement Nuit Debout, à travers donc des revues de presse, j'imagine. Comment ça se passe, Brahim ? Oui, absolument. On se partage tous les articles qui sortent quant à la Nuit Debout. Et on en fait une analyse. Et de fait, ça nous permet de faciliter la relation entre les médias et le mouvement et les commissions, dans le sens où on peut savoir quel média s'intéresse à quel type de thématique et en ce sens mieux le diriger envers les commissions. Alors des exemples peut-être là récents. Bah, je sais pas, par exemple, un exemple tout con, on a beaucoup parlé de Finkielkraut et nous on voulait pas qu'on en parle forcément, donc on a essayé de faire en sorte de montrer aux gens qu'il n'y avait pas que ça, que tout le monde pouvait venir parler sur place et surtout mettre en avant le travail des commissions, de tout ce qui se dit sur la place. Et ça, c'était des stratégies qu'on a élaborées par rapport à l'analyse aussi des autres médias. Ouais. D'accord, donc c'est quoi le bruit en ce moment de Nuit Debout dans les médias? Des exemples? En ce moment, alors ça s'est un peu calmé depuis deux jours. Tant mieux, parce que là, c'est la dernière séquence médiatique n'était pas forcément folichonne. Mais par contre, aujourd'hui, on commence à parler du 1er mai. Qu'est-ce qui va se passer pour le 1er mai avec Nuit Debout? Comment va se passer cette fête du travail quand on sait qu'on est tous là à la base après la manifestation du 31 mars contre cette fameuse loi travail? Alors ça, c'est des papiers qu'on a pu lire, notamment dans Le Monde ou Les Inrocks. Hein, je prends les canards de gauche, entre guillemets. Donc ça, c'est des papiers qui sont apparus suite à la réunion qui a eu lieu à la Bourse du Travail. Mmh. Et donc, cette réunion a posé des questions de positionnement médiatique. Oui, ça pose des questions de positionnement médiatique. Encore une fois, nous, on est au service du mouvement. Donc, concrètement, comme il n'y a pas de décision arrêtée par le mouvement aujourd'hui, eh ben, quand des journalistes viennent nous voir pour nous parler du 1er mai, moi, je leur donne mon ressenti personnel, à savoir que je pense que j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui se passe, pas forcément dans la forme qui a été décidée par telle ou telle personne, et que je pense que voilà, il y a sûrement aussi beaucoup de gens sur place qui ont envie qu'il se passe quelque chose pour le 1er mai. Mais comme la forme n'a pas été décidée, ben, j'ai rien d'autre à dire de plus, quoi. Alors, je rappelle, pardon, juste le contexte, c'est-à-dire que les papiers du Monde et des Inrocks sont un petit peu pessimistes, on peut dire, sur la suite du mouvement. Mmh. Oui. Et c'est à nous de remettre l'optimisme au final, hein, parce que voilà, et ça a été très bien fait aussi avec nos collègues de la commission communication sur l'Orchestre Debout, qui a ramené énormément de positifs sur le mouvement. Et c'est des actions comme ça qu'il faut que la communication et le pôle presse, enfin la communication en général, arrive à refaire, parce que c'est notre rôle, quoi. Brahim, d'autres exemples peut-être antérieurs à cet épisode de la Bourse du Travail ? Alors, je voulais revenir quant à la mobilisation et le pessimisme. Et le pessimisme qui peut arriver de temps en temps dans des articles dans les médias, on est confronté à cette difficulté, à savoir qu'il y a l'agenda de Nuit Debout, il y a une démocratie qui se passe, qui se crée, et il y a l'agenda médiatique. Et en ce sens, on se doit de respecter les décisions prises en AG, le travail fait en commission, et il n'y a pas forcément tous les jours des infos les plus racoleuses pour les médias. Donc, de fait, nous, on doit travailler à respecter le travail des commissions, les décisions prises en AG, et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut communiquer avec les médias. Et en attendant, on les invite à venir et à discuter avec les gens individuellement, à prendre la température eux-mêmes. Brahim, toi, tu fais partie du pôle presse. C'est quoi ton parcours dans ce mouvement ? Quand est-ce que ça a commencé ? Explique-nous juste par quel truchement tu es arrivé jusqu'au pôle presse. Alors, je suis arrivé le 34 mars. C'est un ami Facebook qui a partagé l'événement. Je suis arrivé ici par curiosité, avec beaucoup d'a priori. Quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, ça va être un événement monopolisé par les syndicats avec beaucoup d'affichage quant aux partis politiques. Et j'ai été confronté au débat intellectuel et au contexte apartisan de ce mouvement. Et je suis arrivé à 18h, je suis parti le lendemain à 10h30 du matin. Et depuis la première semaine, pendant une semaine et demie, je restais la nuit pour faire la sérénité et pour avoir des débats, et discuter, échanger avec les personnes sur place. La sérénité, c'est ce qu'on appellerait le service d'ordre, si c'était pas la Nuit Debout, qui est un mouvement qui n'a pas besoin de service d'ordre. Pas vraiment, parce que l'ordre, chacun se gère. C'est quoi la sérénité ? La sérénité, on est là pour faire en sorte que le cadre reste serein. Et si quelqu'un est un peu moins serein, on lui fait comprendre de la manière la plus pacifique qu'il peut être serein et qu'il a l'intelligence de l'être. Et ça marche plutôt bien. Donc tu as fait plusieurs commissions, donc jusqu'à trouver le pôle média. Oui, exactement. Explique-nous un petit peu ton parcours. Alors du coup, d'abord j'ai assisté à l'AG, ensuite je me suis beaucoup intéressé à la commission féministe, la commission France-Afrique aussi, et la commission économie politique aussi. Et en fait, au début, je prenais plaisir à assister au débat et à échanger dans plusieurs commissions thématiques. J'ai beaucoup appris et ça a contribué au travail de déconstruction, dans le sens où en venant ici, j'avais un peu conscience que socialement j'étais quand même très très conditionné quant à la domination masculine par exemple. Et ici, ça m'a permis de confirmer mes doutes, de pouvoir me remettre en question, de pouvoir travailler à une déconstruction de mes idées et pour mieux reconstruire derrière. C'est des commissions mixtes, par exemple, le pôle presse est mixte à 50-50 ? Alors, moi, je peux peut-être y répondre. Ah, Quentin. Le pôle presse n'est pas mixte parce que pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, on n'a pas trouvé des filles qui voulaient venir avec nous. Donc, on lance un appel à ce qu'on soit paritaire, effectivement. On est, je crois, on est combien ? On est 6 à travailler dessus. On est, il y a une fille avec nous. Non, deux filles. Il y a deux filles avec nous et 4 mecs. Voilà. On appelle effectivement à ce qu'on nous rejoigne pour qu'on crée un pôle paritaire, effectivement. Ouais. Ok, alors bon, on suivra tout au long de la suite du mouvement vos activités et on incite les journalistes qui se posent des questions à vous contacter. Comment ils font pour vous contacter ? Alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont nos numéros de téléphone pour commencer. Et sinon, il y a l'adresse mail qui est nuitdeboutpresse en français pour le presse, @riseup.net. Voilà. Merci Quentin, merci Brahim et maintenant un petit peu de poésie. Merci à vous. Merci. Passant. Ne baisse pas les yeux. Approche-toi, tu n'es pas un pigeon. Sur la place, il y a des toi, des moi, des nous. En colère, très heureux ou déçu. Humoriste, insomniaque, zadiste, précaire. Intello, médecin, badaud. Des très vieux, des très jeunes. Cadra, hétéro, homo, trans, très pro, en reconversion, amateur, rappeur, zouker, enseignant, pensionné, parent, célibataire en quête de... Faire, inventer, dire, voir, rêver. On est là. Pourquoi ? Émotion du mélange de couleurs. Peindre ensemble le paysage d'une nouvelle société. Transition, désir et lucidité. Humanité, écologie, debout la nuit. Levez la main. Dire une phrase à la foule des moi qui veulent former un nous. C'est extraordinaire, une bibliothèque. La musique. Une marmite de soupe préparée par des bénévoles pendant que d'autres dansent le tango. Montent des commissions France-Afrique, des commissions Sérénité. Et transmettent leurs luttes immémoriales. Le peuple n'a pas besoin de papier pour exister. Être debout la nuit, des nuits en plus des jours. Rester en mars la nuit sur la place, par un décret imaginaire. Là où tous les mouvements soudain convergent. Là où une statue historique rappelle une histoire commune. Là où ça s'ébat, ça débat, ça fraternise, ça chauffe, parce que c'est pas simple. Mais c'est bon de se coller au réel, s'y recoller, le transposer. Paris Radio a mis debout les nuits debout pour changer le monde. Pour se changer d'abord soi-même. Bruxelles, Saint-Denis, Saint-Ouen et les campagnes de tous les saints. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Pourquoi t'es ici ? Réflexion générale. Rêve général. Mes camarades, ceux qui n'en sont pas le regrettent. Oui, c'est ici que ça se passe. Sur les places du monde entier. Sur les places hors du taffetas. Nous sommes les 99%. Vous êtes toujours sur Radio Debout et on remercie les contributeurs qui nous envoient des petites créations, des petits trucs poétiques comme ça. Vous pouvez nous envoyer vos sons sur radiodebout@gmail.com. Radio Debout, toujours en direct de la place de la République où l'AG s'est terminée. Donc les gens sont en train de vaquer à leurs occupations et du coup il y a énormément de monde qui n'avait plus rien à faire sur la place, qui est autour de nous sur la petite tente de Radio Debout. À côté, la télé s'est arrêtée derrière et puis tant qu'on est à parler de nos voisins, un petit peu derrière encore, il y a Dessin Debout et il y a Raphaël et Seven qui sont avec moi. Salut les gars. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Raphaël, tu peux pour commencer nous rappeler ce que c'est que Dessin Debout sur la place ? Du coup, Dessin Debout, ça a été le 37 mars. En arrivant sur la place, j'ai passé en commission Dessin de presse debout au départ. Afin d'illustrer l'événement, donc je vais pas m'étaler là-dessus, je pense, parce que c'est pas... Toi t'es dessinateur ? Je suis pas bon orateur, je suis entre autres dessinateur et je touche à toutes les matières et je suis en 5e année au Beaux-Arts à Marseille, donc là en ce moment même je prends sur mes études. Du coup j'ai, après avoir passé la commission alors que j'étais tout seul, je me suis retrouvé avec une équipe immédiatement d'une quinzaine d'étudiants, de gens d'un peu partout, étudiants des gens. Et du coup ça fait 2 semaines qu'on est là, qu'on est là tous les jours pour certains. Moi ça fait 14 jours que je suis là tous les jours, voilà. Et l'idée, c'est que tout le monde peut venir faire son dessin. Alors voilà, donc on fonctionne dans un premier temps en système d'archivage. En fait, on essaye, je m'étais aperçu qu'il y avait des milliers de publications à travers l'événement Nuit Debout. Et je m'étais aperçu qu'en fait, ces dessins disparaissaient aussi vite qu'ils apparaissaient. Je trouvais qu'en fait, il y avait une sorte de coulée comme ça, comme un gisement ou une fontaine, mais qui en fait, à la fois, disparaissait aussi immédiatement, assez rapidement. Et là, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire avec justement toute la bande de copains, de dessinateurs et dessinatrices que j'ai rencontrés sur le tard. Et au départ, moi, tout ce que je voulais, c'était juste réunir des dessinateurs et des dessinatrices, juste en me disant, putain, ce mouvement, je l'adore. Enfin, je me reconnais quelque part, même si je ne sais pas réellement ce qui se dessine, mais en tout cas, je m'aperçois que chaque jour, on le dessine ensemble, mais voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, il va falloir qu'on archive ça. Et c'est donc les dessins qui dessinent le mouvement. Et c'est les dessins qui dessinent le mouvement. Et pour ça, donc, on a deux solutions. On a créé une page Facebook. Et pour ça, il faut, par exemple, nous envoyer de chez soi, pour ceux qui dessinent, nous envoyer de chez soi les dessins qui relatent l'événement sur dessindebout@gmail.com. Et ensuite de ça, nous, à partir du moment où c'est pas à caractère insultant, homophobe, ou que ce soit pas ultra violent, et que bon, qu'il y a des limites, je pense, et la commission avec qui je suis, et on a voté, parce que chaque décision qu'on prend, elles sont votées, je pense qu'il y a des limites à la liberté d'expression. Voilà, donc ça, c'est mon point de vue personnel. Si c'est pour dire des énormes absurdités sur le mouvement et essayer de dégrader, par exemple, la commission des Saints Debout. Voilà, mais sinon, on est très ouvert, faut jusque-là, on n'a pas eu de soucis là. Et pour finir, il y a des règles, quoi. Voilà, on essaye juste un minimum de. Voilà. Et donc, pour l'instant, on a archivage d'à peu près 500 dessins. Et aussi, on a créé un fanzine qui a été imprimé aujourd'hui, qui sont dans un premier temps un fanzine, le numéro 1, sur la première semaine des dessins archivés, qu'on a ensuite voté, donc il y a 30 dessins, et la deuxième semaine, et qui vont paraître demain. Il y aura à peu près 100 numéros qui vont paraître demain sur la place. Sur la place de la République. Sur la place de la République, il va y avoir les deux numéros. Il y aura 100 exemplaires, donc ça va partir comme des petits pains. Des dessins citoyens. À quelle heure, du coup, pour les choper? Eh ben, je vous le dis pas. Ok, surprise. Je vous propose faut être de venir demain, là en début de la République. Et toi, Seven, du coup, tu fais partie de Dessins Debout. Tu les as rejoints, mais tu étais déjà sur la place depuis longtemps, d'après ce que tu me disais tout à l'heure. Oui. En fait, moi, je suis plus avec les réfugiés, en fait. Les réfugiés, moi, je suis dessinateur aussi, plus autodidacte, plus dans street artist, quoi, plus dans les squats, dans les milieux alternatifs. En fait, il y a 4 mois, nous, avec les réfugiés, on était sur cette place de la République et on avait commencé à faire des ateliers de dessin pour qu'ils s'expriment, pour communiquer, pour trouver une nouvelle voie d'expression, en fait, pour montrer un nouveau visage sur les migrants. Donc on avait décidé avec des graffeurs de recueillir leurs témoignages et de faire une fresque qui a été reliée par les médias pour en fait montrer que ces gens-là, les exilés, les migrants, sont des personnes qui fuient des situations de guerre. Et c'est sur ce point-là que moi j'ai accès à toute la démarche artistique. Et vous leur avez donné des clés pour que le dessin soit aussi un moyen de raconter leur histoire. Exactement, vu que il y a la barrière linguistique, la plupart ils parlent, ils sont arabophones ou bien ils parlent le farsi ou des langages afghanes. Donc, mais par le dessin, il y a beaucoup de choses qui sont révélées à ce moment-là. Des choses, des moments magnifiques. On était à la maison de la femme, on était dans des lieux éphémères, on a monté des ateliers, et ça avait super bien marché. Il y a plein de choses qui sont sorties très positives, quoi. C'était super, super positif. Et ça continue aujourd'hui? Bah justement. Le camp est plus sur la place de la République, du coup? Justement, oui. Le camp était à Stalingrad, mais le camp il était énorme, quoi. On avait près d'un millier de personnes à ce moment-là. Et avec le relais, la force de Nuit Debout, Dessin Debout, ils ont pu ramener une énergie, justement, avoir cette idée de revenir sur cet endroit pour sensibiliser les gens par l'art, encore une fois, par ce même biais. Et ça fait du bien parce que on travaille depuis longtemps avec les migrants et on est fatigué, quoi. On donne beaucoup de nos. Moi, je suis bénévole, j'ai beaucoup donné. Et j'étais super heureux que Rafi vienne avec l'équipe Dessins Debout pour vraiment C'est une des actions qui part de la place finalement, une des commissions dessin qui part de la place pour aller s'occuper d'un autre truc en dehors de la place. On dit souvent que le mouvement est enfermé sur lui-même. Non, là, effectivement, il sort. C'est un truc artistique, mais il se passe un truc en dehors de la place avec un mouvement pour la régulation des migrants, etc. La place de la République, c'est... je pense pour moi, avant tout, c'est l'artère d'action. C'est l'artère de débat, de communication, de scène, de dialogue, mais je pense qu'il faut aussi qu'on agisse en dehors de la place, comme si en fait la place était le cœur du corps et que à partir de là des décisions se prennent sur des lieux d'urgence. Et moi, par exemple, la rencontre que j'ai fait avec Seven, en fait, je me suis aperçu quand j'avais proposé justement à aller dessiner ce qui se passe à Stalingrad, parce que c'est quelque chose de dramatique et de si je puis dire, même de honteux pour la France. C'est à ce moment-là qu'en fait j'ai rencontré Seven et qui m'a dit que lui faisait déjà des actions d'atelier là-bas. Donc j'ai rencontré du monde, il y a une organisation, à ce moment-là j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait déjà des gens au quotidien qui étaient sur le terrain. Finalement la Nuit Debout vient renforcer tout ce travail de terrain exactement. Qui existait. Exactement. Alors on va devoir terminer, je me permets de te couper. Vous avez ramené des dessins qui vont être imprimés, c'est ça que tu voulais dire pour conclure ? Donc demain il y a les fanzines, et puis par rapport à Stalingrad, on a réussi à collecter à peu près 150 dessins que les migrants ont pu réaliser aujourd'hui dans un calme et aussi avec des dessins sublimes d'oiseaux, de végétation et d'arborescence à travers justement toute une culture différente de la nôtre à travers le dessin. Et pour finir, je tiens quand même à dire, il a été relayé il y a peu de temps qu'il y avait des violences à Stalingrad, ce qui est complètement faux. En fait, pour nous, il est plutôt facile de se nourrir ou de s'héberger. Et bien pour eux, je pense que je veux vraiment finir là-dessus, ne serait-ce qu'une bouteille d'eau, pour eux, c'est vital. Et que s'il y a eu... auparavant une bagarre, c'est nécessairement en fait pour la survie, et je pense que c'est pas des choses qu'il faut relayer, qui pour moi à mon sens sont sans intérêt aucun. On a entendu le message, merci Raphaël, merci Seven, et puis on incite donc les gens à aller sur la place vous voir dessin debout, c'est à deux tentes de la tente de on dessine, il y a des enfants de tout âge, les citoyens et puis sinon dessin debout gmail.com et c'est archivé après. On fait des fanzines, des trucs cool. Dessin debout sur Radio Debout et Chronique debout avec un auditeur debout. Merci, Franche, tout de suite sur Radio Pas debout. De problème. Ah, la belle équipe. Sylvie, sonographe, m'a fait réécouter son abécédaire de la désobéissance, produit pour France Culture en 2009. Et de là a germé l'idée de vous proposer un abécédaire de la radio. A comme attention, B comme bande magnétique, C comme chaos, D comme délié, E comme éplé, F comme FM, G comme générique, H comme haché, I comme instant et Iliade, J comme jour et nuit, K comme culture, L comme longueur, M comme musique, N nuit et jour, O onde et odyssée, P comme plein, Q comme quête, R comme rouge, le rouge émis, S comme sonic, super sonic, T comme tellurique, U comme hutte, contre-hutte même, V comme vibration, X comme xylophone, Z comme Zanzibar. Mais il est bien tard. Bonsoir. Vas-y, on y est. Et voilà, du coup, petite rupture d'antenne parce que je crois que la connexion internet nous a lâché malgré qu'on l'ait rechargé encore tout à l'heure. Mais le direct continue depuis notre petit téléphone de secours. Antenne de secours, et de toute façon c'est la fin puisqu'il est minuit moins 4, on va rendre l'antenne pour ce 53 mars, je crois que c'est ça, 53 aujourd'hui, hein, 53 mars. Et du coup, pour terminer l'antenne, pour terminer ce 53 mars, on est avec un slammer qui s'appelle Anthem. Salut Anthem. Salut. Pour résumer, tu viens d'où? Tu slams quoi? Alors, je viens d'Ardèche, je slame des textes que j'écris. Voilà, le texte que je veux dire ce soir, c'est un texte qui a une dizaine d'années. Donc je prends un peu des précautions parce que il n'est pas dédié à Nuit Debout. Donc il y a des choses qui peuvent paraître un peu critiques, mais en fait c'est une réflexion que j'ai que j'aurais peut-être pas envie de enfin, que je vais remettre un peu en cause avec ce que je constate aujourd'hui à Nuit Debout. Ceci étant dit, je pense que c'est un bon outil de réflexion parce que ça dit les choses que je pense qui méritent d'être entendues. Voilà. Anthem, donc vas-y, c'est quand tu veux. Excuse, on est sur le studio d'urgence, donc c'est dans des conditions assez aléatoires. Je vais te tendre le micro au téléphone et tu y vas quand tu veux. Anthem sur Radio Debout pour le slam de la fin du 53 mars. Amer face à la mer d'erreurs qui submerge notre terre-mère, gère entre envie de m'investir et dépit de voir venir. Toujours plus de galères pour ceux pour qui c'est déjà un calvaire. Mais l'engagement n'est pas un choix, c'est une obligation. À suivre sagement pour qui a une notion de ce qui fait défaut dans les bas-fonds des âmes des bouffons que la société de consommation forge à grands coups de sucre d'orge. Nouvelles analyses, réanimation de devises, surannées, surinées au cerveau via la seringue des canaux, hertziens ou satellites, ça te dit ça va l'élite. Eh bien mon pote, il faudra te lever tôt car l'écart de flicards s'entasse, escarapace par les ouvrages de Lascar comme Sarko. Tu veux rugir ta rage, mettre en pièce ce coup monté, vas-y crie à l'outrage, mais calme ta liesse car tout est sondé. Tout remonte aux esgourdes des éhontés effrontés qui devisent à leur guise de nos mises du sort qui nous est jeté. Manipulateurs à manipuler avec précaution, ce sont des techniciens en communication qui récupèrent la substance de tes revendications et l'injectent à petite dose dans les écrans. Ils s'approprient ta cause, resserrant d'un cran l'irréversible chose qu'est l'accoutumance des névroses à l'aberrance. Ça continue. Non, définitivement, tu ne pourras pas seul, ni avec une bande de brigands briser Babel et la glisser dans son linceul. La révolution est à faire avec des gants de velours. Parmi les uns des tours, il te faudra briguer des postes, poser des masses d'armes, te fondre dans la masse d'années, cacher des années de crachat sur cet état que t'as condamné. Pose étendard et matériel lourd, alors tu pourras prétendre dispenser les premiers secours. Une fois dans la nasse, tu la décadenasses, y assimile des associés bien intentionnés. Une fois le réseau infiltré, alors tu peux te montrer sous ton vrai jour, lâcher le discours consensuel, sortir briques et truelles et bâtir d'ambition les plus belles constructions inébranlables. Alors, qui est capable ? Une tactique tentaculaire, telle est la technique pour tacler cette clique de macaques qui nous accable et clame, qu'on se cale, main de contrainte, pour renoncer à la machiavélique mécanique qui menace de caler. Mais si la populace avait d'autres espoirs, et si son souhait était ainsi de voir ses rouages stoppés, et se glisser enfin loin des cités. Wouh! C'était Anthem pour terminer l'antenne de Radio Debout ce soir. Radio Debout, c'était le 53 mars. On revient demain à 20h.